Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anime Minute EX. Aujourd'hui, encore de nouveaux invités, tous plus beaux les uns que les autres, évidemment. En face de moi, au total, 2m50 de cosplay à deux, donc c'est plutôt pas mal. Hein. 3 mètres. Bon, allez, on va dire 3 mètres. donc parce qu'évidemment, le thème d'aujourd'hui, c'est le cosplay, donc nous avons deux invités de marque. Tout d'abord, Marie Escoto, cosplayeuse, youtubeuse, twitcheuse, couturière, etc. etc. depuis plus de 10 ans maintenant. Hein. Briseuse de chaîne, voilà. Queen of the Andals. Hein. Voilà, un CV long, un CV plus grand qu'elle, finalement. Donc pas mal. Marie, est-ce que tu vas bien ? Ça va, tranquille, tout va bien. Je vais très bien. Eh bien, c'est l'important. Et à côté de toi, et pas des moindres, hein, notre très cher Rémi Fournier. Également cosplayer, photographe, un peu streamer sur les bords quand il veut bien. Quand j'ai pas la flemme. Quand t'as pas la flemme. Comment tu vas ? Bah écoute, nickel, content d'être là. Et bah avec grand plaisir, ça fait plaisir de vous avoir. Et évidemment, l'homme de l'ombre, les épices du podcast, terrible. Le Andrea Miniel de mon Flaubert, parce que maintenant on assume de plagier le podcast à 100%. Et bah mon très cher Yannick Ham. Et bah salut à tous. Et à toutes. C'est pas Squeezie pourtant. Et pourtant, non, c'est pas Squeezie tout à fait. Est-ce que tu vas bien ? Bah, ça va bien et toi ? Bah, écoute, on fait aller comme il faut. Donc, nouvelle émission, nouveau thème et bien sûr, nouvelle technique surtout. Ça y est, on investit des 1000 et des 100 grâce à nos sponsors qui ne donnent pas du tout d'argent. Donc, c'est vraiment cool. Red Shadow Legends, j'en ai entendu parler dans l'épisode précédent. Ah, c'est fou, hein ? Pourtant, pas du tout. Incroyable. Hein. Maintenant, c'est Genshin Impact. Oula, arrêtez de me lancer là-dessus. Oula. On fait quand même avant tout. Une spéciale dédicace, et attention, à Antoine Griezmann, qui est maintenant dans le lore du podcast. C'est vrai. Et alors là, depuis 3 jours, qu'est-ce qui ne se passe pas sur Twitter ? Alors, la Fédération Française de Football a lancé une vidéo promotionnelle, je sais pas quoi, je suis pas du tout footeux, sur Antoine Griezmann. Donc on le voit, ses entraînements, sa vie quotidienne. Et monsieur, quand il se repose dans le tourbus, si on peut appeler ça un tourbus, hein, je me permets, oui. Il regarde... des petits animes sur sa tablette, on le voit en gros, et regarde Inazuma Eleven. Donc, on le voit bien Inazuma Eleven, il kiffe sa race, saison 1 et tout. Et du coup, on l'a gentiment invité à venir au podcast, il a gentiment mis un petit smiley, il nous a gentiment snobé, mais ça a bien déclenché les foules. Donc, si t'écoutes ça, ou si vous venez d'être là grâce à Antoine Griezmann, bah, big up les gars, tu viens quand tu veux frérot, on se fait une petite bouffe, et on parle d'Inazuma Eleven avec grand plaisir. Sur Kenzo Eleven, on en a parlé dans le premier podcast. Mais alors, oui, on en a parlé dans le premier podcast, je crois, mais en plus, comment tu sais que c'est la saison 1 ? Ah, bah parce que c'est exactement le troisième épisode où Kazemaru arrive. De la saison 1. Let's incroyable. Go. Ah, bah attends, en plus, t'as revu il y a pas longtemps, donc facile. Donc voilà. Terrible. Big up Grisou. Donne tout ce que tu peux. Voilà. Gros encouragement. Donne tout. Évidemment. Donc voilà, on rappelle aujourd'hui, on va parler de cosplay, on va parler de plein de choses avec du coup deux un peu vétérans du cosplay, hein, si je puis dire. Ils vont nous donner un peu de retour sur expérience. Donc on va pouvoir voir un peu ce qu'ils pensent du cosplay aujourd'hui, du cosplay d'avant et peut-être du cosplay futur. Donc ça va être plutôt pas mal. Spoiler alerte, Covid. Ah bah, évidemment, voilà. Donc, on parlera de tout ça, on va y arriver, mais évidemment, vous savez que ça n'arrivera pas avant environ 1h30 parce qu'il y a 8000 rubriques avant. Donc, pour commencer maintenant, c'est toujours notre très cher partenaire Core Media qui nous envoie évidemment des petits jeux indés, ou pas indés d'ailleurs, bah pour qu'on en parle à nos très chers auditeurs. Ce mois-ci, un petit jeu, mais avant tout un petit jingle parce qu'on a augmenté le budget. Donc, petit jingle, Koch Media. T'es qui toi ? Bah, je suis Koch Media. Donc, évidemment, c'est Koch Media, comme je le disais très bien. De quoi va-t-on parler comme jeu vidéo ? La dernière fois, c'était totalement Yannick qui avait tout travaillé. Oui. Cette fois-ci, c'est que moi. Voilà, c'est que moi, mais je n'ai qu'un seul petit jeu à vous présenter qui s'appelle Windbound. Attention, l'accent anglais est présent. Donc, jeu disponible sur PlayStation 4, PC et Xbox One. Qui, de visuel en tout cas, vous rappellera un certain jeu passé inaperçu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild. Faut le dire, alors en ce moment avec Genshin Impact, tout ça, est-ce que c'est des plagiats, est-ce que c'est tout ça ? J'en ai rien à foutre, on retrouve que c'est la DA de Breath of the Wild, il y a un planeur à Breath of the Wild, les explosions ressemblent à Breath of the Wild, pourquoi pas ? C'est un petit jeu qui coûte du coup 15€ sur les différents stores, uniquement dématérialisé, et c'est un roguelite. Donc, encore une fois, on retourne sur un roguelite. Hein. Tous les mois, il y en aura un, je crois. Finir comme ça. Et le principe, c'est qu'on joue une héroïne, on connaît pas de nom, on connaît pas trop le lore, qui d'un coup va se réveiller dans une espèce d'antichambre très hélicoïdale, donc en référence au coquillage hélicoïdal, etc. Et qui va passer à travers sa porte, et elle va se retrouver sur un ensemble d'archipels, une île. Et on part de rien, on part à poil, on a rien, et il va falloir du coup crafter des ressources, à choper de la bouffe, et surtout construire un bateau, améliorer ce bateau pour naviguer d'île en île, et aller tout au bout de ces archipels, et finalement découvrir qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et donc dès qu'on va mourir, on va reprendre évidemment de zéro, mais on va pouvoir acheter des petits bonus, etc., pour nous faciliter la vie. Et du coup, c'est un jeu qui est vraiment très dans axé survie, vraiment, les combats c'est très très peu, c'est vraiment du combat un petit coup par un petit coup, il y a quand même des arcs, il y a des lances à crafter, etc. Mais les combats vont vraiment être là plus pour acquérir des matériaux type de la viande, du cuir, des plumes, pour confectionner encore d'autres choses, et vraiment améliorer. Mais le gros cœur du craft, ça va être ce fameux bateau, qui va commencer sur un mini radeau avec des rondins, jusqu'à avoir un gros voilier, et tout cela va jouer avec en améliorant le bateau, on va changer son maniement, changer la vitesse, etc. Et tout cela va nous permettre du coup de naviguer dans ces différents archipels qui, chaque île a un peu un setup différent avec des choses à grimper, des choses à creuser, différents ennemis, différentes, surtout flores. On va pouvoir également créer des petits feux de camp qui permettent de faire cuire différents outils, différentes viandes, différents cuirs pour encore s'améliorer. Et en fait, l'avantage, c'est que en fait, on prend par la main sans nous donner un tutoriel bête et méchant. C'est que sur la première île, on a du coup, on va dire, que du bois. On va pouvoir crafter les premières lances, la première canne à pêche, etc. Et du coup, on va se dire, ok, je fais quoi maintenant? Je peux crafter un bateau. Je fais un bateau. Avec ce bateau, je peux pas aller bien loin. Du coup, je vais à l'île la plus proche. Il y a quoi sur cette île? Il y a un mouton, il y a un lapin, il y a des fruits. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence à crever la dalle et tout. Je bute un lapin, je cueille machin et tout. Je gagne des objets. Et c'est pas à la Minecraft où il faut tout découvrir les crafts. C'est vraiment, quand je débloque un objet, et du coup, tous les crafts liés à cet objet, je les découvre. Et du coup, je sais, il me manque ça, il me manque ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et du coup, on continue. Et tout ce côté roguelite va se faire également via l'inventaire. C'est, dans notre inventaire, on a 5, au début, en tout cas, 5 slots qui vont, du coup, faire partie du roguelite. On va les garder dès qu'on meurt. Donc, par exemple, si j'ai voulu garder de la viande pour être sûr d'en avoir au début, une lance et quelques, on va dire, objets un peu plus de valeur que j'ai un peu plus loin dans le jeu, je les garde dans ce slot d'inventaire. Et quand je meurs, je vais les récupérer. Du coup, ça permet que quand on revit, par exemple, je peux commencer directement avec vraiment déjà de la bouffe, ce qui est très très utile dans le jeu, et surtout des éléments avancés qui vont permettre de tout de suite crafter un très bon bateau et tout de suite aller en fait aux îles que je veux aller voir. Parce que du coup, le fameux positionnement des îles est évidemment procédural, donc on aura toujours le même nombre d'îles, mais pas forcément aux mêmes endroits, pas exactement le même type d'îles. Et en fait, à chaque chapitre, donc c'est divisé en chapitres, vous voyez les chapitres comme par exemple les étages de Isaac, on aura un nombre en fait de clés à récupérer, donc premier 3, puis 5, etc., etc. Et ces fameuses clés, elles vont débloquer évidemment des parties d'histoire sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là. Et donc, je vous spoilerai pas l'histoire parce que c'est une grosse, grosse partie du jeu, c'est quand même la carotte qui nous fait avancer tout le long. C'est pas un jeu qui est très long, hein, vraiment, il a pas pour but d'être difficile, parce que finalement, vu qu'il n'y a pas vraiment de combat, c'est plus à la fin, le vrai ennemi, c'est plus une course contre le temps qu'une course contre les monstres en fait. Et le but, c'est vraiment juste d'apprendre et finalement d'aller presque speedrunner pour arriver à la fin le plus vite possible. Donc évidemment, entre chaque archipel, on a des petits checkpoints qui nous permettent quand même de reprendre un peu de vie plus facilement, de débloquer des choses, etc. Et du coup, on va découvrir un peu toute cette mythologie, toute cette ambiance qu'il y a autour, qui nous permet vraiment de vouloir voir la fin. Ça vous prendra peut-être 2 jours pour les gros joueurs ou une grosse après-midi pour ceux qui veulent. Mais c'est vraiment un voyage à 15 balles qui, pour moi, me rappelle un peu de Journey sur les bords, où c'est vraiment ce genre de jeu où on sait se porter. Même si lui, on va aller quand même très dans le gameplay, c'est des musiques envoûtantes, une DA certes très proche de Breath of the Wild, mais qui donne envie de continuer, une héroïne qui, même si elle ne parle pas, montre via des expressions faciales et certaines choses qui se passent dans le jeu, finalement vraiment une force dans son caractère qui montre qu'elle a envie d'aller loin. Et voilà, ça se prend vraiment, pas au sérieux, mais voilà, ça cherche pas à péter plus haut que son cul. Ça donne ce que ça a à offrir, ça le raconte bien, c'est très concis, et ça fait du bien pour vraiment couper un peu de tous ces jeux qui veulent faire peut-être un peu trop parfois. Donc vraiment, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je n'entendais pas grand-chose. En fait, moi, dans le trailer, je m'attendais même pas à roguelite. Pour moi, ça allait vraiment être un jeu d'exploration, un peu à la Yonder, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment une exploration qui ressemble aussi à Breath of the Wild. Mais ce côté roguelite est là pour accentuer finalement ce côté gameplay, ce côté dépassement de soi, pour donner envie du coup aux joueurs déjà de s'améliorer et d'aller au bout de l'aventure. Après, si vraiment vous n'avez pas le côté roguelite, il y a un mode de jeu où, bah, quand vous mourrez, juste vous revivez sur l'île en cours. Donc ça permet de juste vouloir aller voir la fin. Je pense qu'avec ce mode-là, en 4 heures, vous finissez le jeu. Après, 15h, 4 heures, il y aura le débat de est-ce que c'est trop cher ou pas. Je veux dire, peut-être un peu, pour 4 heures, un peu trop cher, peut-être. Après, voilà, c'est au feeling de chacun. Mais voilà, si vous n'avez pas de roguelite, vous faites ce niveau de difficulté-là, vous voyez la fin, vous avez fait vraiment cette aventure un peu comme un journey, qui finalement n'est pas beaucoup plus long, hein, loin de là même. Et vous aurez passé... Bah, journée à la sortie, c'était 20 balles, et la première run, c'est 3 heures, donc effectivement, c'est pas déconnant, quoi. Donc voilà, c'est ce Windbound. Donc moi, ça a été un petit, presque coup de cœur, vraiment, sur le coup. Excellente aventure, ça m'a un peu marqué, la fin est vraiment touchante. Il y a vraiment des moments, vraiment d'émotions forts dedans, je trouve. Et c'est très bien raconté, donc bravo. J'ai pas le nom des développeurs, malheureusement. Évidemment, les infos non sûres, c'est toujours dans les 10 minutes, hein. Ça, on change pas. Ça, c'est la signature d'émission, hein, vraiment. Donc, vraiment, big up en tout cas à Core Media d'avoir encore une fois édité ce jeu. Ça fait plaisir à voir. C'est évidemment entièrement en français parce que maintenant c'est leur credo de faire un maximum de choses disponibles en français. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le prochain atelier sera disponible en VostFR. Donc, premier atelier cool, à être disponible en français. Ah, bah cool. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, ce sera Atelier Risa 2 qui sort en janvier, disponible en français. Le prochain Yakuza qui sort mois prochain en français. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment cool pour l'accessibilité des jeux vidéo au plus grand nombre. Donc merci Core Media. On rappelle, c'est Windbound, c'est 15 balles, c'est PS4, One, PC, peut-être Switch, mais j'ai vraiment un gros doute là-dessus. En tout vous cas, vérifierez. Comme d'habitude, vous vérifierez chez vous. Donc n'hésitez pas à aller tester. Je sais pas si toi, c'était un peu intéressé le type de jeu, Yannick. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé, le jeu m'intéressait un peu. Donc à voir. Après, honnêtement, j'ai déjà commencé un roguelite. Terrible. J'ai peut-être pas me relancer dans un autre. Oh, t'as l'habitude. Oui. Et pareil, je sais pas, Marie, Rémi, est-ce que ça vous a un peu titillé comme genre de jeu, Windbound, ou pas du tout? Je sais que c'est pas trop votre genre, forcément, les rogues à la base. Ouais, les rogues, c'est vraiment pas mon style de jeu. À la base, je suis plus jeu d'aventure solo. Ouais, ça je sais, ouais. Ou vraiment jeu purement stratégique, en ce moment du AO2 avec les Definitive Edition qui sortent. Bah oui. Et Civ 6, c'est plutôt ce qui occupe mon temps libre en général. J'entends. Mais après, j'avais bien aimé ce style-là dans Craft, ouais, notamment, quand tu dois crafter ton radeau et sur ton radeau. C'est ça. C'est vrai que c'est des jeux que j'ai pas forcément joué, mais qui étaient agréables à regarder, en tout cas sur Twitch notamment. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est des jeux. Alors, Windmood n'a pas trop été joué sur Twitch. Enfin, après, c'est des petits jeux, donc j'allais dire étonnamment, mais pas forcément. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu vraiment chill où à regarder ou à jouer, je pense que t'es dedans, quoi. C'est comme Journey, c'est des jeux très contemplatifs malgré tout, qui sont toujours agréables, soit vraiment en let's play, en walkthrough ou autre, à regarder, quoi. Ouais, bah à ce moment-là, je pense que ce serait plus un jeu qui pourrait intéresser en aventure. Effectivement, même en format non roguelite, finalement, où tu fais juste l'aventure d'une traite sans te prendre la tête avec les difficultés, c'est cool de leur proposer, quoi. Parce qu'il y a le gros débat de est-ce que les jeux doivent être plus accessibles, notamment autour de Dark Souls. Et voilà, c'est chacun son opinion là-dessus. Je pense que les jeux sont bons, faut prendre un cas par cas pour le coup, parce qu'on peut pas faire une généralité sur les jeux vidéo, mais... c'est cool de le proposer en tout cas, et ça permet de rendre encore plus accessible ce fameux jeu, et c'est vraiment cool. Donc on va pouvoir passer au premier jeu de ce podcast. La partie préférée de Marie, évidemment. Elle est venue pour ça. J'adore. Yeah. Elle est venue pour les jeux. Yes. Le premier, c'est le jeu qu'elle a depuis le premier podcast. On en a raté deux du coup pendant les formats à distance, parce que les jeux à distance c'était vraiment trop compliqué à mettre en place. Mais avant tout, évidemment, un jingle. Parce que évidemment. Ouais, évidemment. Petit jingle jeu. C'est l'heure du duel. Pas très intelligent quand même ce que tu viens de faire, garçon. Et voilà, le petit jingle jeu. Ils sont bien dégueulasses, c'est tout ce qu'on aime. Donc. Budget prod. Le budget prod. Tout le budget est parti dans le matos. Hein. Vraiment. Alors, si vous nous découvrez avec cet épisode d'Animity X, déjà vous arrivez sur celui qui a la meilleure qualité son, donc bravo à vous. Beau pif. Et donc c'est le jeu du sens critique, nos non-partenaires, mais on les cite à chaque fois. On les aime, mais pas trop. Donc sens critique, le fameux site de critique. On sait qu'en général, quand on poste dessus, soit on aime vraiment beaucoup, soit on aime vraiment pas du tout. C'est toujours tout l'un ou tout l'autre, mais rarement très argumenté. Vraiment très modéré. J'ai bien aimé, mais pas trop non plus. Évidemment, voilà. C'est toujours parfait. Et donc, le principe, c'est, je vais déjà baisser le gain parce que c'est beaucoup trop violent, premièrement. Le principe, c'est, je vais vous donner une critique en général négative, c'est là où on se met du moulin à moudre, et vous devez me dire à quoi ça se rapporte. Donc, jeu vidéo ou anime. Il y a des deux. Il y a des indices. Souvent, je vise pour que ce soit des choses que vous avez jouées ou vues. Okay. C'est, je vise par rapport aux invités, par rapport à Yannick, donc normalement, il n'y a pas de piège. Ça roule, ça roule. Normalement. Du coup, on doit deviner si c'est jeu ou animé. Surtout, vous devez deviner quel jeu et quel animé c'est. Okay. C'est surtout ça le principe. Okay, ça marche. Le premier est très long. Okay. Non, les autres sont plus courts. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. En vrai, c'est, ils ne sont pas trop durs. Ça va. Je dis ça à chaque fois, mais ça va. Alors, on sait déjà que le studio n'en avait plus grand-chose à foutre de la qualité d'écriture de ses titres. Mais je crois que cet opus a explosé tous les records. S'ouvre une brève introduction, pas transcendante, mais au moins originale, dans les futures années 60 d'avant-guerre. C'est le pompon. Oui, ces tocards nous ont refait le coup du pitch ultra-nombriliste de l'épisode précédent, tout en essayant maladroitement de provoquer une once d'émotion, avec des personnages antipathiques et des dialogues complètement pourris, doublés par des acteurs de téléfilms. Le tout est si mauvais que même en mettant de côté l'aspect RPG, tout simplement inexistant dans ce volet et en se contentant de jouer à un FPS, il ne se passe pas un instant sans qu'on ait envie de hurler devant les sacs de merde que le studio déballe et étale à chaque détour de quête. Mon Dieu, quel dynamisme, quel charisme! Et ces random connards qui masquent la conversation avec leurs remarques pertinentes. Et ce limsync buggé, quelle classe! Mais putain! En majuscule, évidemment. Sortez-moi de cet enfer de médiocrité! Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce que cela pourrait être? Ce serait un Wolfenstein? Non, c'est pas Wolfenstein. C'est dans l'idée, mais il y a le côté RPG qui vient dedans. Bah, est-ce qu'on peut parler de Bethesda? On peut parler de Bethesda. Donc Fallout 76? C'est pas le 76, parce que ça aurait été trop facile de trouver des trucs sur 76. Oh, mais oui, mais il est tellement... Oui, mais... Alors, c'est des jeux plutôt, normalement... moi, je prends des trucs qui triggerent un petit peu, parce que c'est des jeux qui, grosso modo, ont plutôt été aimés, en plus. Surtout par autour de la table. 76? Ah non, du coup. toujours pas. Fallout 4? C'est Fallout 4, ouais, effectivement. Ouais, c'est 4. J'ai voulu changer, trouver sur du 3, mais du coup, vu que c'était la session 2D, 3D, ça valait que de ça. Mais celui-là était plutôt pas mal, et encore, il était 10 fois plus long. J'ai pris que le premier paragraphe. J'ai pris que le premier tome, alinéa 6. C'était une encyclopédie. Le mec, il était vraiment pas content, et il a mis 2. Hein. Vraiment, il aimait pas. Il a pas aimé. Hein. À Fallout 4 ? À Fallout 4, ouais. Ah oui, d'accord. Il a vraiment pas aimé, quoi. Non, il a pas trop aimé le jeu, je crois, mais je suis pas sûr. Non, ouais. Alors, on va sur le suivant. J'aurais pu tondre pendant 20 ans. La vie est faite de choix. J'ai pas fait le bon. Une rouquine se fight contre des robots dinos et des bandits contrebandiers dans un monde post-apo où seuls les humains, les bandits contrebandiers, les dindes, les sangliers, les ratons laveurs, les saumons, les renards, les lapins et les rats ont survécu. Je rigole pas. Me demandez pas qui est le con qui pense que dindes, sangliers, ratons laveurs, saumons, renards, lapins, rats, il y avait des tirés entre tout, est une faune, un écosystème crédible, mais bon, il y a 5 fleurs aussi. Ouais. Horizon Zero Dawn. Mais évidemment, cet avis, il est horrible. Il a pas suivi le jeu, le en fameux. Fait. Il a pas fini le jeu. Il y a aucune cohérence dans. Non, attention, ça trigger à ma droite. J'ai fait exprès. Et en plus, j'avais oublié parce que après avoir préparé le podcast, j'ai déjà mis Horizon dans le précédent podcast déjà, avec déjà un avis très négatif. Ah bah. En fait, j'ai vu quand j'ai fait, mais attends, j'ai déjà fait cet avis celui-là. C'est terrible ce qui se passe. Mais et pourtant, moi, j'ai pas aimé Horizon, mais bon, s'il y avait une chose qui était à peu près cohérente, c'était la faune et la flore quand même. Hein, donc, au bout d'un moment. Après, pour vraiment être imprégné de l'histoire, faut vraiment avoir tout fait, tout récupéré, toutes les annexes. C'est un jeu, tu peux pas donner un avis comme ça si t'as fait genre l'histoire que l'histoire. Alors, c'est impossible. On va entendre le débat, mais moi, j'ai vraiment un problème où chaque annexe est vraiment mal écrite et puis la merde, quoi. Donc ça m'a pas donné envie de faire plus. Mais ça te permet en fait de récupérer des. Fleurs. Des annexes, en fait, monde pour savoir ce qui s'est passé. En fait, ce qui est terrible, c'est que moi, le seul truc qui m'a bait jusqu'à la fin, c'est ce qui. En fait, c'est passé, en fait. Moi, je m'en foutais d'Aloy, je m'en foutais de tout ce qui se passait en ce moment, je voulais juste savoir ce qui s'est passé avant, en fait. Oui, mais du coup, t'as rush l'histoire principale et c'est pour ça qu'il y a plein de trucs que t'as pas dû. Maintenant, j'ai fait le 100%. 100%? Bah oui, je me suis emmerdé, mais j'ai fait le 100%. Oui, mais cet avis, il était pas possible. C'est pas possible. Après, voilà. J'ai, un manque d'argument. J'ai pas aimé. Après, j'ai pas aimé. Il y a des gros problèmes dans l'open world. Alors, qu'on aime ou pas l'histoire, ça, c'est subjectif. Mais il reste des gros problèmes techniques dans l'open world avec les mini-couloirs pour chaque zone, par exemple. Le problème de déplacement, où ça, c'est quand même dommage. à un jeu de cette envergure qu'ils ont voulu faire. Quoi. Ouais, voilà, c'est... On fait pas un podcast sur Horizon Zero Dawn, hein, mais... un jour, on fera un épisode spécial Open World, je t'inviterai, que ça, tu pourras parler de deux heures d'Horizon. Alors, moi, je suis d'accord, j'skip quasiment 99% des dialogues, ouais. Tellement ça me saoulait. Ah, c'est ça. Parce que non, mais on est d'accord. C'est parce que vous êtes des mecs. Moi, mais ça n'a aucun rapport. Je n'ai toujours pas fait le jeu, donc comme ça... Franchement, ça n'a aucun rapport, parce que Aloy, j'ai voulu l'aimer, mais le problème, c'est que je la trouve mal écrite aussi. Non. Il faut... Le personnage principal, il ne faut pas l'aimer, il faut juste jouer avec, c'est tout. C'est bizarrement dit, hein. C'est vraiment bizarrement dit, hein. Vraiment... Attention, tout de suite. Combini va nous tomber dessus, attention. Ça va être terrible, hein. Alors, suivant. J'ai fait que 4 avis, hein. Ça va. Mais le prochain jeu est plus long et plus drôle. Alors, déjà, c'est rien que des sales copieurs. Alors déjà, je pense qu'il a 10 ans. Et en plus, ils sont franchement loin d'égaler Pokémon. Bien fait pour eux, na. Point d'exclamation. Temtem. Digimon Adventure. Digimon Adventure, ouais. Le premier. Voilà, et c'est la deuxième fois que je me dis Digimon d'ailleurs aussi. Mais voilà, les. C'est dingue hein, que tout le monde compare ça à Pokémon. Digimon Adventure, tous les avis négatifs, c'est un peu le jeu de Pokémon, sauf que Pokémon a mieux marché. Point. C'est toujours ça, le résumé. Tout le temps. C'est incroyable. 3. C'est Pokémon en Digimon. Yes. Bravo les gars. C'est ça. Si, l'analyse critique, les gars. Bravo les mecs. Finalement, c'est pareil, Temtem, ça peut être Temtem, hein, vraiment. C'est terrible ce qui se passe. Hein. Et enfin, le dernier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de shonen aussi pourri. J'en reviens pas d'avoir réussi à le terminer. Entre parenthèses, 19 tomes. La seconde partie est tellement à chier, c'est un mélange de bons shonen. Alors il a écrit Dragon Ball, je pense qu'il veut dire Dragon Ball évidemment, Naruto, etc. pour au final donner une bouse intersidérale. Donc c'est un shonen, c'est un manga évidemment. En 19 tomes. Shonen. Donc, terminé du coup. Terminé depuis un bon moment déjà. C'est pas un manga récent. Hunter x Hunter. C'est... Bah du coup non. c'est pas terminé Hunter x Hunter. Presque. C'est-à-dire c'est loin d'être terminé normalement. C'est terrible ce qui se passe. Satan 666. Évidemment. Ouais, c'est mon base. Je sais, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est mon base. Je connais pas du tout. C'est par du coup donc le frère jumeau de Kishimoto. Saishi Kishimoto qui nous a donné du coup Satan 666 qui est un excellent manga, Blizzard Drive qui est un excellent manga, Crimson Wolf qui est un excellent manga. Et un dernier que j'ai oublié le nom, Mécanique. Excellent manga. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a fait est disponible. Donc, 666, c'est chez Kana. Oui. Et après, c'est que chez Kurokawa pour Blizzard Drive et Crimson Wolf. Info pas sûr non. Parce que. Là, c'est sûr parce que je les ai chez moi. Donc, pas sûr pour une fois. Et sachant que, du coup, Satan 666, c'est 19 tomes. Blizzard Drive, c'est 9 tomes. Et Crimson Wolf, c'est 3 tomes. Et à chaque fois, c'est début, milieu, fin. Pas de chichi. Ça va droit au but. C'est vraiment, franchement, très, très bien. Moi, mon préféré chez lui, ça reste Blizzard Drive, je trouve. J'avais commencé et j'ai jamais continué. J'ai en 9 tomes, c'est dommage. Hein. Non, mais après, ça, je peux comprendre. Et après, du coup, il a un trait, surtout dans Satan 666, très proche de son frère jumeau, pour le coup. Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que la série a fini tôt. À partir du tome 14, on a vu qu'il y a eu un échec totalement oui. Hein, de la saga. Bah, déjà, lui, c'était pas dans le Jump, il était dans le Shonen Sunday. Déjà, parce qu'il voulait pas éditer, du coup, les deux mêmes frères chez eux. Et en fait, il a le droit aux mêmes critiques que Gintama. Un peu plus fondé parce que finalement c'était vraiment un shonen de combat style Naruto, même après, enfin juste au trait de dessin parce que le reste ça n'a rien à voir. Et Gintama à l'époque avait pareil au mode eh, mais c'est 25 Naruto. Alors non, et alors comparé Gintama à Naruto, faut vraiment avoir des œillères hein, pour le coup. Hein. Et du coup, voilà, c'est comme tous les shonen, hein, les magazines de prépublication, c'est la merde pour se faire éditer, mais du coup, voilà, quand même 19 tomes. Et voilà, on recommande Satan 666 chez Kana. C'est toujours dispo, c'est pas en arrière d'édition, c'est déjà un miracle. Ça vaut le coup quand même. Ouais, franchement, je trouve ça vaut le coup. Hein. Si quelqu'un peut les lire, il les lit, faut pas hésiter. Non, c'est vraiment sympa. En vrai, 19 tomes, ça se lit vite en vrai, ouais. Sans déconner. Oui. Et j'aime bien où ça va quand même dedans, c'est assez cool. Donc, c'est la fin de ce petit jeu. Premier petit jeu, évidemment. El Famoso. On va voir passer à la partie la plus longue. Et donc, c'est parti pour les recommandations avec un petit jingle, évidemment. Waouh, la prise ! Un requin ! Waouh ! Et oui, Denis Brognard, un requin, mais surtout les recommandations. Et oui. Alors, évidemment, les recommandations culturelles, c'est encore être du vol, comme chaque semaine. Recommandations donc, qui touchent normalement de près ou de loin à la pop culture japonaise. Souvent de loin, on va pas se mentir. Donc, animé, manga, jeux vidéo, musique, drama, théâtre, Twitch, YouTube, podcast, rap français. On a eu du vol, on va en avoir d'autres. Donc, je vais commencer par toi, ma très chère Marie. Qu'est-ce que tu vas nous recommander à ce petit podcast ? Qu'est-ce que je peux recommander aujourd'hui? Alors, ça n'a pas besoin d'être récent, on rappelle. Ça peut être un truc d'il y a 10 ans, 15 ans. Mm. Après, on dit recommander, mais ça peut être quelque chose que tu ne recommandes pas, finalement. On parle souvent de positif, mais on a déjà parlé un petit peu de négatif. Donc, est-ce que tu as un truc à parler aux auditeurs? À parler aux auditeurs? Oui. Alors, en ce moment, pas grand-chose, parce que je ne fous pas grand-chose. Cool. Donc, c'est compliqué cool. de proposer. Par contre, je me suis remis sur une série qui est très vieille, qui date de 2006. C'est Lucky Star. Ah, Lucky Star. Lucky Star avec Konata, qui est El vraiment une série géniale. Il n'y a qu'une seule saison, oui. qui me semble de tête, de 24 épisodes, je 26. crois. 26. Ouais, tu connais par cœur, voilà. Mais sérieux, et un OAV également. Voilà, donc ça, c'est une série que je conseille beaucoup, qui m'a pas mal fait penser aussi à une série plus récente, Omaru-chan, oui. Imoto Maru-chan. Ouais, c'est du gag. C'est un peu du même style, des petites étudiantes, une à fond sur les jeux vidéo, le manga, mais que derrière, faut travailler quand même un petit peu, un strict minimum. Ça, c'est des très bonnes séries à conseiller. Quoi. Ah bah clairement, oui. Et ça a plus de la gueule que ce qui sort maintenant. Quoi. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula. Ouf. Tu parles à une vieille. Oula, oula, oula, oula. Ah non, mais... C'est normal, voilà. Le c'était mieux avant. Le c'était mieux avant. On l'a atteint. Surtout que, enfin, pour le coup, moi j'ai un vrai problème avec les, de façon générale, les animés en fait, des années 2000. C'est que quasiment, enfin, il y a une grosse partie des animés des années 2000 qui ont tous les mêmes problèmes et qui vraiment puent la merde au final, quoi. Pas Lucky Star, hein. Calmez-vous bien. Hein. Lequel de problème? En fait, il y a un gros problème déjà. Il y a un chara-design récurrent de tous les années, animes des années 2000 à 2010. Enfin, 2010. Non, c'est ancré là-dedans. En fait, c'est tous les chara-design type School Days, Clannad, toutes ces merdes du genre. Vraiment. Et pareil, c'était vraiment l'époque des animes où il fallait vraiment fallait que ce soit emo. Fallait vraiment que ce soit emo. Fallait qu'on prenne par les tripes comme ça. Mais c'est... Elfenlied, par exemple. C'est vraiment... Ça cristallise tous les problèmes de ces putains de décennies. Les pavés sont lancés dans la mare. Et qu'est-ce qui a sauvé cette décennie? C'est Gurren Lagann, évidemment. Mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est la génération qui est comme ça. Oui, mais... Si tu peux pas changer quelque chose qui était de notre génération. Ah, mais je dis pas de le changer. C'est que moi, j'ai grandi avec ces animes-là. J'en ai regardé. Il y en a maintenant que j'aimerais plus, certainement. C'est vrai. Mais... En fait, on a eu un meilleur cru manga que anime, je trouve, dans cette génération. Là où ça commence à s'inverser plus, nous, là, dans les années 2010, on a une meilleure cru animé, en tout cas originaux. Mmh. Et même des fois, du coup, qui bonifie les mangas. Après, la différence qu'on a de ce que nous, on avait, c'est que quand un manga sortait et qu'il sortait l'animé derrière, il y avait des fois pas de cohérence avec le manga. Que maintenant, il y a totalement une cohérence, même si des fois, il va y avoir des épisodes qu'on va pas retrouver automatiquement le manga. Ouais. Donc, Après, c'est un débat, c'est que... Moi, ça me dérange pas d'avoir un animé très différent du manga parce que j'ai pas envie de faire deux fois la même chose. Souvent, si l'anime colle au manga, je regarde que l'un ou l'autre. Mm. Après, ça dépend évidemment, mais c'est l'avis de chacun. Il y en a qui préfèrent que ça colle à l'œuvre originale, et je peux le comprendre. Hein. Moi, je préfère également FMA Brotherhood à FMA original, mais je dénigre pas du tout FMA, l'anime de 50 épisodes, parce que il était quand même qualitatif, et le seul truc qu'on lui reproche, c'est de pas suivre le manga, et c'est un peu débile oui. au final. C'est débile, c'est dommage, plus que débile, on va dire. Alors qu'en plus, la version qu'ils ont fait dans le premier anime est validée par l'autrice de Full Metal. Ouais. Non, mais c'est ça. Et après, encore une fois, c'est que c'est une question encore de préférence. C'est on peut aimer ou non que ça suive ou pas le manga. C'est deux façons de voir. Je pense que du coup, Lucky Star, à la base, c'est un gag manga également. Et que ça suit l'anime plutôt bien, oui. pour le coup. Ouais. C'est vraiment. Faut le regarder, regardez-le. Est-ce que tu peux nous faire un petit, synopsis de Lucky Star Un quoi Un résumé de l'histoire. Un résumé de l'histoire. Enfin, ça fait après, très longtemps. Surtout parler d'histoire dans Lucky Star, c'est compliqué, quoi. Mais... Bah ouais, mais c'est ça. Quand tu prends le premier épisode, pendant 20 minutes, elle parle de comment manger un pain, comment manger du curry, comment manger un panais, tu sais pas. Alors, donc, pour vous donner envie, surtout, il y a un épisode particulier où il mange la fameuse pâtisserie au chocolat. Qui est non, terrible. Voilà. Non, mais c'est le premier épisode. Est-ce que je le prends par le petit bout ou par le gros bout? Parce qu'après, ça coule. Mais de quoi elle non, parle mais le vrai problème, c'est que ça coule. En fait, c'est une fameuse pâtisserie japonaise qui a forme de cône, qui est fourrée au chocolat. Mm. Et en fait, normalement, il faut le manger par le haut. Parce que le problème, c'est que. Mais du coup, Konata le mange par le bas et ça coule. Mais du coup, on dirait que ça fait caca. Évidemment, c'est une blague de caca. c'est pourtant évident. J'avais pas vu cette blague sous cette. Mais ils le disent littéralement. C'est terrible. C'est vrai. Mais... Et voilà, mais c'est ça se prend zéro au sérieux. Du coup, Konata est doublé par la même doubleuse que Harui. Donc oui. J'ai malheureusement oublié le nom, et donc voilà, c'est Aya, je crois que Aya Hirano, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, et surtout, chaque ending est un karaoké d'un opening très connu d'un autre. Mais c'est trop génial, ça, par contre. Et du coup, et surtout chanté de façon très fausse par Konata, notamment Chala Chala Dragon Ball Elle et l'opening d'Evangelion. Qu'on a déjà bien saccagé dans ce podcast la dernière fois. On ne fera pas l'affront de le faire deux fois. Mais voilà, c'est 24 épisodes. C'est disponible peut-être chez ADN, mais il change tout le temps, donc je ne peux pas vous promettre. Sinon, ça se trouve très facilement. Non, sur ADN, je ne les ai pas trouvés. Hein, ah, bon, bah, ils l'ont plus, malheureusement. Et c'est du coup signé, évidemment, Kyoto Animation. Oui, voilà. Les meilleurs. L'un des meilleurs, évidemment. Et surtout, respect à Kyoto Animation d'avoir réussi à se relever après le désastre de l'année dernière. Oui. Vraiment. Un gros pensée à toutes les familles, encore une fois, et à toute l'équipe de Kyoto Animation. Big up, les gars. Est-ce que tu as autre chose à nous recommander ? T'es pas obligé, hein ? Si, je peux bien vous recommander un artiste japonais que j'aime beaucoup, c'est Kenshi Yonezu, ouais. Qui fait un des génériques de My Hero Academia. D'accord, lequel, du coup ? Le Peace Scene, il me semble, de tête. D'accord. C'est quoi, c'est l'ending 2 ? Ending de la saison... Ending saison 1 ou 2, j'ai plus laquelle. D'accord. Ouais. Donc, et c'est vraiment un artiste qui est super. Il a fait des titres comme Loser, qui parle un peu du racisme, pas du racisme, je peux parler de racisme, mais violence à l'école, D'accord, etc. De la discrimination de façon large. Il y a aussi, il y a Peace aussi, qui est un titre qui parle, ils sont très profonds, c'est... Oui, enfin, c'est des musiques à texte, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, comment il s'appelle exactement ? C'est Kenshi Yonezu. Oui. Attends, on va mettre un petit bout, parce que maintenant qu'on peut... Donc, Hop. Maintenant qu'on peut le faire, on va pas s'en plaindre. Alors, Kenshi Yonezu, on fait ça en direct. Ça propose directement Fortnite, c'est terrible ce qui se passe. Allez. C'est parti pour Fortnite. Non, c'est bon. Ah, mais oui, j'en ai parlé. Je crois qu'il a fait un concert également dans Fortnite, comme pas mal de personnes. C'est terrible. J'adore sa voix. On va mettre un petit bout. Hop. Est-ce qu'on va l'entendre comme il faut ? J'ai pas l'impression. C'était assez fort. Un petit peu fort, ouais. Ah oui, d'accord, je vois lequel c'est. Bah, c'est le premier ending. Ah, c'est l'opening. Ah oui, c'est le deuxième opening. Oui, c'est l'opening de celui-là. Désolé YouTube, hein, on sera démonté encore une fois, comme tous les épisodes. La meilleure reste quand même Loser. Loser ? Et ben on va être un petit Loser. On va pas s'en priver, hein. Allez, énergie non-stop hit, hein, évidemment. Loser. Mais c'est pas dans un anime, elle aussi. Si, ça c'est. Là par contre, c'est un anime. Ouais, c'est pareil, avec des choses. Chante, c'est pas. De quoi ? Il y aura qui chante. Ah, mais oui. Ok. Et bah c'est très qualitatif en tout cas. Donc non, je ne connais pas l'anime de ce générique là parce que moi j'écoute vraiment les artistes. Non, en fait. C'est peut-être des bêtises, hein, parce que c'est possible. Chat, hein. Il en a fait beaucoup. Il me semble qu'il a fait aussi du Fairy Tail. D'accord. Voilà. Donc il tourne pas mal, quoi. Ouais. Voilà. Quand t'as des voix comme ça colle bien de toute façon. Donc. Oui, en général, ça y a pas de souci, quoi. Ok, et bah merci pour ces petites recommandations. Donc, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'artiste ? Kenshi Yonezu. Ok, et bah n'hésitez pas à aller checker ce fameux Kenshi Yonezu. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Et toi, mon très cher Rémi, qu'est-ce que tu as à nous conseiller ? Moi, ce que je conseille, c'est un animé que j'ai découvert récemment, que j'ai torché comme il faut. Ouais. Comme ça. Ça s'appelle The God of High School. Ah bah, on est deux. Ah. On est deux, du coup. J'ai vu l'animé popper sur un site de téléchargement complètement légal. Ah bah, bravo. et du coup, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Ça va extrêmement vite, par contre, au niveau de... Ça va, après, le webtoon va assez vite aussi, de base. Hein. Ouais. Et on en a déjà parlé, on l'a recommandé la semaine dernière, non, aux dernières minutes, c'était Maxence qui l'avait recommandé, et je l'avais validé. Mais tu peux refaire un point, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le synopsis de The God of High School? En gros, le synopsis dans The God of High School, en gros, c'est une compétition pour trouver, en gros, un des meilleurs pratiquants d'arts martiaux au monde. C'est ça. Ça se passe en Corée, c'est les sélections de Séoul. Oui. En gros, entre différents... Enfin, on peut dire que c'est des élèves, mais c'est des adolescents. C'est censé être tous des high schoolers, du coup, ouais, des voilà. lycéens. Mais il y en a, ils ont 35 ans. Hein. On est vraiment dans Riverdale. Hein. Voilà, et en gros, le but, c'est de trouver... en gros, ça parle principalement d'un trio, donc d'une fille qui a pris la suite de son école de sabreur de son père. Un gars un peu random qui a une puissance, on ne sait pas trop comment, d'où ça vient. Ah oui, random, c'est le mot. Hein. Il est incroyable. Et après, on a un petit-fils d'un grand-père qui a fait la guerre et un monstre, instrument, on peut dire instrument des arts martiaux. Il fait du taekwondo. Exactement. Enfin, il fait ce genre de taekwondo un peu particulier, mais il fait du taekwondo, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et vraiment incroyable. Les dessins des combats principaux sont... L'animation est vraiment topissime. Enfin, du coup, c'est un Crunchyroll original. Ouais. Du coup, c'est tout de suite Crunchyroll. Mm. Et donc, Crunchyroll, en fait, ils ont lancé des... Enfin, ils n'ont pas un studio. Ils donnent à des studios. Donc là, c'est les studios MAPPA qui s'en est occupé. Et du coup, par contre, ils mettent plein de thunes. Et ça se voit, du coup, dans l'animation. Évidemment, quand c'est de l'argent, en général, c'est bien produit. Ouais. Déjà que MAPPA font quand même déjà du bon taf de ouf. Et ils ont pris le credo, du coup, des webtoons. Donc, en gros, tous les webtoons qui marchent. Donc, on avait eu The Tower of God. Là, on a The God of the School. Cette saison, on a Noblesse. Il y en a eu un autre juste avant Tower of God, mais j'aurais plus le nom malheureusement. Donc moi, les webtoons, c'est pas trop ma cam de base, j'avoue. C'est le format qui me dérange plus que l'histoire au final, parce que je suis un vieux con maintenant, ça y est. C'est terrible ce qui se passe. Si jeune et si con déjà. C'est dommage. Hein. Mais du coup, ouais, moi, autant Tower of God, j'ai pas du tout aimé, ça m'a pas tout touché. Autant God of High School, moi vraiment, j'ai regardé en mode, j'ai déconnecté, j'ai fait, je veux voir de la bagarre. Genre, ouais, non mais clairement. Non, j'ai fait moi c'est la bagarre. C'est pour ça qu'on regarde. C'est la bagarre. Et enfin jusqu'à l'épisode 4-5, c'est vendu comme ça, c'est vendu pour la bagarre vraiment. Ouais, mais clairement. Et c'est incroyable. Enfin, la chorégraphie des combats, l'animation, là il y a zéro CGI pour tricher dans les combats, c'est full 2D. Ils vont même plus loin que ça, enfin c'est incroyable les crayonnés pour les effets de ouais, combat. C'est ouf. Pouah, c'est après donc on dira pas dans quelle direction par l'histoire. Oui, bien sûr. On n'aime pas ce qui se passe à la fin. Moi au final c'est plutôt bien passé, on va pas se mentir, même si j'ai une petite préférence pour le voir au tout début assez très art martial pur et dur, ouais, je suis d'accord. Très patate, mais voilà, j'ai hâte de voir, il y aura sûrement une saison 2 vu le succès, hâte de voir du coup la suite, parce que du coup le webtoon j'ai pas été plus loin que là, je voulais juste voir la comparaison, voilà, c'était juste ça, j'ai pas été plus loin parce que pareil le format me plaît pas plus que ça, mais non voilà, The God of High School c'est déjà un putain d'OST, l'OST de God of High School, ouais, incroyable. Ah, c'est incroyable. On vous passe l'opening parce que maintenant qu'on peut on va pas s'en cacher quand même quand même, et c'est très dubstep du coup, God of High School, tac, du coup toi t'avais pas aimé l'opening, tu m'avais dit que tu l'aimais pas, mais pareil Maxence la dernière fois n'avait pas aimé l'opening non plus, pour le coup. Ah, mais du coup Marie des fois elle entend l'opening, elle me dit Ah oui d'accord, de suite. Alors c'est, vous ne pouvez pas voir mais il y a eu une réaction assez en défaveur et c'est pour vous ça vous n'avez pas l'image, c'est très dommage, hein. Et c'est pour ça qu'on va le laisser plus longtemps du coup. Et on va monter le volume. On va être à fond. Mais voilà, c'est très dubstep, c'est très, en fait c'est très K-pop dans l'âme. Même tout l'été, hein, est très coréen dans l'âme. Alors que c'est. Alors mon seul point négatif, c'est on est à Séoul mais il parle plus japonais. J'ai jamais du mal à me faire. C'est souvent le cas, hein, mais c'est dommage, hein, parce que c'est full à Séoul, c'est dit qu'on est à Séoul, mais tout le monde parle japonais quoi. Bah. En vrai, c'est pas. Enfin, c'est un code qui revient assez souvent quand tu regardes des séries et tout, oui, des non, personnages. Oui, genre, bon, Emily in Paris, c'est différent, mais dans Emily in Paris, tu vois, tu vas avoir des personnages américains qui vont arriver à Paris et qui vont parler anglais alors qu'ils sont censés être français, des trucs comme ça, tu vois. Non, oui, après, c'est pas grave, c'est chipoter pour chipoter. Mais c'est. Moi, j'aime bien quand on assume jusqu'au bout et qu'on aille vraiment dans les langues, quand on est dans un pays tel quel, on essaye au maximum, ou alors on trouve une gimmick pour dire pourquoi ils parlent tous japonais ou quoi du genre, quoi. Après, voilà, c'est vraiment pour vraiment donner un mini avis négatif, quoi, dessus. Parce qu'overall, c'est quand même de la très bonne cam. Et pareil, j'ai pas aimé Tower of God, mais en termes de production, c'est de l'excellente cam. Et la noblesse, pareil, cette saison, en termes de production, on n'a rien à reprocher là-dessus. C'est assez incroyable ce que fait Crunchyroll. Et du coup, c'est des Américains qui produisent des trucs japonais, et ça, c'est une première au monde, et c'est incroyable. Parce que c'est sous licence Warner, du coup, j'ai vu aussi. Ouais, enfin, Warner met un peu des thunes dedans, quoi. Ok. Ça aide. Mais voilà, Crunchyroll, c'est quand même une boîte américaine à la base, qui mettent des thunes pour produire des animes japonais, et du coup, dispo uniquement sur Internet, pas à la télévision. C'est couillu quand même. Enfin, vraiment, au niveau production, c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire, et ça marche, donc tant mieux. Bah, tant mieux, c'est une réussite pour leur modèle économique, ça fonctionne. Bah, là, chaque saison, ils en produisent un. À chaque saison, ça marche, donc. Bah, Webtoon, c'est le nouveau truc à la mode. C'est ultra consommé, et bah, ils ont eu raison d'en faire, et j'espère que ça va continuer. Hein. Et c'est de la bagarre, du coup. Ah, bah là, c'est la bagarre. Là, c'est la bagarre. Hein. Alors là, franchement, là, vraiment, c'est testostéroné à donf, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Hein. Et ça, c'est cool. Ah, exactement. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Et du coup, en deuxième recommandation, ouais. Ça va pas être de l'anime, ça va être pas de un photographe. Ouais, avec plaisir. Qui s'appelle Sen Benito. Ouais. Qui habite en région Rhône-Alpes, puis il est né en 97. Vraiment super cool, un très bon gars. Ouais. Je l'ai rencontré quand j'ai fait une convention qui s'appelle Yggdrasil. D'accord. À Lyon, l'année dernière. Ouais. Et en fait, il fait des photos effet néon du Japon. Complètement. Ok. En fait, que ce soit de jour ou de nuit, en fait, il va tout passer en effet néon. Complètement. Avec, avec tout ce qui va bien. Donc, c'est boost photo de rue, donc avec des personnages seuls, en mettant quelques. Petite voix suave comme ça. Ah oui. donc en mettant tous les sigles qu'il faut avec, en rajoutant des montages vraiment super cool. Ouais. Et du coup, c'est un photographe, si vous souhaitez le découvrir ou faire des shootings avec lui. Si okay. On peut retrouver son travail où, par exemple? Il a son propre site internet. Ah, c'est cool ça. Il a aussi, alors ça j'ai découvert que c'était une possibilité sur Display, mais on peut ouvrir nos propres boutiques Display. Ouais, ça j'ai vu passer, c'est cool aussi. Voilà, et du coup il a sa propre boutique Display où il vend, ses productions, cool, mais il est aussi du coup photographe vraiment à temps partiel, puisque c'est pas son activité principale. Oui. Temps très compliqué pour les photographes évidemment. Actuellement. et du coup, voilà, il fait des photos de portraits, des boudoirs, des photos de rue. Ok. Tu peux rappeler son blaze ? Sen Benito. Alors, c'est S-E-N-B-E-N-I-T-O et underscore, si vous le cherchez sur Instagram. Ok. Et bah, parfait. On n'hésitera pas à checker ça. Ce sera en description si j'y pense. Donc, ce sera sûrement pas. évidemment. Donc, vous irez chercher vous-même. Voilà, évidemment. La classique, évidemment. Et bah, top. Mon très cher Yannick, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine ? Alors, en vrai, de purement japonais, j'ai pas tant que sauvé ça depuis un petit moment. En vrai, je suis retombé un peu dans Final Fantasy XIV parce qu'il y a eu le patch note 5.35 qui est sorti et qui, en gros, a permis l'accès aux armes reliques, en tout cas la phase 2 des armes reliques, donc qui est, pour ceux qui sont habitués un peu au jeu, qui est un peu une phase Eureka du jeu. Donc, en gros, c'est des grosses zones de farm où, en fait, pendant des heures, tu vas bâcher du mob pour gagner des trucs, enfin des items que tu vas devoir vendre à des PNJ qui vont te redonner d'autres items et qui, au fur et à mesure, vont pouvoir te débloquer ton arme. Donc, au final, en fait, ça dépend du temps que tu passes, mais le but, c'est pas d'y passer entre... Enfin, ça dépend vraiment ton temps de jeu et à quelle motivation tu as. Tu vas pas... Si tu dis, je me fais une session de 2h30, tu te fais une session de 2h30, t'arrêtes, tu fais autre chose sur le jeu, quoi. Donc, c'est vraiment pensé pour patienter en attendant la 5.4 qui arrivera mi-décembre, du coup. OK. Et qui, du coup, introduira aussi les premiers teasers pour la prochaine extension, donc pour la 6.0, qui pourrait être la dernière extension, mais on ne sait pas trop. Ils disent à chaque fois ça, ça marche, et après ils relancent le jeu. Mais voilà, et après, bah, surtout des séries américaines. Donc, non, mais on ne veut pas de ça ici. Hein. Donc voilà, c'était vraiment le seul produit purement japonais que j'ai consommé. Pour rebondir sur FF14, du coup, vu qu'on a un peu de temps là-dessus. Est-ce que pour toi c'est un MMO qui est difficile d'accès pour un nouveau joueur, par exemple, si quelqu'un veut, là, quelqu'un qui n'a même, on va dire, jamais joué à un MMO, ou alors très peu à d'autres, pas forcément familiarisé avec le genre, est-ce que FF14 peut être une bonne porte d'entrée pour un premier? Est-ce que son modèle économique est pas trop lourd pour quelqu'un qui peut pas forcément jouer beaucoup? Enfin, est-ce que c'est quelque chose, alors oui, ça demande du temps, c'est un MMO, on va pas se cacher. Voilà, est-ce que ça pourrait être le premier pas pour ce genre pour quelqu'un ? Alors, est-ce que c'est accessible ? Je dirais que oui, maintenant. Ça l'est peut-être moins, un peu moins avant. Enfin, après, moi, j'ai vraiment repris, c'était Stormblood. Mm-hmm. Donc, j'ai connu vite fait la 1.0, la catastrophe. Et encore, je trouve... Mais après, généralement, les FF sont pas forcément ultra compliqués d'accès. Donc, faut vraiment voir le jeu comme un FF solo, parce qu'il tend à le devenir un peu plus. En tout cas, il priorise l'expérience solo, parce que ça reste un jeu avec une histoire qui est assez complète, avec un lore qui se développe au fur et à mesure du jeu. Surtout qu'en plus, ils ont vraiment de plus en plus simplifié la quête principale. Genre, pendant un moment, le passage entre... Unreal Reborn, donc qui est la 2.0, qui est le reboot de l'intégralité du jeu, et la première extension qui est Evensward. Il y avait 100 quêtes qui étaient vraiment 100 quêtes, c'était juste du je dépose à un PNJ, je reviens, je redépose. C'était dégueulasse. Et ça durait 100 quêtes, et c'était un enfer. Et du coup, ça, ils l'ont réduit par exemple, justement pour perdre le moins de joueurs possible. Et en fait, dès Evensward, le rythme devient de plus en plus soutenu. Alors, je sais que toi, t'aimes un peu Stormblood. Moi, j'ai mes réticences. Non, c'est l'inverse. Moi, j'adore Evensward, je déteste Stormblood. Ah, bon bah... Il y avait un lien. Il y avait un lien. Mais oui, en fait, Stormblood a une petite baisse de régime qui, je trouve, peut vite être un problème, mais c'est vraiment une extension de transition, je trouve, pour la Shadowbringer, quoi. C'est ça, c'est qu'elle introduit beaucoup de choses pour Shadowbringers au final. Et en vrai, je pense que oui, c'est accessible à des nouveaux joueurs, et même à des joueurs qui sont pas familiarisés avec le MMO. En fait, on est tout le temps bien accompagné, et pareil, le jeu permet plein de possibilités. On n'est pas, c'est obligatoire dans un sens de faire la quête principale pour avancer, mais en vrai, il y a beaucoup de joueurs qui ont leur spécificité. Par exemple, beaucoup de joueurs vont faire la quête principale, passer à un autre MMO ou un autre jeu, revenir quand ça reviendra, ou quand il y a un nouveau patch majeur qui sort. Il y a des joueurs qui vont chercher à tout monter au niveau 80 actuellement. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y a ceux qui passent 400 heures au Gold Saucer pour jouer au Triple Triade, comme moi. Ouais, voilà, il y a ceux-là. Il y a ceux qui vont juste faire de l'artisanat et de la récolte, ce qui prend déjà un temps monstre, hein, on va pas se mentir. Et il y en a. Triple Triade, c'est un jeu dans le jeu, c'est ça? Ouais, c'est pour ceux qui ont fait FF 8 et. 8. 9. Il est dans 2 FF, mais j'ai un doute sur le deuxième. En tout cas, sur dans 8, c'est le fameux jeu de cartes où on joue, tu sais, en colonne de 3x3 pour retourner les autres et gagner les colonnes, quoi. Et okay. Du coup, il est dans FF14 avec un vrai système de deck building, de craft de cartes, etc. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grosses mises à jour sur le Triple Triad, malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose qui, jusqu'à la fin, au moins d'Evensward, il y avait énormément, il y avait des tournois là, hebdomadaires, etc. C'était vraiment une grosse partie pour les connards comme moi qui jouent qu'à ça, mais il y avait un gros truc où on pouvait vraiment beaucoup jouer. Sachant qu'en plus, c'est pas mal fait parce qu'on peut vraiment, au fur et à mesure du jeu, comme dans FF8, il y a quelques PNJ qui vont faire on se tape au Triple Triad. Let's go, tu peux t'axer sur vraiment tout le côté casino du jeu. C'est pour ça que je rejoins là-dessus, c'est que chacun y trouve un peu, je trouve, son compte. Il y a toujours une partie du jeu qui nous plaît, où le seul truc obligatoire est finalement évidemment la quête principale, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est le fil connecteur. C'est le fil connecteur, et voilà, quoi. C'est ça. Et puis même, par exemple, un joueur n'est pas obligé de faire du contenu haut niveau, quoi. C'est vraiment à son envie et à son choix, sachant que en plus le jeu te laisse quand même la voie pour tester un peu le haut niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les différents primordiaux ou les boss que tu vas rencontrer après un donjon, tout ça. Donc tu pars du normal pour le début, après tu passes à la difficulté brutale, donc qui inclut de nouvelles mécaniques, et après tu as la sadique, extrême. Ça dépend ce que tu fais. Le sadique, c'est vraiment sur les contenus, les raids à 8, je crois, si je me trompe pas. Et les raids 24, par exemple, c'est une difficulté normale, quoi. Donc, et du coup, plus t'as une grosse difficulté, plus t'as des loots importants. Bah, ouais, c'est ça, en fait. Le plus tu montes, en fait, en sadique, par exemple, plus c'est pour débloquer du contenu, ton équipement e-level par semaine, en fait. Ok. Et un patch sur deux, du coup, t'as un raid 24. Donc là, c'était la deuxième partie du raid Nier. Et pour la 5.4, ils vont sortir le dernier étage, la dernière partie de ces 4 étages-là du raid 8, quoi. Et donc à partir de ce raid-là, tu peux débloquer ton équipement qui te permet ensuite de monter au plus haut niveau d'équipement pour la prochaine extension, en fait. Ok, et du coup, en fait, à chaque quand tu dis que normalement c'est la dernière, mais il y en aura d'autres, c'est quoi, ils rajoutent des étages? Bah, en fait, ouais, si tu veux, tu commences avec 4. Dans ton raid à 8, tu vas avoir 4 étages. Mm-hmm. Tu as une histoire globale. Tu finis tes 4 étages, donc tu as battu tes 4 primordiaux, tes 4 boss, qu'importe, hein, ce qu'ils mettent. Ensuite, ça s'arrête. Un patch impair ou pair, ils vont sortir un raid 24 pour tout le monde, où là aussi, tu as du loot pour ton perso qui est plus fort que le loot du jeu. Et en fait, après, tu l'améliores comme tu le veux avec les matériaux, tout ça. Ils ressortent le raid 4, les 4 étages d'après, mm-hmm. et ainsi de suite. Okay. Jusqu'à la 6.0 où en fait le but c'est que tout le monde soit à jour, mais comme je dis, c'est pas une obligation, c'est vraiment si tu veux rester avec ton stuff de base, tu peux en fait, tu peux dépenser de la monnaie in-game dans des équipements et en fait ça fait très bien le café quoi. C'est ok, ouais, t'es obligé de le farmer comme un gros porc pour pouvoir passer le niveau. C'est ça, t'es pas obligé. Okay. Vous jouez un petit peu à vous à des MMO RPG ou pas du tout? Ben Marie vient d'en commencer un, donc ah, je terrible, je laisse en parler. Il le connaît. Kenshi Impact. Voilà. Alors déjà, elle a dit K et pas G, et c'est pas un MMO. Mais c'est pour ça. C'est un jeu gratuit et ça vaut sa gratuité, donc pas de problème. Alors, c'est divertissant. Du coup, elle m'a lancé dessus. On va parler de Kenshi Impact. Alors, je vais pas parler de qualité de jeu là du tout. J'ai pas envie de partir de là-dessus parce que moi, c'est l'un des rares jeux que j'ai mute Twitter tout partout, vraiment parce qu'il y a trop des gros problèmes avec le genre. C'est attention, si vous y jouez et si vous le conseillez, faites attention à qui vous en parlez et tout ça parce que ça reste un gacha. Les gachas, on rappelle, c'est des jeux d'argent, c'est des jeux de gambling. Et donc, il y a un système d'achat en fait in-game où il y a des tirages aléatoires, c'est du gachapon. On en a déjà un petit peu parlé, je crois, dans le tout premier podcast. Mais voilà, c'est attention à vous, vraiment, les gachas, c'est très dangereux. Ça tue des vies. On en parle ici pas mal en connaissance de cause. Donc, ne conseillez au grand jamais un gacha à quelqu'un. Vous avez le droit d'y jouer. Alors là, moi, je vous dis pas de pas jouer des gachas. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de pas mettre d'argent, ou de l'argent que vous pouvez perdre. Voilà, ou si vous avez vraiment plein d'argent, si vous êtes sûr que ça vous ruinera ni le moral, ni la vie, ni le compte en banque, jouez à des gachas. Ça, jouez à des gachas. Vous pouvez jouer à des gachas, il n'y a pas de problème. Mais au grand jamais, ne conseillez pas de gachas aux gens, parce que même si vous êtes sûr qu'ils ne le feront pas, ils vont peut-être revenir dans 6 mois en disant « Bah mec, j'ai dépensé 300 balles, je ne les avais pas, qu'est-ce que je fais quoi ?» Et ça arrive tous les jours, vraiment tous les jours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même vous, ça se trouve, vous vous sentez solide et un jour, suffit d'un moment de faiblesse pour se dire « Bah tiens, malheureusement, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, j'allais essayer de faire des invocations sur mon gacha. » Et vous dites pas « Je mets que 2 euros, ça n'existe pas. » À partir du moment où vous avez fait l'acte d'achat dans un gacha, c'est là où vous avez commencé à sombrer. 2 euros à transformer en 20 euros, 20 euros en 200 euros, etc. Parce que, évidemment, tous les algorithmes sont faussés. Il y a des choses derrière qui vont vous faire toujours mettre plus d'argent. Et le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas ce que vous voulez, vous allez mettre de l'argent parce que vous ne voulez pas perdre d'argent. Sauf que c'est pas que ça marche. C'est le même principe du loto, c'est le même principe du poker, c'est le principe de tous les jeux de mise d'argent. C'est des jeux qui sont interdits en Belgique, des jeux qui sont interdits au Japon, c'est des jeux qui sont interdits dans plein de pays. Et il y a raison. Alors, interdit au Japon, c'est réglementé au Japon. C'est plutôt bien fait d'ailleurs au Japon. Mais en France, c'est quelque chose où l'État s'en fout et va laisser ça durer éternellement. Donc faites vraiment attention à vous. Vous dites pas que Genshin Impact c'est gratuit, c'est faux. Quand c'est gratuit, déjà, c'est vous le produit. On ne l'appellera jamais assez. Donc Genshin Impact, quand vous le lancez, si vous y jouez, essayez d'y jouer plus sur console que sur PC. C'est parce que sur PC, il récolte 100% de toutes les informations connectées à votre PC quand vous avez le jeu lancé. 100%. Votre historique internet, vos données, vos cartes bancaires, tout est pris. Là, il y a zéro et c'est pas enlevable parce que c'est un spyware. Ça, donc vraiment, il y a pas de souci, c'est ultra ultra intrusif. Donc, si vous y jouez, déjà pas sur PC ni mobile parce qu'il est galant sur mobile. PS4 pourquoi pas. Il est peut-être sur One. Enfin bref, il arrive sur Switch, j'ai vu. Enfin voilà. Donc déjà, faites attention à ça. Et ensuite, déjà, ne faites jamais d'acte d'achat. Mais surtout, c'est moi du coup, j'ai fait l'alpha, donc intégralement. Donc nous, on a vu la fin du jeu à l'alpha. Il y a un énorme paywall. Donc, ça, si vous mettez pas d'argent, vous verrez pas la fin du jeu. Point. Mais en téléchargeant le jeu, je m'en suis tout de suite douté. Quand j'ai vu qu'on avait des points offerts pour avoir des personnages et tout, bon voilà, je l'ai déjà vu sur S4League, sur Elsword, ça s'est fait aussi beaucoup. Ouais, mais la différence, c'est que S4League et Elsword, les seules choses payantes avec de l'argent, c'est du skin. Oui, voilà. Mais j'ai utilisé ce que j'ai utilisé. Je sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais être bloqué dans le jeu et je vais plus pouvoir y jouer. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, au niveau où je suis, c'est divertissant, c'est sympa. Il y a des personnes qui s'attendent à des mises à jour. Clairement, je pense que les mises à jour, c'est mort maintenant sur ce jeu. Tant que, ah non, elle va arriver. Franchement, j'ai des doutes quand même. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il faut que les gens y payent pour avoir tel et tel personnage, il y a plein de personnes qui aimeraient avoir Venti ou des personnages comme ça, mais... Alors, MiHoYo, ils ont déjà fait Honkai Third, et ils ont fait exactement pareil avec Honkai Third. Ils ont sorti le jeu de base comme ça, où tout le monde a joué. Et en fait, maintenant qu'ils avaient récupéré les gens avec un jeu ultra gratuit, ultra beau, ultra performant, le meilleur balisement du monde, où il n'y avait pas trop besoin de payer, parce que là, tout le monde dit « Ouais, mais c'est un gacha, mais il y a besoin de payer et tout. » Oui, pour le moment, effectivement, tu peux finir le contenu tel quel sans payer. Je suis entièrement d'accord. Sauf que, attendez les prochaines mises à jour, les gars. Honkai, c'est le pire gacha disponible vraiment en... Alors, j'ai dit pire, mais il y a Sin No Alice, mais c'est l'un des pires gacha en ce moment en termes de contenu payant, parce que MiHoYo, déjà, ils appartiennent à Tencent, donc on a des problèmes de Tencent. On promet tout ce qui est problème avec la Chine, etc. Les crunch, énormément de vols de contenu dans Genshin Impact. Ils ont volé énormément de créateurs pour faire leur jeu. Voilà, c'est encore plein de choses derrière. Mais voilà, c'est surtout attention à vous, c'est que s'il y aura des prochaines mises à jour, c'est là où la douille va commencer. Parce que MiHoYo, je n'ai jamais arrivé à le prononcer, ils savent appâter les joueurs, ils savent les garder, et une fois qu'ils sont ancrés, c'est là où ils vont faire payer les gens. Et vraiment, ils sont très très forts là-dedans. Parce que Honkai, à la base, c'était même pas un gacha. C'était juste un beat'em all sur mobile propre. Et après, ils ont fait, mais l'argent, c'est bien. Et là, paf, gacha. Et là, c'est pareil sur Genshin, c'est que là, le côté gacha, il est un petit peu caché, genre, il est vraiment dans un tout petit menu, c'est pas écrit en gros, ils offrent plein de persos, ils offrent quand même pas mal de ressources au tout début. C'est fini, les gars, ça. Là, c'est, vous avez les ressources free-to-play, vous oubliez. Vous avez fait votre, je sais plus, il y a deux régions, même pas, je crois, une et demie pour le jeu en ce moment. Vous les avez fait à 100%, vous êtes content et tout, c'est bien. Et après, qu'est-ce qui va arriver ? Bah, les nouvelles régions, et dans les nouvelles régions, c'est les nouveaux gros raids obligatoirement multijoueur qui arrive. Et alors là, mon gars, crois-moi que déjà pour grouper quelqu'un qui marche bien, ils vont accepter que les mecs payants, les vrais joueurs, et que tu as juste pas passé le raid si t'as pas ton 5 étoiles, level up max avec la meilleure arme. Point. Il n'y a pas à réfléchir. Là, sur Genshin, ça reste encore vachement limité, je trouve, la coop. Pour avoir suivi des streamers, il y a vraiment entre ceux qui savent pas trop jouer et puis qui se retrouvent dans des groupes qu'ils connaissent pas et puis qu'ils sont perdus. C'est un peu le bordel, clairement. Je fais ce jeu. C'est dommage parce que je pense qu'il peut avoir quelque chose de bien fait, mais voilà. Mais faut pas oublier que si c'est gratuit, le modèle économique, ils savent qu'il va marcher. Par exemple, moi, j'ai rien contre le jeu gratuit à skin. Fortnite, il est gratuit. Le seul argent qu'il veut. On n'aime pas Fortnite. Moi, je suis pas le joueur. Ça m'intéresse pas du tout. Mais il faut avouer qu'il est littéralement, en termes de gameplay pur, 100% gratuit. T'as pas besoin de mettre $1 pour jouer mieux qu'un autre ou pour avoir tout le contenu. Oui. Ouais. Il faut quand même que tu payes pour avoir l'accès à la partie histoire. Ah oui, non, ok, je parle du Battle Royale, excusez-moi. Oui, je parle vraiment de Fortnite Battle Royale, excusez-moi. Je parle pas du mode PvE. Voilà, vraiment, je parle que du PvP. Mais voilà, c'est un pareil, R-Sword League, maintenant c'est un peu mort, mais voilà, les jeux comme ça. Elsword, il y a des vrais MMO entièrement gratuits, des vrais jeux entièrement gratuits. Même League of Legends, hein, c'est con. League of Legends, TFT, Runeterra. Runeterra, putain, grand, grand jeu. Pas dans le jeu que ça, Runeterra, perso. Bah, moi, du coup, moi, ça y est, je vais en parler tout à l'heure. Incroyable, Runeterra. J'avais commencé il y a celui-là un peu. De quoi ? J'avais commencé un peu. Runeterra ? Ouais. Mais j'ai pas. Voilà, c'est des jeux où le seul argent à mettre, c'est pour payer des skins. Point. Et là, c'est au bon vouloir des gens. C'est qu'effectivement, si tu veux te faire plaisir de payer un skin, pourquoi pas ? Et encore, après, t'as toujours l'addiction en acheter plus, mais vu que t'as pas d'aléatoire, t'achètes un truc, tu sais ce que t'as. Point. Donc voilà, si vous mettez de l'argent, pour un truc concret, mettez un truc pour vous savez ce que vous achetez. Si vous payez pour de l'aléatoire, vous allez vous faire matrixer et ça va mal finir forcément. Je dis pas de ne jouer pas à Genshin Impact. Faites-le si vous voulez, mais faites-le en connaissance de cause. Et surtout, c'est attention si vous le recommandez à des gens et soyez sûr qu'ils soient assez solides sur leurs appuis mentalement, etc. pour pas qu'ils tombent dans l'addiction, etc. Et pour n'importe quel gacha, on parle de Khan, on parle de tout. Attention à tout ça, quoi. Voilà. C'est le point, c'est que les gachas, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc j'évite de trop laisser sans un petit reward. Tout ça. Tu t'es déjà fait avoir pour en parler comme ça ? Énormément. Ouais, c'est vraiment connaissance de cause. C'est que tu l'as vécu. Ouais, moi, j'ai pas vécu l'argent, heureusement. Mais j'ai vécu vraiment la dépression liée au Matrixas des gachas. Et moi, je suis Et après, je dis ça, je suis encore accro au gacha. Je peux pas passer une journée sans jouer 10 heures à des gachas. C'est littéralement. Je peux pas m'en passer. C'est quelque chose qui est trop dans ma vie. Et j'ai commencé les gachas il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, facile. Et j'ai eu plusieurs phases de gacha avant. Parce que là, c'est des choses où je vis plutôt bien. Je sais que je perds du temps. Mais je suis pas à certains points. Mais il y a eu trois gros points dans ma vie où je suis tombé. Il y a eu la phase de Can Battle où j'ai eu la chance de jamais mettre d'argent. Parce que j'ai réussi à m'arrêter avant. Dokkan Battle, donc c'est le gacha Dragon Ball Z. Donc c'était il y a... C'était pour les 2 ans, donc c'était il y a 3 ans, parce que je crois qu'on a 5 ans ou il y a 2 ans. Il y avait donc l'anniversaire, etc., donc tous les rewards. J'ai joué énormément à Dokkan Battle, vraiment, je jouais énormément. J'avais un très bon compte, parce que j'avais les bons pools. Comme toujours, dans les gacha au début, on a des bons pools, et après, évidemment, c'est de plus en plus rare. La classique, évidemment. Et Dokkan Battle, c'est un jeu très radin. Les free-to-play, en général, ils poulent 2 fois par an en masse sur les bannières où on est sûr d'avoir des choses bien. Parce que sinon, en général, c'est une perte d'argent, à part si on a beaucoup de chance. Enfin, une perte d'argent, de temps surtout, quand on n'a pas d'argent. Et là, il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est le fameux Goku Ultra Instinct. C'est un super perso, il est quand même cool et tout. Et à la base, en plus, moi, c'est un perso que je n'allais pas jouer. En plus, je m'en foutais un peu. Mais la jalousie bête de tout le monde la poule, mes potes mon poule, Twitter la poule, tout le monde la poule, et moi je suis en mode Matrix, c'est genre, fais chier, j'aimerais bien voir le perso quand même et tout. C'est le truc classique des gachas, c'est les autres te donnent envie. C'est la meilleure pub des gachas, c'est sa communauté, hein. Ils sont très forts là-dessus. Hein. Et je fais, bah vas-y, je poule. Et donc j'avais 8 mois de farm de Dragonstone, donc qui est la monnaie du jeu. Donc 8 mois de jeu à 8 heures par jour, farmé, stacké, que je voulais dépenser. Donc. J'ai rien payé, donc si je l'ai, tant mieux, c'est pas grave, j'étais content de l'avoir. J'y vais. J'ai rien. Je passe mes 20 minutes, je passe tout. J'ai zéro. Et là, je tombe vraiment dans un état, mais genre vraiment, j'étais jamais à ce point-là, quoi. J'étais vraiment déprimé de ouf, vraiment pas bien, j'étais matrixé, je pensais plus qu'à ça. Genre, sur le coup, j'étais vraiment genre, putain. Et donc, je commençais à essayer de gratter les DS partout, les Dragonstone partout, pour essayer d'en avoir un maximum, je refais des petits pools et tout. Et ils tombent vraiment pas. Et donc, c'est des gachas où, comme sur Genshin par exemple, c'est des bannières du coup à durée limitée forcément. Donc, c'est un festival de Cannes. Donc, je crois que c'est 6 jours ou 7 jours. C'est vraiment très court les gros festivals de Cannes sur Dokkan Battle. Et je l'ai pas. Qu'est-ce que je fais et tout. Et arrive le dernier. Déjà, les 6 jours, du coup, je suis vraiment là en mode putain, je l'aurai jamais. Je vais jamais arriver au jeu. C'est n'importe quoi. Et j'en dormais pas de la nuit, j'avais des sueurs froides, mais vraiment j'étais pas bien. C'était en mode, il me manque quelque chose, quoi. C'est comme si j'avais pas eu ma drogue ou autre, quoi. Et je pensais qu'à ça, je devenais aigri. J'étais renfermé sur moi-même, c'était impressionnant. Il arrive le dernier jour, parce que sur le festival de Cannes, il y a un énorme compteur, genre vraiment en bas dans le menu, en mode, il reste tant de temps. Et là, j'étais là. Alors qu'il y a les persos, hein, tu sais très bien que t'attends 6 mois, il va revenir avec un meilleur taux de drop et d'autres persos à côté, tu vois. Mais c'est le problème de l'urgence, le problème de l'instant T, le problème de... Il marche comme ça, de toute façon. Hein. Y en a qui marchent pas comme ça, et heureusement, mais voilà, Dokkan marche comme ça énormément, et beaucoup, surtout les Japonais marchent comme ça. Et j'étais là, finalement, c'est quoi je me suis dit, parce que c'est cher, hein, dans tous les gachas, c'est cher. C'est en général, pour faire une multi-invocation dans tous les gachas, donc 10 plus 1 ou 10 personnages, c'est facile 30 balles minimum. C'est facile ça. Moi j'étais là, oh. Puis évidemment les paliers c'est toujours genre 59 balles, du coup t'as pas exactement de multi, du coup t'as le seuil psychologique et tout, c'est genre, c'est quoi 60 balles finalement? Et là, je l'avais en tête, et là je le remine, c'est quoi 60 balles, c'est quand même beaucoup 60 balles, vraiment c'est beaucoup 100 euros, hein. On va pas se mentir. Hein. J'étais là, putain, et pour moi c'était pas possible de mettre de l'argent pour des cartes virtuelles d'un jeu mobile qui un jour n'existera plus, j'aurais juste perdu de l'argent, Après, voilà, si vous pouvez vous permettre de faire plaisir, c'est pas ça mon problème. Au contraire, c'est vous faites vivre des jeux auxquels je joue au final. Donc merci à vous les gars, mais tant que vous faites en connaissance de cause, y a pas de soucis. Et là, j'étais pas bien, j'étais là. Et j'ai vraiment eu un déclic. Enfin, j'ai eu un d'un coup, genre, je voyais la troisième personne, genre, sur mon téléphone comme un connard, genre, en pas bien. J'ai fait, bah non, je vais pas mettre d'argent. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je continue à jouer et tout? J'ai pas mon perso, j'étais tellement déçu, je me suis dit. Ça m'est trop mal, et là j'ai juste désinstallé Dokkan. J'ai raté Dokkan. J'ai pas raté les gachas, mais j'ai raté Dokkan. Et putain, ça m'a fait du bien. C'est con, mais ça m'a fait un bien fou. C'était incroyable. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, après, je jouais toujours à d'autres gachas. Je jouais à Nantes gachas. Je jouais à environ 9 gachas en même temps. qui tourne pas mal. Je suis pas forcément très longtemps sur la même gacha, mais il tourne pas mal, à part Summoner's War, qui est le seul qui arrive à me tenir, parce que c'est le gacha le plus free-to-play que je connaisse, genre vraiment. Donc, parce qu'en fait, il a pas de système de bannière, c'est un pool commun, qui n'y a pas de limite de temps, rien, donc t'as pas l'urgence déjà dedans, c'est déjà pas mal. Après, voilà, c'est, encore une fois, c'est free-to-play quand tu joues pas PvP, etc. C'est, voilà, donc, bref. Et après, j'ai eu un deuxième, c'était sur... Putain, lui, je me souviens même plus lequel c'était. Enfin bref, hein, j'ai eu pareil. Et le dernier que j'ai eu, c'était il y a pas longtemps, c'était pendant le confinement. C'était sur Sinvalis. C'est un jeu que j'ai attendu depuis un an et demi qu'il arrive en global. Yannick y a joué avec moi. On a attendu longtemps. On a attendu longtemps et il arrivait, etc. C'est le jeu de Yoko Taro, le créateur de Nier, Dragon Guard, etc. Donc c'est un gros créateur. Et derrière, on a Square Enix. Les fameux Square Enix, bah, je crois que c'était Kashki, mon Kashki, deuxième burn-out. Hein, ah, peut-être, ouais, c'est possible. Et donc Kingdom Hearts Key, les Fabre Exus, etc. Donc voilà. Et eux, ils ont vraiment un modèle économique de fils de pute dans tout leur gacha. Vraiment, Square Enix, en termes de créateurs de gacha, c'est vraiment les pires parce que c'est eux qui ont inventé le principe de si t'as pas pull tel personnage, t'auras moins de chances de pull les prochains personnages. Déjà de base. Donc quand t'es capable de faire ça, t'es un fils de pute. Ouais, c'est genre, tu pull des prérequis en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait, du coup, c'est. Tu peux même pas te dire je skip ça parce que si je skip tel personnage, je suis quasiment certain de pas avoir le prochain que je veux avoir. Donc t'as même plus le principe de je peux économiser, c'est horrible, c'est vraiment de l'incitation à l'achat là. C'est-à-dire que pour avoir celui que je veux, il faut absolument que j'ai celui-là, sinon je pourrais jamais avoir. Et du coup, c'est boule de neige parce que du coup, pour avoir lui, il me faut lui, mais du coup, pour avoir lui, il me fallait lui, etc. Et boule de neige, boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et au bout d'un moment, bah, si tu poules pas tout le temps, sauf que vous poules tout le temps, il faut de l'argent, etc. etc. quoi. Donc vraiment dégueulasse. Et donc ils sortent Sinvalis en global, donc en français, etc. Sinvalis, c'est un jeu très basé sur l'histoire, très PvE malgré tout. C'est une grosse partie du jeu, c'est PvE. Mais il y a quand même du PvP. Souvent, alors je dis souvent, ce qui gâche un jeu, c'est le PvP. De cas notable, il n'y a pas de PvP. Ça qui est fou, c'est qu'en plus d'habitude, quand on met de l'argent, c'est pour être meilleur que les autres. Genre, on veut faire le meilleur personnage, on veut gagner, être top 1. Dans The Can Battle, il n'y a ni classement, il n'y a ni PvP, c'est vraiment que du PvE. Donc vraiment, c'était vraiment. C'est vraiment un matrix à cheval. Vraiment quoi. Toi versus la machine et. Oui, c'est vraiment ça. Et l'envie d'avoir un personnage juste pour avoir l'envie de posséder le personnage. Ouais, c'est ça, c'est un final, c'est vraiment du matrixage bête et méchant quoi. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment. En plus, là, c'est même pas le côté pool, enfin, s'il y a le côté pool un petit peu, mais il y avait vraiment le côté comment est fait le jeu sur Sinvalis qui est très étrange parce que même sans avoir à invoquer, il avait un vrai problème, c'est son PVP, c'est que PVP, c'est tous les soirs à heure fixe pendant 20 minutes. Ouais. Tous les soirs, 21h, avec ta guilde, en direct, tu passes 20 minutes sur ton jeu. Faut être là à l'heure, faut être là 7 jours semaine, sinon tu baisses dans les leaders. 7 jours semaine parce qu'il faut soutenir ton équipe, etc. Donc. Ouais, ça me fait penser à Terra Online. Ouais, mais après Terra, c'est un MMO, donc t'es déjà techniquement vraiment en physique. Alors que les gachas, t'as toujours beaucoup d'auto, tu le mets d'un côté, tu regardes pas ton jeu, tu t'en fous, entre guillemets. Là, c'est 21h à jouer, à être en sueur, à rien pouvoir faire, à être devant. Ton truc, et pour un truc pas vraiment hyper intéressant en plus, tu vois. C'est vraiment juste, faut être là pour gérer l'équipe en face, etc. Et donc, déjà, c'est beaucoup psychologiquement, hein, tous les soirs, 21h, etc., c'est beaucoup quand même. Et donc, c'est qu'avec la guilde. La guilde, c'est 15 personnes, et donc, j'ai eu le malheur de vouloir créer ma guilde. Et je pense que c'est ça qui a été mon erreur fatale, c'est de vouloir m'investir dans le jeu finalement. J'ai voulu créer ma guilde, pourquoi ? Parce que je voulais jouer avec Yannick, je voulais jouer avec Eric, que vous connaissez dans le podcast, je voulais jouer avec mes potes quoi. Je veux dire, on y va en mode chill, tranquillement, on crée la guilde, on essaie de recruter des FR, et on chillax tranquillou. Et donc, on recrute, et en fait, très vite, tu te fais emporter par le leader. Tu fais, mais en fait, je veux être plus fort, je veux gagner ça, je veux gagner ci. Et donc, on commence à recruter des gens, du coup, qui sont forts au jeu, parce que du coup, on a fait vraiment Day One. Du coup, Day One, ce qui est dur en plus, c'est que prendre un gacha un an, deux ans après, tu peux pas rattraper les premiers. Commencer un gacha jour 1, bah forcément, c'est que si tu rates un pool, si tu rates un jour, et bah là, tu descends de 1000 places dans le leader. Et du coup, tu as vraiment ce truc de la course contre la montre où il faut vraiment, vraiment que je joue, que je joue, que je joue, que je joue. Et en fait, ce qui était dur dans Sinvalis, c'est vraiment ce côté gestion de guilde où il fallait recruter. Si quelqu'un partait, tu avais une fenêtre de 4 heures pour recruter quelqu'un qui parle français, qui joue bien, qui a tel personnage, qui a tel truc, et qui soit ready pour jouer tous les jours à 21h. Et ça, putain, c'était infâme, parce que je passais mon temps sur les Discord, sur les Reddit, dans l'ingame, est-ce que tu veux venir et en fait, il y avait tellement peu de français sur le jeu, parce que du coup, il y a eu plein de soucis de gestion du jeu, des bugs, moi j'ai fait des pools où j'ai pas reçu mes récompenses, enfin, le jeu a été chié dessus par les développeurs, a été chié dessus par tout le monde, et enfin vraiment c'est une catastrophe, le jeu c'est une catastrophe, n'y jouez pas, vraiment Sinvalis c'est un des rares gacha, déjà outre gacha, c'est n'y jouez pas parce qu'ils vont vous chier à la gueule. le jeu a perdu 90% de sa, du truc en moins de 3 mois. Alors qu'il a été attendu depuis 2 ans. Enfin, c'est pas normal, quoi. Et du coup, les gens partaient et tout. Et en fait, il y avait un peu de français qu'on devait aller recruter chez les autres guildes. Et du coup, c'était en mode on trade les gens des guildes, genre ah, mais viens chez moi, c'est mieux, machin, c'est moi, c'est mieux. Nous, on a eu des gens de notre guild qui sont partis sans nous l'avouer bien, en mode ouais, non, mais j'arrête le jeu, on devait aller chez d'autres guildes et tout. Et en fait, c'est un sort des mauvaises ambiances parce que c'est en mode je joue avec des gens. On a un Discord d'ailleurs qui est encore là, on parle encore tous un peu entre nous au final. Et en fait, c'est. En fait, il y avait une bonne ambiance parce que c'était en mode ouais, je me barre, mais en fait, si on fait pas ça, je me casse. Sauf que du coup, si les personnes se cassent, bah, du coup, en fait, c'est 14 personnes qui jouent quand même au jeu qui vont pas bien. Et en fait, c'est du coup, si tu fais des erreurs, tu prends pour tout le monde. Et moi, je m'étais mis la pression du chef de guild en mode bah, en fait, si il se passe de la merde, c'est forcément ma faute. Et du coup, c'était en mode machin, mais je prends. Et pareil, je suis pas dans une boucle où pareil, c'est je dormais pas, j'avais des sueurs, je pensais qu'à ça. Et en plus, je poulais rien. Vraiment, c'est un jeu, j'ai joué. 2 mois non-stop. En 2 mois, j'ai eu 0. La plus grosse santé, c'est SR. J'ai eu 2 SR au total en, je sais pas, des 1000 invocations. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. C'est hallucinant. J'avais rien du tout. J'avais rien. Rien. Et c'est un jour, coup de sang. Il y avait plein de gens qui étaient partis. Et j'avais vraiment plus la motivation de recruter. J'ai fait. Les gars, est-ce que vous voulez qu'on passe en guild tranquillou, on fait que du PvE, si on joue pas, on joue pas, c'est pas grave, on s'en fout. Et en fait, tout le monde était d'accord. C'est juste que personne n'osait le dire, mais tout le monde voulait faire ça en fait. C'est aussi simple que ça. C'est comme dans la vraie vie, faut communiquer les mecs. Et donc à partir de là, bah, après au final, ouais, je joue plus, mais du coup j'ai gardé contact avec les derniers mecs de la guild qu'on avait, et franchement finalement, l'aspect communautaire était bien fait, c'est juste que bah, on n'avait pas tous les mêmes ambitions, et certains ont gangréné les autres, comme souvent, etc. quoi. Et du coup, là, depuis, bah, je joue à plein de gacha, mais ça va mieux. Je dis pas que tout va bien, mais un jour, peut-être, j'arrêterai. Parce que du coup, j'ai beaucoup arrêté quand j'ai perdu mon tel pendant le confinement, là. Et du coup, finalement, j'avais réussi à arrêter pendant 2 semaines, parce que j'avais plus de téléphone. Et j'avais pas repris en prenant mon nouveau téléphone. Et au final, je sais pas, pendant un mois, j'ai pas joué. Puis j'ai fait, oh, un, c'est rien. Au final, j'en ai tapé 27 et j'ai joué à 27 gacha. Voilà. Puis Sinoalis est arrivé. Non, c'était après Sinoalis, du coup. Bah non, puisque. Quand j'ai changé de tel, c'est. Quand j'ai oui, eu mon nouveau tel. T'as repris. Non, c'est Sinoalis, j'avais déjà raté Sinoalis quand j'avais cassé mon tel, pour le coup. Mais voilà, dans tous les cas, c'est l'effet boule de neige toujours, donc vraiment faites attention à vous avec ce genre de jeu, ça peut très vite, même si vous mettez des barres d'argent, détruire psychologiquement. Moi, j'ai mis de l'argent seulement dans Duel Links, donc Yu-Gi-Oh, du coup qui est un semi-gacha, et encore une fois, j'ai pas mis d'argent dans l'aléatoire, j'ai acheté vraiment les decks préconstruits, du coup je savais exactement dans quoi je mettais l'argent. Mais j'ai jamais été mettre de l'argent dans les gemmes pour pool aléatoirement des boosters. Parce que le problème, c'est de mettre de l'argent sur quelque chose qu'on sait pas ce qu'on va avoir. Et c'est pareil pour dans la vraie vie, hein. C'est n'achetez jamais quelque chose d'aléatoire, achetez quelque chose que vous savez à 100% ce qu'il va y avoir derrière, parce que vous allez forcément faire avoir. Voilà, donc faites gaffe à vous. Voilà, à la base, je voulais pas en parler, hein, mais vous, on m'a lancé, donc c'est important. c'était bien la recommandation, j'ai toujours pas fait les miennes. moi, du coup, j'aurais 3 recommandations, du coup, je me permets, incroyable ce qui va se passer. Alors, c'est par Runeterra, du coup. Runeterra, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de cartes de Riot. Du coup, qui commence à lancer plein de jeux, donc Riot, c'est League of Legends, puis il y a eu Teamfight Tactics, puis il y a eu Valorant, puis Valorant. Et il y a eu Runeterra. Donc du coup, tout le monde peut retrouver un peu son jeu, bientôt jeu de combat, bientôt l'action RPG, etc. Donc chacun va avoir son petit jeu chez Riot. Bientôt petite série aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, moi j'avais pas mal joué à TFT à la bêta, Yannick aussi avait pas mal joué. J'avais adoré TFT, mais j'ai lâché, et s'y remettre, il faut vraiment s'y donner quand même à TFT. Et j'ai vu Runeterra, je voulais me remettre un jeu de cartes en ligne. Et du coup, j'avais retagé Shadowverse, parce que j'aime vraiment beaucoup Shadowverse. J'ai fait, oh, Runeterra, pourquoi pas, let's go. Et je suis tombé amoureux avec le jeu, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de booster à hashtag de l'argent. Toutes les cartes sont obtenables, en fait, juste en jouant, point. Le jeu est entièrement free-to-play. Mais entièrement, c'est-à-dire que du coup, juste en jouant, on gagne les cartes. Et ça, j'ai fait, mais c'est génial. C'est le meilleur, et du coup, ils marchent toujours leurs jeux, sont toujours free-to-play, full, avec du skin. Et ben, ils ont fait leur jeu de cartes pareil. Et c'est les seuls à faire ça. Et du coup, bah, moi, je joue même pas une heure par jour, je crois. Je fais mon petit ladder, je fais mes petites quêtes. Et du coup, j'ai déjà 4 decks full compétitif complet. Parce que je build à côté. Mais du coup, j'ai juste visé les cartes que j'avais besoin. Et je les craft, let's go. Et c'est trop bien. Le gameplay est génial, il est hyper dynamique. Là, il y a la nouvelle extension qui est sortie du coup aujourd'hui. Donc, on est le 15 octobre quand on enregistre. Avec des nouvelles cartes vraiment super intelligentes. Ils ont vraiment une vision du jeu qui est vraiment bien. Ça ressemble à rien d'autre. Et ça s'inspire des meilleurs sans les être. Et pourtant, j'ai aucune affinité avec League of Legends, aucune. Je m'en fous des héros, mais le gameplay est tellement bien fait. Et c'est tellement bien expliqué, en fait, que c'est un très bon premier jeu de cartes, quoi. Il y a vraiment un mode défi, en fait, qui est un mode un peu scénarisé PVE, qui vont nous montrer tous les mots-clés, donc types de cartes qui existent. Et du coup, on se dit, en fait, je veux jouer ça, moi. Et après, on voit la liste des cartes, on met son petit deck avant, et du coup, on sait exactement quel deck on veut jouer, et paf, on achète sa carte, etc. Et toujours sans mettre un putain d'euro, parce qu'il n'y a pas de booster à acheter, c'est même pas. Ils ne donnent même pas le choix d'acheter des boosters. Vraiment. La seule chose que tu peux acheter, donc, c'est les skins. Et tu peux acheter, il y a un système de joker, en fait, qui permet, en fait, du coup, de débloquer une carte de la rareté du joker. Donc, par exemple, il y a les jokers champions pour les champions, joker élite pour les élites, rares pour les rares, communs pour les communes. Ça, t'en gagnes beaucoup déjà au fur et à mesure du jeu. Mais ça, du coup, tu peux les acheter. Du coup, en fait, c'est techniquement comme si tu achetais la carte choisie toi-même. Donc, tu n'achètes pas d'aléatoire, encore une fois. Et rien que ça, c'est trop bien. Et encore une fois, comme je dis, ça fait un mois que j'y joue, je dirais. Que j'y joue tranquillement, donc une heure par jour. Et encore certains jours, je lance juste pour débloquer la quête. L'avantage, c'est que les quêtes se stackent, cartes journalières. Donc, en fait, si tu ne la fais pas, tu peux juste jouer une grosse après-midi et faire toutes tes quêtes d'un coup. Donc, pas mal. Et juste avec ça, j'ai trois decks complets compétitifs, comme il faut. Et j'ai encore plein de ressources qui me restent pour la lecture qui vient de sortir. Et vraiment, en jouant, vraiment tranquillou, quoi. Je stagne à gold 4 parce que je cherche pas plus que ça. Et juste, je m'amuse. Le jeu est cool, le jeu va vite. Il tourne très bien sur téléphone, il tourne très bien sur PC. Donc, j'espère qu'il va y avoir de l'avenir. Il a une bonne commune pour le moment. Et vraiment, c'est très très fun. Et je trouve vraiment que c'est un très bon premier TCGO, en tout cas. Donc, n'hésitez pas si vous voulez tester ou si vous avez le genre. C'est entièrement gratuit, c'est disponible sur tout. Donc, let's go! Ensuite, on va parler d'un drama japonais. Et c'est pas un tokusatsu, donc c'est une première dans une minute, parce qu'on parle toujours de tokusatsu pour le coup. Et je vais juste retrouver le nom, parce que c'est sur Twitter évidemment. Et pourtant, attention, c'est même un isekai. Et pourtant, vous savez que je déteste ça. Ça, c'est incroyable. J'ai vraiment un problème avec isekai, mais bon, c'est très personnel. Hein. Tac. Alors, c'est à la base un manga, ça s'appelle Isekai Izakaya Nobu. Et c'est un isekai basé sur la bouffe. Donc, c'est quelque chose. Donc, le personnage principal va se retrouver à retourner un peu dans le temps, mais en fait, c'est toujours basé sur l'aspect culinaire et c'est toujours un fil rouge. En fait, il se retrouve dans l'isekai via un izakaya, donc qui est un truc de bouffe japonais. Et à la base, il y a eu déjà donc un manga, un light novel et un animé. Et j'avais pas trop accroché à l'animé, etc., parce que déjà isekai. Mais j'avoue que là, en drama, il y a. Déjà, c'est très très loufoque quand même sur les bords. Et il y a tout ce côté vraiment reproduction un peu historique qui est ultra bien foutu. Et les acteurs jouent très très bien. Donc évidemment, ça se trouve pas légalement comme tous les dramas japonais, malheureusement. Et c'est toujours en cours. On a l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. À l'heure actuelle, évidemment, on sera peut-être fini quand vous écouterez. Et c'est vraiment vraiment de la bonne cam. C'est très bien tourné. Les plans sur la bouffe sont incroyables. On dirait Top Chef. C'est des gros plans séquences sur quand ils mangent, ils se gavent. Moi, je suis là, mais donnez-moi cette bouffe, bordel de merde. Et c'est. Enfin, vraiment, c'est un délice dans tous les sens du terme. C'est ultra feel good, il y a un vrai fil rouge hyper intéressant. Et surtout, c'est pas un isekai de combat, c'est un isekai de relations sociales, c'est un isekai de découverte. Et c'est vraiment très bien. Vraiment, c'est très très bien. Donc, je vais vous redire le nom du coup. Il y a de la bouffe, quoi, en fait. Il y a de la bouffe, ouais, voilà, c'est génial. C'est et il y a des gros même fuel dedans, très très très fort. Donc, n'hésitez pas à aller checker, c'est Isekai Izakaya Nobu. En fait, c'est un peu comme si Food Wars rencontrait un Isekai, quoi. Ouais, après, c'est pas à ce point. La bouffe, c'est central, mais on n'est pas au point de Food Wars quand même. Ok. Voilà, mais ça, c'est le thème central. Food Wars, incroyable. Pas la fin. Alors. Je suis moins d'accord sur la fin, mais. En fait, pas tout dernier arc, quoi. Voilà. Ouais, ils ont bâclé le truc, quoi. Oui, oui, oui. comme beaucoup de mangas de Shonen Jump. Hein. Mais c'est la photo Shonen Jump, on l'a déjà dit dans le podcast du Shonen Jump. Et du coup, en parlant du Shonen Jump, comme à toutes les émissions, on va parler Shonen Jump. Mais alors là, on va parler de quelque chose d'incroyable, de vraiment incroyable. Alors, est-ce que ça va être la nouvelle série du top Shonen Jump? C'est une nouvelle série, évidemment. Mais alors, vous savez très bien, moi je suis amoureux d'un manga et d'une autrice. J'aide vraiment Akira Amano. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. Elle a notamment écrit mon manga préféré qui est Katekyoshi Hitman Reborn. Mais également la chara-designeuse de Psychopass. Et elle a également fait le manga HD Live. Et ça faisait un moment du coup, qu'on n'avait pas vu de manga d'elle. Du coup, depuis HD Live, c'était 2012-2013. Et petite annonce semaine dernière sur Twitter. Nouveau manga d'Akira Amano. Genre, mais ça sort quand? C'est quand et tout? Et ça y est, c'est sorti. C'est sorti dans le dernier... Enfin, du coup, dans l'avant-dernière issue. Parce que le 46 est sorti, c'était dans le 45. Et ça se nomme... Je vais avoir le nom, on va y arriver. Je vais sur mon petit manga plus. Mon petit manga plus. Il est où? Oh, c'est compliqué, manga plus. voilà. Ça s'appelle... Putain, c'est bien foutu, manga plus, c'est fou. Putain, ça me rend ouf. Oh là là. Ils l'ont pas mis en haut. Putain, c'est chiant, par contre. Tac. C'est Ron Kamonohashi Deranged Detective. Et donc, ça parle de détective, évidemment. Donc, premier chapitre qui fait pas moins de 70 pages, quand même. Énorme pour un premier chapitre dans le Jump. Alors, c'est pas dans le Jump tel quel, je crois que c'est dans le Giga. Mais c'est quand même toutes les semaines. Donc, j'ai pas vérifié exactement la publication au Japon. Du coup, c'est disponible gratuitement, évidemment, en anglais sur Manga Plus, comme toutes les sorties du Jump chaque semaine, tous les dimanches soirs à 22h. Et donc, ça parle de quoi? Ça parle de détective. En fait, on nous vend le Super Détective comme le meilleur détective au monde, il peut tout résoudre, etc. Conan like. Alors, il y a un peu, ça m'a fait un peu rappeler, mais c'est très différent. En mode, le premier cas, c'est vraiment un gros beau gosse propre sur lui dans son lycée. Et genre, il résout un mystère vraiment que personne n'avait résolu avant. Ensuite, on passe directement sur un espèce de... C'est un flic, du coup, un inspecteur. Vraiment, c'est le petit gamin, c'est presque un shota, donc vraiment presque un petit garçon dans l'aspect. Genre tout timide et tout. Et il doit vraiment résoudre une affaire. Il a une affaire, il n'arrive pas à résoudre. C'est une série de meurtres où il n'y a aucun rapport entre eux, enfin la classique. Et son patron lui dit, demande à son détective. Il arrive chez lui, il toque, et le détective lui dit non. Et enfin, le mec lui répond, casse-toi et tout, il ne veut pas le voir et tout. Et il va quand même, il va forcer l'entrée, il va rentrer. Et en fait, la chambre est entièrement blanche. Au sol, c'est que du matelas. Et il y a juste un mec complètement débraillé, face contre terre par terre, en train de pioncer. C'est le fameux détective. Yes, I. Et en gros, le détective, il est vraiment en mode, la vie c'est nul, je suis dépressif, laissez-moi mourir, je veux rien savoir. Et du coup, il va lui expliquer tout. Il lui fait, non, mais je suis plus un détective, je veux plus rien faire, etc. etc. Et alors, je vous spoiler du coup un petit peu le premier chapitre, parce que du coup, ça pose vraiment les bases. Et finalement, le gamin va répondre à un appel de l'inspecteur alors qu'il est dans la chambre. Et là, le détective va péter un plomb. Il va faire non, je veux rien savoir de l'affaire, arrête et tout et tout. Et en fait, ce détective, c'est que si il apprend des choses liées à des affaires, il a une entre grosses guillemets une maladie. Il peut pas s'empêcher de vouloir la résoudre. Il peut pas s'en empêcher. Donc c'est pour ça qu'il s'est coupé des réseaux sociaux, des médias, de tout. Il a pas internet chez lui, il a pas la télé, il a pas la radio, rien. Juste, il est chez lui et. Comme il dit, il a dit, j'ai fait du sport et tout, mais sinon, il est déconnecté du monde à 100%. Parce que s'il entend une affaire, il peut pas s'empêcher de la résoudre. Et du coup, c'est comme il a dit, j'ai arrêté parce que ça me gâchait la vie. J'ai pas dormi pendant 3 semaines. À partir du moment où il avait un truc en tête, il pouvait pas s'empêcher de le faire. Et surtout, il y a un autre truc important qui va arriver. Donc, il va y avoir ces meurtres. Il va trouver du coup le fameux meurtrier. Et ce qui est bien, c'est comme dans Conan, c'est que c'est. On peut trouver nous-mêmes qui sait si on fait très attention en détail. Okay. Et ça, c'est cool. Et du coup, il va trouver là, du coup, rapidement, parce que tout est fait dans un chapitre. Donc, on va voir si les affaires sont sur un chapitre ou plusieurs. Je pense plusieurs, vu comme ça a voulu faire. Et du coup, il va trouver meurtrier. Sauf qu'il va pas juste se foutre en prison, c'est qu'il va le regarder profondément dans les yeux et il va lui dire ils sont sur un toit, tu vois là, tu vas sauter, tu vas crever en fait. Parce que t'es un meurtrier, mec. Il est vraiment extrême, quoi. Excellent. Et là, en fait, du coup, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, d'un coup, on a une case sur l'œil du détective, puis sur l'œil du mec, et voit qu'il y a un petit reflet, et c'est comme s'il avait hypnotisé le mec, parce que le mec va vraiment aller sauter, justement. Et du coup, le mec va, genre comme hypnotisé, il va sauter par le truc, et c'est là où le petit gamin va réussir à sauver du coup le mec, l'empêcher de sauter, c'est quand même mieux. Et parce que du coup, le problème, c'est que, comme il dit, en fait, les 7 dernières affaires que j'ai résolues, ils sont tous morts, du coup. Terrible. Et du coup, il va voir le gamin, il va faire nickel, tu vas me servir à me cadrer, mais on va faire full affaire, mon gars. Let's go. Et voilà. Et du coup, le duo s'est construit où le gamin va équilibrer le détective et le détective va être la full en mode on résout tout, quoi. Parce que du coup, le détective, son addiction, c'était de résoudre l'affaire. C'est et ça. Du coup, tous les gens qu'il trouvait coupables, ils se butaient au final. Ouais, et du coup, ouais, on sait pas s'il y a vraiment un truc surnaturel ou non. Mais en tout cas, il avait une influence. Il y a quelque chose qui s'est passé, on le sent dans la case, et ça a l'air vraiment génial. Enfin, j'ai très hâte de savoir la suite. Et évidemment, c'est le le trait de dessin d'Akira Amano qui est juste magnifique. Vraiment, c'est Akira Amano, elle a un trait à elle. C'est impressionnant, le chara-design très bishonen de tous les personnages, évidemment. Ça, c'est son classique. Donc, que des beaux gosses, etc. Et donc, vraiment, c'est magnifique à voir. C'est très bien mis en case. C'est très bien narré. Et voilà, elle a vraiment un sens du climax hyper fort. Donc, vraiment très, très curieux de voir la suite. Et donc, ce sera chaque semaine sur Manga Plus, gratuitement, vous le savez très bien. Et donc, c'est Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Et il y a un chat dans l'histoire, c'est génial. Voilà. Et ben, on est bon pour les petites recommandations, malgré tout. Oui, je pense. On va pouvoir passer au gros du sujet. Mais avant tout, un autre petit jeu. Et qui est lié au cosplay. Attention, je bosse mes trucs, mais évidemment, le jingle des jeux. C'est l'heure du... Pas très intelligent quand même ce que tu viens de faire, garçon. C'est vrai que c'est pas très intelligent. Donc, petit jeu lié au cosplay, ça va être des questions à choix multiples. Ok. Lié au cosplay, et en gros, vous allez devoir deviner ces stars américaines en quoi elles se sont cosplayées. Oh, génial. Oula, ok. Alors, c'est que j'ai pris que des personnages vraiment quand même très connus, et les moins connus, je vous expliquerai qui c'est un minimum parce qu'il y en a que c'est un peu plus obscur. Et il y a forcément une bonne réponse parmi celle proposée. Alors, est-ce que vous voyez qui est Iggy Azalea ? Pas du tout. C'est une rappeuse américaine, ça fait 10 ans qu'elle exerce, assez connue. C'est une demoiselle assez grande, assez musclée d'ailleurs, une blonde et assez typée. Voilà, comme ça vous avez un peu le physique, ça peut vous aider. Et donc je vais vous donner 4 choix. Est-ce qu'elle s'est cosplayée en Cruella d'Enfer ? Donc vous voyez qui c'est. En Ursula, en Jasmine, de Aladdin évidemment, ou en K. K, c'est le serpent des livres de la jungle. Donc, essayez de voir à peu près en quoi elle aurait pu, cette grande demoiselle. Elle... En Ursula. Et non, pas en Ursula. Merde. Mais par contre, je sais pas si vous avez vu Teen Wolf ou Arrow, mais Cotton Harper, donc celui qui joue le... Putain, comment il s'appelle ? Le premier méchant de Teen Wolf et qui joue Arsenal dans Arrow, il s'est vraiment cosplayé en Ursula, pour le coup. Okay. Et c'est vraiment le boss. Donc non, ce n'est pas Ursula. Donc il reste 3 choix. K ? Non, j'aurais adoré voir vraiment Iggy Azalea se cosplayer en serpent, ça aurait été génial, là, vraiment. J'aurais vraiment adoré, hein, pour le coup. Donc non. En Cruella ? C'est en Cruella, effectivement. Elle l'a très très bien fait. Je crois que c'était aidé d'un vrai cosplayer, d'ailleurs, pour vraiment faire ça à fond. Et c'était impressionnant. Elle était vraiment photoréaliste, quoi. Vraiment, c'était impressionnant. Daniel Radcliffe, vous voyez qui c'est, Harry Potter, tout ça, ça va. Mais du coup, en quoi il s'est cosplayé ? Est-ce qu'il s'est cosplayé en Harry Potter ? Alors, évidemment, hors film, parce que sinon, évidemment, il s'est forcément cosplayé une fois en Harry Potter. En Batman ? En Spider-Man ? Ou en Gandalf ? En quoi est-ce qu'il peut s'être cosplayé ? Ah, je dirais Spider-Man, moi. Effectivement, mais il s'est cosplayé en Spider-Man pour passer inaperçu au Comic-Con. Et okay. Du coup, il y a des gens qui ont pris des photos avec lui, mais pas parce que c'était un Radcliffe, mais parce que c'était un cosplay Spider-Man. De Spider-Man. Et je trouve ça génial. Incroyable. C'est vraiment le boss. Et je trouve ça incroyable qu'il ait J'imagine fait ça. J'imagine juste enlever son masque comme ça. Eh, salut, en fait. Tu vois, non, c'est ça. Mais en fait, il l'a fait sur le réseau en mode vous voyez toutes tes photos là ? Et en fait, à chaque fois, il commentait avec lui le truc. C'est, en fait, c'était moi, bisous. Ouais. Et les mecs, d'avoir un peu le seum quand même. dire, ah. Je pense que t'as plus le seum quand il poste le commentaire. Ah ouais, non, tu dois être dégoûté, quoi. Alors, est-ce que vous voyez qui est Will Ferrell ? Toi, je pense que oui, tu vois oui, qui moi, c'est. Je vois. Will Ferrell, c'est un acteur américain qui a joué notamment dans Austin Power. C'est le méchant d'Austin Power. Okay. Il joue dans Zoolander, il vient du SNL, etc. Donc c'est quelqu'un de très grand, assez fort, des cheveux un peu bouclés, châtain clair, une tête rigolote, voilà. Alors, est-ce qu'il s'est déguisé en Baloo, du livre de la jungle, en Megamind, en Shrek ou au Marais de Shrek ? En Marais de Shrek ? J'aurais adoré le voir en Marais de Shrek. Vraiment, du coup, en Shrek ? Non plus. Megamind, du coup. Ouais, en Megamind. Il a vraiment une espèce de gros crâne bleu dégueulasse. C'est vraiment un chipos en plus comme cosplay. Il est dégueulasse. Yes, mais il fait ça chez lui, par contre. Lui. Vraiment, il kiffe se faire chez lui et tout. Le boss, quoi. Ah, il a fait Mano ? De quoi ? Il a fait à la Mano ? Ouais, tout, par contre, tout au do-it yourself, celui-là. Okay. Ça, c'est stylé. Ensuite, Bryan Cranston. Vous savez qui est Bryan Cranston ? Heisenberg, etc. Dans Breaking Bad, le père de Malcolm, par exemple. Voilà. Mais du coup, en quoi s'est-il cosplayé ? En quoi s'est-il cosplayé ? En Zordon, en Papa de Malcolm, en Heisenberg ou en scientifique de Godzilla. Et donc évidemment, hors de ses rôles, sinon c'était pas un cosplay. Ouais, bah ouais. Et oui, et je parle vraiment de cosplay. Je dirais Heisenberg. Et oui, mais Heisenberg finalement, est-ce que c'est pas lui chauve ? Non, parce qu'il s'est enfin un masque en latex de lui-même chauve qu'il a mis par-dessus sa gueule, alors que c'est lui-même. Et il arrivait sur son panel Comic-Con, à l'époque, c'était encore pour Breaking Bad, je crois, ou c'était peut-être pour... Non, c'était peut-être pour Power Rangers à l'époque. C'était pas si longtemps, c'était en 2017, donc ça devait être Power Rangers, je pense, ouais. Et il arrivait sur le panel, Abby Eisenberg, genre vraiment lui, genre, bah c'est lui. Et il a fait MDR, sauf que c'était juste lui avec des cheveux en dessous. En fait, c'est juste moi. Mais... c'est moi, mais c'était moi. Et c'est vraiment le crack. Franchement, il m'a fait rêver sur ce coup-là. On passe à John Barrowman. Je sais pas si vous voyez qui est John Barrowman, qui a vu Doctor Who, Arrow. Arrow, bah c'est le méchant de la saison 1. Ok. C'est Merlin. C'est Malcolm Merlin. Et dans Torchwood et dans Doctor Who, c'est le capitaine. Merde. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, c'est terrible. C'est un gros personnage de, ah, je vois que c'est, je vois que de c'est. Doctor Who. Et donc, il s'est cosplayé, évidemment. Est-ce qu'il s'est cosplayé en Squirrel Girl? Est-ce qu'il s'est cosplayé en Harley Quinn? Est-ce qu'il s'est cosplayé en Wonder Woman? Ou est-ce qu'il s'est cosplayé en TARDIS Girl? Oui. Et oui, oui. C'est terrible, n'est-ce pas? TARDIS Girl? Alors, il a cosplayé les quatre. Vraiment. Incroyable. Vraiment. Il a fait Wonder Woman également. Et tous les ans, il fait un cosplay féminin au Comic-Con. Ok. Différent. C'est vraiment le boss. C'est quelqu'un qui adore tout ce qui est Broadway et tout. Et ben d'ailleurs, il est très ami du coup avec Cotton Haynes. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Et c'est quelqu'un qui adore ça et qui assume entièrement du coup son orientation sexuelle et qui en joue beaucoup. Et c'est super feel good de le voir comme ça. C'est un mec vraiment qui a l'air ultra en or dans ses lives Instagram et tout. C'est un mec trop trop feel good quoi. Et attention, le dernier. Alors du coup, lui, c'est le plus obscur de tous. C'est Adam Savage. C'est le mec qui présente Mythbusters. Mythbusters, c'est une émission américaine qui est là pour un peu justement démonter les légendes urbaines et les mythes, etc. Quelqu'un d'assez fort sur lui, on va dire un physique rigolo, pour être gentil avec lui. Quoi. Un physique atypique. Atypique. Alors, est-ce qu'il s'est cosplayé en Venom, donc le fameux anti-héros, en Frodon, le fameux Hobbit, en Indiana Jones, le fameux aventurier, ou en l'ours de Revenant, la fameuse maison de DiCaprio, finalement? En quoi est-ce qu'il a pu se cosplayer? Et je dirais Bilbon. Non, pas en Frodon, malheureusement. En Frodon, pardon. Indiana Jones? Non plus. En l'ours? Eh oui. Oh, il s'est vraiment cosplayé en l'ours et il y avait vraiment un mannequin tout bleu de DiCaprio, gelé mort avec lui, attaché. Et c'est incroyable. Je vous laisse regarder les photos sur Google. Elles sont folissimes. Vraiment, c'est le meilleur cosplay que j'ai vu de ma vie, je crois. Il okay. est incroyable. Vraiment le boss. Le boss de A à Z. Et ben voilà, c'est le dernier petit jeu. Tu es libéré, Marie des jeux. Et oui. J'adore. Ah bah oui, on sait que t'adores les jeux, évidemment. On va pouvoir passer au thème, qui est le cosplay. Après, comme je l'avais dit, une heure et demie de podcast, évidemment. Toujours. Le classique. Toujours. Le classique. On va pouvoir parler un peu, du coup, du cosplay. Mais avant tout, évidemment, le jingle. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Yare. Et bah, Vald, on parle de cosplay. Comme je l'ai dit avant, faut un peu suivre, s'il te plaît. Alors, le cosplay. Qu'est-ce que le cosplay? Mon très cher Yannick, est-ce que tu peux pas nous définir ce qu'est le cosplay? Attention, t'es jugé. Attention. Ouais, alors, je vais essayer de faire bien et de pas. On corrigera s'il faut, on mettra des petits détails. Ok, si pas de soucis. Ça va le finir. J'imagine que c'est. Enfin. J'imagine. Ça commence bien. Ça nuance. Déjà, ça nuance. Déjà. Mais non, c'est des personnes ou des groupes de personnes qui se déguisent dans leur personnage favori. J'imagine ça comme ça, pour faire simple. C'est bien résumé finalement. C'est des personnes qui incarnent, en tout cas parce que dans cosplay il y a vraiment le côté play qui apporte tout le temps, donc costume player, c'est américain contre toutes les attentes. Hein. Donc ça vient des Amériques, des États-Unis d'Amérique, hein, RPZ si vous nous écoutez. Et donc voilà, c'est le fait de du coup se déguiser et surtout d'incarner un personnage, pas forcément japonais, mais voilà, de qu'on aime bien. Ça, parce qu'on peut cosplayer des personnages réels comme des présidents, etc. Donc voilà, c'est vraiment jouer un rôle et s'habiller comme la personne, etc. Pour résumer vraiment de façon brève, quoi. Donc avec nous, nous avons invité, parce que nous ne sommes pas cosplayers avec notre cher Yannick. Pas du tout. J'en ai fait un petit peu, je vois Marie qui me regarde. J'ai eu ma part de cosplay. On en parlera, je vais venir, vous inquiétez pas. Parce il y a quelques photos. On a la même parce qu'on a la même origine historique, Marie, du coup. Donc forcément, c'est le crossover, quoi. Mais... voilà, c'est vrai. Je me revendique pas cosplayer parce que je suis pas du tout légitime à dire ça vraiment. Mais du coup voilà, j'ai voulu vous inviter tous les deux une cosplayeuse et un cosplayer, parce qu'on a tendance à moins parler des cosplayers masculins, du moins de mon point de vue, parce qu'on va en parler également de ce qu'on voit à l'extérieur du cosplay finalement. Et donc on peut revenir sur votre expérience de cosplay, comment vous avez entré dedans, comment vous avez évolué, comment vous en êtes aujourd'hui et comment vous voyez un peu les choses plus tard. Donc vous inquiétez pas, je vais vous driver. Mais avant tout ça, pendant que Yannick est encore un petit peu justement frais du sujet, comment toi, de l'extérieur, tu perçois un peu le monde du cosplay? Et comment tu l'as perçu, on va dire, parce que là, à l'instant T, voilà, c'est une chose, mais comment tu l'as perçu un peu dans ces 10 dernières années, par exemple? Moi, c'était surtout quand, du coup, j'allais en convention, enfin, genre type Japan Expo, Paris Games Week aussi, ça arrive. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout des gens qui se font kiffer avec les personnages vraiment avec lesquels ils ont aimé partager. Je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai vu, c'était des gens qui étaient en Kratos, beaucoup de League of Legends, j'en ai vu énormément, c'est assez ouf. Et en fait, moi, c'est plutôt le ressenti que j'ai, c'est vraiment des gens qui se font kiffer. Des fois, on peut en voir qui sont en groupe, du coup, ou aussi qui se connaissent de longue date, et du coup, ils discutent, et ça fait vraiment des groupes. Et souvent, les personnes sont... Enfin, les cosplayers, du coup, sont très, très accessibles aussi. C'est l'impression que j'ai. Enfin, ils aiment beaucoup avoir des photos, tout ça, ou en tout cas des souvenirs avec les gens. Après, je ne sais pas, dans les faits, comment ça se passe, si c'est... Si c'est tout le temps... Après, comme partout, on y reviendra, mais tu verras qu'il y a des dark side. Ah ouais, ok, ouais, évidemment. le dark cosplay, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est des gens qui se font kiffer à la base, vraiment, et qui, en fait, des fois, même si le cosplay peut être un peu cheap et tout, tu sens qu'il y a le côté fait à la main, aussi, souvent, enfin, tu sens qu'il y a eu de l'envie. Et... Ouais, qu'il y a eu l'investissement. Quoi. Oui, c'est ça, et l'investissement ouais. aussi... sur le cosplay, même si ça fait un peu cheap ou pas, tu vois, tu sens que bah ils sont fiers de le porter et que et voilà, c'est cool quoi. Donc finalement, tu avais des entre guillemets des a priori plutôt positifs sur le cosplay. J'ai, ouais. J'ai jamais eu d'a priori assez négatifs en fait sur le cosplay. Bah tant mieux. Donc grosso modo, ça va quoi. C'est bien parce que la plupart du temps, ça reste plus vu de loin, c'est un peu plus négatif hein, évidemment. Même moi, j'ai eu des a priori négatifs. Enfin, notamment au Japan Expo où bah voilà, c'est l'année de Kirito, l'année des reines, etc. Avec les 10 000 personnes qui achètent des cosplays. Miku Hatsune aussi. Ouais, enfin voilà, il y a eu Miku, il y a eu Kirito, il y a eu Eren. Y a... L'invasion des Deadpool. Voilà, chaque année, Japan Expo a son thème de cosplay phare. Après, encore une fois, c'est si ça fait kiffer les gens, moi ça me dérange pas. Le seul problème que j'avais eu vraiment, c'était en mode... se sentir obligé de venir cosplayer, sinon on va pas à une convention. C'est le truc que j'ai trouvé un peu dommage. Et finalement, ce qui était plus dommage, c'est presque plus le jugement des... Je vais de loin, attention, parce que moi, je suis pas du tout dans la communauté interne. Voilà, de certains cosplayers qui s'amusaient vraiment à juger, bah, du coup, ceux qui veulent juste se déguiser en d'autres personnages, quoi. Voilà, moi, ça me fait un peu rire de loin, voilà, de voir 20 Kirito, mais bon. C'est plus le fait de soit Kirito qu'autre chose, je pense. c'est le multiverse de Kirito. C'est le multiverse de Kirito, évidemment. le fameux. Hein. Par contre, c'est toujours le même Kirito. Hein. C'est toujours celui de saison 1. Ça va jamais plus loin. Hein. Bizarrement, dès qu'il y a de l'armure. Bah, ils sont tous niveau 1, en fait. Bah, non, parce que dans saison 1, il n'est pas niveau 1. En plus, c'est ça qui est fou. Ils ont plus de CP en plus. Terrible. Oui, en plus, c'est terrible. enfin, bref, voilà. On se moque des fois aussi des cosplays ratés et tout. Mais bon, l'important, c'est de se faire kiffer, comme disait Yannick. Donc voilà, c'est quand même l'important. Mais du coup, est-ce que finalement, les conventions, c'est pas comme les MMO? Tu dois pas y venir et être la personne que tu es. C'est terrible, finalement. Est-ce que le MMO, c'est pas un peu le cosplay du virtuel hein? Hey, on pose la question, ouais. Vous avez 4 heures. donc voilà, donc là, on va entrer un peu plus dans l'univers en tant que tel. Donc je vais vous poser une question simple, c'est comment vous vous êtes mis au cosplay, en fait, finalement. Donc, qui veut commencer, il n'y a pas de soucis. Je vais commencer, parce que là, vas-y, je vois ça. Comment j'ai commencé? Attends, avant tout ça, ça fait combien de temps que tu fais des cosplays déjà? Waouh, pour le moment, j'en fais plus déjà. J'ai arrêté momentanément. Ouais, mais outre ça, t'as commencé en quelle année le cosplay? J'ai commencé en 2016. Ok, donc c'est. C'était il y a 4 ans. Voilà, 4 ans, donc c'est entre guillemets plutôt récent. Ça fait quand même pas mal, hein, 4 ans. J'avais 19 ans. Ok, donc il y a 4 ans, ok. Il y a 4 ans, comment est-ce que j'ai commencé? Ben en fait, j'ai découvert le phénomène quand j'ai commencé mes études à Bordeaux. Ouais. Parce qu'avant, j'étais du côté de chez moi tranquillement et j'avais jamais entendu parler de ça. Ok. Déjà, j'avais une connexion à 300 KOS, donc déjà. L'arrivée d'Internet dans les petits pays. Aïe, aïe, aïe. Classique. Voilà, donc la fibre a révolutionné mon quotidien, on peut le dire comme ça. Et du coup, j'ai pu déjà découvrir le monde des séries, le monde des films, le monde de la VOD. Ça, je pouvais pas. Oui, bah forcément. Hein. C'était pas impossible. C'est compliqué. Hein. C'est quand tu passais 4 jours à télécharger Assassin's Creed à l'époque. C'est terrible. Donc voilà, donc j'ai découvert cet univers-là bah, avec des potes à moi. Et puis, puis en fait, très, très vite, au départ, je suis allé tout seul hein, à la convention. J'avais, ouais, bah ouais. J'avais acheté un vieux cosplay de Chip du Joker, parce que je suis un grand fan du Joker de la partie de Dark Knight, du coup. Ouais. Donc ton premier cosplay de Joker est acheté, du coup. Ouais, mais cheap as fuck. Ouais, bah, bon. Sans le premier, même fait maison en général, on va pas se mentir. Vraiment cheap as fuck, je crois que vous me. Enfin, je dois avoir une photo qui traîne quelque part. Terrible, mais si je l'avais pu l'enterrer ouais. Très très loin dans les limbes, je l'aurais fait. Mais non, très vite, du coup, bah, le personnage a plu, même s'il était extrêmement dégueulasse. Oui, et puis après 2016, il y a peut-être moins de normes de critères qualité qu'aujourd'hui, évidemment. Ouais, puis enfin, c'était pas aussi populaire. Voilà, on y reviendra, évidemment. Et. Finalement, en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie parce que voir le cosplay, c'est une chose, mais avoir envie de se lancer, c'est il y a un pas à franchir quand même. Bah, se lancer, en fait, ça vient dans le sens où bah, t'as envie de te faire kiffer aussi. Tu dis, ouais. Bah, si d'autres le font, pourquoi pas moi, tu vois. Je comprends. Et du coup, je me suis essayé à l'exercice. Ouais. Et puis, pour une première approche, j'ai bien kiffé. Okay. Et du coup, bah, j'ai investi un peu plus de mon temps et un peu plus de ma personne aussi parce que... Mais de rien, pour le cosplay, il faut quand même faire des transformations physiques qui sont parfois assez phénoménales. On va y revenir, justement. On y reviendra après. Et donc, mais du coup, ouais, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Et pourquoi je m'y suis mis plus sérieusement plus tard? D'une part, c'est pour partager des moments avec Marie. On y reviendra après. On y reviendra, ouais. Mais c'est aussi pour, moi, me faire kiffer, partager des moments avec les gens aussi, qui veulent voir des personnages qui, moi, me correspondent autant dans leur aspect physique que psychologique. C'est... Après, j'ai une vision particulière du cosplay. Pour moi, c'est vraiment ma façon d'exprimer des parties de moi-même. Ouais, je comprends. C'est via des personas, tu montres des facettes de personnalité, quoi. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui font ça, malgré tout. C'est... Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le cosplay. Il y a ceux qui veulent rendre hommage au personnage, en tout cas, qui cosplay. Et il y a ceux qui, ça, finalement, se définissent via ces personnages et permettent, du coup, en jouant un rôle, finalement, d'être un peu eux-mêmes... à 100% aussi dans des parties de, ben, en convention ou autre. C'est ça. Quoi. Et puis l'avantage, c'est sous couvert de ce personnage-là, ben, il n'y a plus aucun filtre en fait. Tu peux être qui tu veux. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Donc tu peux, comme dans un MMO, on le disait, oui, hein, c'est du coup, tu peux très bien. Finalement, on peut faire un parallèle. Hein, il peut y avoir une thèse antithèse-synthèse. Hein, finalement, est-ce que Persona n'est pas une pensée méta du cosplayer actuel? Alors, je ne suis pas sûr que Persona soit la même métaphore que le cosplay pour le coup, mais, mais bon. À part le personnage de Kuma dans le 4, évidemment. Mais... Ah ouais, en gros, du coup, ce qui m'a motivé, moi, c'est me faire kiffer déjà. Ouais, c'est important en général. Mais aussi faire kiffer les gens, du coup, en pouvant proposer des personnages qui ne sont pas souvent représentés en convention. Genre le Joker. Après, à différents niveaux. Mais Bane, plus tard, qui est très très peu vu en convention en général et qui me correspondait bien. Et du coup, les gens ont vraiment bien kiffé le personnage. Et bah, top. Et toi, Marie, du coup, bon, vraiment, c'est rigolo parce que je te pose la question, mais du coup, comment t'es rentrée dans ce monde-là un peu? Eh bien, c'est ta faute. C'est terrible ce qui se passe. Hein. C'est ta faute. C'est terrible ce qui se passe. C'était en... C'était en 2009. Putain, 2009. 2009. C'était 11 ans. Il commençait déjà. T'avais déjà commencé à me tanner. Oh, on fait le concours cosplay. Allez, ouais, non, parce ça va que, voilà, trop bien. Faut savoir que. Parce que c'était un cosplay. J'arrivais, je sais quoi ça m'est. Faut savoir que moi, dans toute ma demi-mesure, comme dès que je lance un truc, c'est si je fais un truc, je fais à fond. Donc, première année, c'était directement concours cosplay, quoi. Oui. Directement. Ah, parce que c'était ton premier concours en plus? Bah, c'était mon premier cosplay tout court. Yes, yeah, super. J'étais pas du tout au courant. C'est simple que ça. All in or nothing, tu vois. C'était mon all in direct, y a pas de problème. Et non, c'était vraiment le all in. Après, voilà, c'est 2009, c'était vraiment les prémices de cosplay en France. Donc, pour cosplay, c'était vraiment tout le monde y allait avec ses 4 bouts de tissu sur lui. C'est ça. Enfin, après, tout le monde, évidemment, il faut toute proportion garder. Il y avait déjà des gros boss du cosplay. Hein. Mais c'était moins le level d'aujourd'hui. Il y en avait, c'est le level d'avant, c'est le minimum de maintenant, je dirais. Ouais, et encore. Hein. Moi, je me reviendrai avec mes cosplays de l'époque, que je me ferai laminer sur la voie publique. C'était magnifique, hein. Ton canard géant, là. Alors, on y reviendra, ça. C'était magnifique. C'était pas sûr le premier, malheureusement. Ouais. Donc, mon premier cosplay, donc c'est moi qui t'engraine, hein, comme toujours, la gangrène. Hein. Donc, c'est toi qui. J'ai continué par la suite, je suis tombée un jour sur une promo sur une perruque de Miku Hatsune. Avec un personnage que je kiffais trop. Alors que t'aimes pas les Vocaloïdes, pourtant. Bah, j'aime que quelques personnages de Vocaloïdes. Je suis pas non plus accro, mais c'est vrai que j'ai découvert des artistes où Vocaloïdes a repris en fait les chansons. Et c'est ça qui m'a fait aimer aussi un peu le monde de Vocaloïdes. Et quand je suis tombée donc sur cette perruque demi-cotonnée, là j'ai fait « Papa, tu peux me l'acheter s'il te plaît ?» J'avais pas de compte bancaire, bah, bien non. sûr. Et puis il a dit oui. Ah, qu'est-ce qu'il a pas dit ? Du coup, il me l'a acheté et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et c'est pas mon premier costume. Alors, ton premier costume ? C'est le Pikachu qu'on a fait ensemble. Le terrible. Le Pikachu même. Au début, c'était juste un Pikachu et ça a fini en Pikachu vraiment Sadomaso. Terrible, par contre. Il est cursed ou pas ? Il est cursed. Moi, je veux savoir s'il est vraiment cursed, non, ce Pikachu. Les photos sont cursed, hein, vraiment. On est horribles tous les deux, cursed, je crois. Doom, moi, j'étais en Hayato Kokudera de Reborn, mais le plus cheap du monde. Il me traînait en laisse. La laisse, c'était. Vous savez, c'était les ceintures que tu pouvais tourner 12 milliards de fois Pardon. Autour de toi. Alors, la combini, calmez-vous. Je sais, vous allez dire. Arrête. Putain, vraiment. Là, c'est Brut qui va rappliquer. Ouais, c'est terrible ce qui se passe. Tout le monde était consentant dans l'histoire, je vous rappelle. Ouais, mais c'était. Et j'ai même embarqué une amie à moi qui maintenant elle dit je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était franchement terrible, c'était hein. drôle hein, mais c'est terrible mais voilà donc moi Aito Kokudera avec la pire perruque du monde vraiment là, c'était blond platine elle était quand même bien fournie hein. Moi j'ai le souvenir qu'elle était pas mauvaise non plus hein. Ouais, il y a pire enfin, oui il y a pire mais franchement c'était vraiment j'ai acheté sur eBay 2 balles, j'avais acheté des fausses cigarettes qui étaient de la fumée sur eBay. Je me souviens pas des cigarettes. Quoi, t'as acheté des fausses cigarettes? Ouais, mais j'apprends plein de choses. Des fausses cigarettes qui font en fait tu souffles dedans, ça fait de la vraie fumée de cigarette. C'est trop trop bien. Il y a du talc dedans, tu pouvais la recharger, c'était trop chambé. Et parce que du coup, c'est un personnage qui fume dans le manga. Et pareil, j'avais des fausses dynamites et tout. Et c'était en mode chemise, mais en dessous, j'avais des vieux bandages dégueulasses. Je m'en souviens. Mais en plus, c'était en mode vraiment, il y avait quasiment zéro couture parce que c'était vraiment un jean, une chemise bleue H&M, des bandages. Et j'avais juste fait ma ceinture à maison, quoi, c'est tout, quoi. C'est vraiment le premier. Ouais, cosplay, vraiment je pense, de presque tout le monde, en tout cas dans ces années-là. Après, en vrai, le cosplay, je le trouve pas cringe encore aujourd'hui parce qu'ils étaient ressemblants en vrai. Enfin, on m'avait reconnu, Pikachu, ça va quoi. Mais genre, on m'avait reconnu. Mais en vrai, enfin, j'aime bien parce qu'ils étaient vraiment. On voyait que c'était le premier cosplay, mais il y avait une vraie envie derrière. Mais par contre, la prestation, je crois, est dispo sur YouTube encore. Elle est vraiment dégueulasse. Mais j'ai pas compris ce qu'on a fait en vrai. Plus, hein. Non, mais on n'en regarde alors, pas. Non, il y a des archives qui existent. Non, tout est sur YouTube. Hein. Tu tapes Dijon Saiten. Dijon Saiten, il y a vraiment du cringe. Oh là là, c'est terrible. Elles sont terribles, vraiment. Mais moi, du coup, tous mes concours, je les ai faits à Dijon. Et du coup, tous les Saiten ont été captés. Et il y en a du coup 3, je crois, pour moi ou 4. Elles sont terribles, vraiment, tout le temps. Il y en a une, c'était pas un concours, mais elle était captée aussi, elle est terrible aussi. Hein. c'est des bons souvenirs, c'est vraiment... Par contre, c'est des bons souvenirs. Par contre, c'est vraiment des bons souvenirs. Moi, j'adorais ça, quoi. C'est vrai qu'au niveau de l'évolution du cosplay, c'est plus la même. Mais voilà, on va y arriver, justement. Et donc, voilà, donc derrière, t'as fait Mikuatsune, donc l'année d'après. C'est ça. Alors, faut savoir que mon Pikachu, j'avais juste fait la queue et les oreilles. Alors, c'est pas moi qui les ai faites. En fait, j'ai aidé ma grand-mère et c'est elle qui les a faites. Et vu qu'elle commence à plus trop voir, elle se fait vieille, j'ai piqué la machine à coudre à ma maman et j'ai fait ma première jupe, donc celle de Mikuatsune. On voyait mon cul, clairement, je vous le dis tout de suite. Hein, je devais baisser la jupe et tout, c'était une catastrophe. C'était mais je l'ai gardée parce que c'est ma première couture, j'étais fière de moi. Même, ouais. Et la satisfaction d'avoir créé quelque chose, ça m'a donné envie de continuer. J'ai ensuite acheté une perruque rose au départ pour faire... Meguri de Vocaloid aussi. C'était Luca que tu voulais faire. Luca, voilà. Que j'ai jamais fait. Finalement. Au final, j'ai fait Lala de To Love Roo et voilà, ça s'est enchaîné. Par contre, c'est vrai que moi, je n'ai jamais acheté aucun costume. Bah, moi non plus. J'ai toujours tout fait à la main, placard. J'avoue que des fois, je regarde, je ne vais pas mentir, même avant, je regardais. Oh, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que les tarifs sont quand même abordables par rapport à ce que tu fais, ce que tu achètes et qu'ensuite tu achètes déjà fait. Mais en fait, non. Au tout début du cosplay, ce que je voulais faire, moi, c'était acheter également. Donc j'étais au lycée, je devais être. Je sais pas. C'était un bébé, quoi. J'étais vraiment bébé. Hein, j'avais 14-15 ans, quoi. Vraiment, j'étais un enfant. Hein. C'était il y a longtemps. Hein. Moi, j'étais dans Vampire Knight. J'étais dedans. Voilà, c'était mon truc, Vampire Knight. Trop bien. Et en vrai, Vampire Knight, c'est toujours bien aujourd'hui. Hein. C'est un des rares trucs. Et moi, je voulais cosplayer Vampire Knight. Je voulais cosplayer le brun, parce que je voulais pas acheter de wig, parce que ça coûtait cher. Aucune idée de comment il s'appelle. D'où les cheveux que t'avais laissé pousser à l'époque ? Ah non, ça, c'est juste une mauvaise gestion de cheveux de l'époque, qui a duré environ 10 ans quasiment, hein, mais une mauvaise gestion de cheveux. Hein, vraiment. Bref, et du coup, je voulais m'acheter l'uniforme de l'école. Je me suis dit, allez, en plus, c'est bien, je pourrais le porter tout le temps. Parce que, vraiment, j'en ai rien à foutre. Hein. Et en fait, à l'époque, ça coûtait trop cher. Ça coûtait oui. 80 balles minimum. C'était vraiment pas les mêmes tarifs. Hein. Rien que la perruque de Mikwatune, ce que vous trouvez maintenant, vous trouvez entre 15 à 25 euros. Moi, je l'ai payé 42 euros, ma perruque, sans compter les frais de port. Donc, Et du coup, voilà, je vous le fallais. En plus, à l'époque où du coup, c'était vraiment des petits sites dégueulasses et tout, en mode aller machin et tout. Je dis, je vais pas claquer 80 balles dans un uniforme que en fait, je serais jamais porté à côté et qu'il y a dans mon placard, quoi. Puis, enfin, je suis un ado, j'ai pas d'argent, quoi. Enfin, c'est aussi con que ça. Et du coup, bah, premier cosplay, moi, c'était vraiment. Je voulais pas. Du coup, je sais même pas que je voulais pas, mais du coup, je me suis dit, le faire maison, c'est quand même mieux. Plus ma mère cousait et tout, j'ai pu l'aider. Et après, du coup, le premier, c'était vraiment cosplay placard en mode, ok, ça, je peux l'acheter, ça, je peux l'acheter. C'était des vêtements un peu. C'était entre le casu et un peu la tenue de combat. Du coup, c'était le bon truc. J'ai juste fait, ok, perruque, let's go, accessoires, let's go, puis on fonce, quoi. Et enfin, du coup, moi, c'est vrai que déjà, moi, du coup, ce qui m'a plu au début dans le cosplay, c'était l'incarnation du personnage. Parce que voilà, c'est un personnage qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, pour un manga qui me tenait beaucoup à cœur. Et j'aimais jouer le rôle. Et j'avoue que le fait d'avoir commencé directement par un concours, j'aimais bien être sur scène en fait. Le côté être sur scène, jouer un rôle, c'était nul à chier, mais je m'amusais, on s'est amusé, on peut pas dire le contraire quoi. Ouais, on s'est éclaté, mais j'ai fait l'année d'après aussi la scène, ouais. Et après j'ai refait que l'année dernière, la dernière ouais. Dijon Saiten, et j'ai jamais remis les pieds sur une scène en fait. Je me sens pas capable d'avoir l'imagination de créer une prestation, alors que j'ai envie qu'on me juge surtout pour mon travail du costume, parce que je suis ultra perfectionniste. On en parlera des concours cosplay, et moi je trouve qu'il y a plein de ceux que j'ai connus en tout cas, c'était débile comment c'était fait quoi. Mais du coup, toi, ce qui t'a fait continuer dans le cosplay, c'est plus le côté do it yourself, incarnation de personnage. Alors plus le côté création, ouais. Parce que je suis quelqu'un quand même d'ultra stressé, même si ça se voit pas des fois. Hein. Ouais. Ça me canalisait, je pensais que à ça, j'étais tranquille, zen ouais. Au final. Et ça me permet aussi maintenant de faire mes vêtements, clairement, on va pas se le cacher, je ouais. Crée aussi pour moi. Et c'est plus le côté création. Mes derniers costumes comme la Harley Quinn, j'ai dû chercher sur internet tous les détails parce qu'il n'y avait pas assez de détails sur certaines photos de référence, il y avait des trucs qui étaient faux. Vraiment avoir la perfection, que ça soit vraiment à l'identique que la personne qui a créé le personnage quand l'a sorti, quoi. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais. Après, monter sur scène, pourquoi pas, jouer le rôle du personnage en photo, oui, ok, ouais. Mais c'est plus de la création. Ok, ouais, donc c'est vraiment le côté, ouais. Voilà, c'est couture, création, comment le créer, etc. Ouais. Bah, il y a des costumes que j'ai fait là où que j'ai, des fois j'ai pas porté. La dernière que j'ai fait, c'est Bean. J'ai ouais. Toujours pas porté. Terrible. Clairement, je ne l'ai. Ça fait, allez, plus d'un an. Ouais, plus d'un an parce que ouais, plus d'un an. Ouais. Non mais voilà. Terrible. Et du coup, chacun, vous avez, enfin du coup, porté slash créé combien de cosplay au total? Je sais pas si vous savez, un ordre d'idée. Hein. Ah à peu près. Vas-y. Toi, t'as peut-être fait un peu moins, du coup. Moi, un peu moins, du coup. J'ai donc eu mon Joker, où j'ai ouais. Eu la version skin classique avec. Donc, en fait, j'ai fait les trois versions. Enfin, trois versions, en tout cas, de skin-là. J'ai pas fait la version où il est en policier. Ouais. J'aimerais beaucoup la faire plus tard, ouais. Pas, mais pour le moment, pas dans les plans. Donc, j'ai fait skin classique, skin Rob Riebank. Ouais. Quand il sort de la banque. J'ai le masque qui est à la maison, un qui avait été cassé. tiens. Et de quoi il parle? J'ai pas hein suivi. C'est pas grave. Quel masque j'ai cassé? C'est mon magnifique masque Joker que tu as fait tomber, que tu as dû racheter. Ah, ça l'a pas marqué a priori. C'est une histoire que. C'est terrible ce qui se passe. C'est pas grave. Et j'ai fait aussi du coup la version Nurse qui a été cousue entièrement en main par Marie. Eh oui. Voilà. Ok. Donc je pense c'était que j'ai fait... très la merde. Donc ça fait déjà 3, ça fait déjà 3 pour Joker. Bane, du coup, ouais. Daredevil, ouais. C'est à peu près tout, je crois. C'est déjà pas mal. Bane, Daredevil, les trois versions du Joker. Devait y en avoir un dernier. Je l'ai plus en tête. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est une ordre d'idée surtout. Tous les matins, il fait le Grinch aussi. Hein. Beau cosplay. Magnifique. J'avais tenté Daredevil, moi. Ah oui, lequel de Daredevil? La version Matt. Matt Murdock. La version série Netflix. Mais oui, mais j'avais vu les photos. Oui. Mais oui, c'est terrible. Enfin, c'est énorme, c'était bien en plus. Mais c'était ultra cheap. J'avais mis une écharpe pour faire le bandeau. En plus, c'était en plein mois d'octobre, il faisait 10 degrés à Amiens. Évidemment. Et j'étais juste en t-shirt, j'avais mis un pantalon cargo, j'avais mis mes boots de ski, je mourais de chaud et de froid en même temps. Mais dis-toi, tu verras comment j'étais sur mon Bane. Ouais. J'avais juste le gilet, du coup le pantalon tactique, les chaussures tactiques, etc. Et le masque en plastique. Ah bah oui. Donc Bane version Nolan, ouais. Ouais, donc Bane version Nolan qui avait été entièrement crafté parce que c'était un cosplay que m'avait prêté Léo Bane. Ouais. Okay. Si vous connaissez Léo Bane. cosplayer toulousain. Et du coup, je l'avais porté à la PAGS, donc la Po Anime Game Show, ouais. Qui se passe en général fin septembre, début octobre. Ok. Donc il faisait pas méga chaud. Non, tu m'étonnes. Comme par hasard. Les tétons pointaient, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, j'avais rien d'autre que ça sur ma gueule pour aller le matin. Donc le matin, il pleuvait. Sympa. Il y avait du vent. Sympa. Parce que t'es dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, pas loin. Ouais. Du coup, c'est venteux. Et il faisait froid. Ouais. Voilà. Yes. Exactement. Et bonne ambiance. Voilà. Et le lendemain, j'ai eu quand même la bonne idée de prendre le manteau. Voilà, lucide. Je n'avais pas pris le premier jour. Lucide quand même. Exactement. Du coup, est-ce que tu as pu compter un petit peu, Marie, vite fait? Mais du coup, ça fait 6 pour moi parce qu'il y avait le Punisher aussi. Ah voilà, 6. J'ai peint tout. Ouais, non, mais une moyenne. Une moyenne. Une moyenne. Oh là là, mais la dernière fois que j'ai compté, j'étais à 42 cosplays et ça doit y avoir peut-être 3 ans que j'ai compté. Donc, on va dire, allez, entre 50 et 60 cosplays en tout, pas sans mal. Parler de ceux que j'ai décousus, oui, les bah, placards, oui, etc. Évidemment. Donc, ça m'en fait beaucoup. Un paquet. Ouais, bah, un petit paquet. T'as de la bouteille, comme on dit. Hein. Ouais, ouais, mais le pire, c'est que du coup, on voit pas beaucoup de résultats parce qu'à l'époque, on faisait pas des shootings comme on fait aujourd'hui. Non. On va en parler d'évolution, justement. Oh là là, mais les gens, ils se rendent pas compte. C'est, en fait, le cosplay a évolué avec les réseaux sociaux, je pense. Oui, oui, oui. Énormément. C'est ça. Donc, et du coup, avant de passer du coup à toutes ces évolutions, le cosplay que vous avez préféré porter? Ou les cosplays, parce que sur 60, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. Bah, c'est indéniable, mais pour moi, ça sera mon Joker. Ouais. Lequel? Je sais pas si t'as une tenue préférée, du coup, par les T3. J'ai beaucoup aimé ma version Nurse, quand même. Ouais. Ah bon? Ouais. J'ai beaucoup aimé ma version Nurse. Alors, pas uniquement pour la conception du cosplay, mais pour l'incarnation du personnage, ouais, au moment où il incarne la Nurse. Ouais, je comprends, ouais. Et c'est un moment qui est extrêmement psychédélique, oui, en soi. Bah oui. Et surtout la scène principale avec la petite partie d'impro quand il fait péter tout, ouais, tout Gotham Central, ouais, tout le Gotham général. Vraiment incroyable. Surtout okay. Par justement par cet aspect psychologique du personnage. C'est surtout cette scène-là que j'ai kiffé et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé porter okay. cette partie-là. Ouais. Mais sinon le Joker en général, incroyable pour moi. Ok. Et toi du coup? Moi, les personnages, alors les plus récents, c'est ma Harley Quinn, ouais. Nurse, une version Bombshell qui est très peu populaire et ouais. C'est avec celui-ci que j'ai galéré à trouver des détails du costume. Et sinon, moi aussi le dernier, il y a ma Saki de Zombieland Saga, ouais. Qui est vraiment sympa. J'ai galéré à faire la perruque, c'est vraiment des costumes où je me suis vraiment appliquée, j'ai refait les perruques, j'ai fait tous les costumes. Toi, en fait, ce qui t'a fait attacher, c'est plus le travail donné dedans, finalement. C'est ça. Après, les costumes où j'ai kiffé les porter plusieurs fois, il y a Mami Kusno 2014, ouais. que j'avais porté pour une Japan Expo, et Mamiku Gothic Lolita, ouais. Où j'ai passé plus de, je sais pas combien d'heures j'ai passé dedans, j'ai passé plus de 300 euros dedans, enfin bref, c'était là. Terrible. Ouh, tiens. C'est la folie du cosplay. Bah, il faut bien. Ouais. Et Yannick, toi, si tu devais cosplayer quelque chose, si t'aimerais faire un cosplay, que ce soit le cas ou non, qui t'aimerais bien cosplayer? Sans parler d'argent, rien, vraiment, qui t'aimerais incarner? Du coup, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais testé Daredevil, ouais, j'avais bien aimé Matt Murdock. Mmh. En fait, plus le côté Matt Murdock aveugle en avocat, ça ouais. j'aimerais bien. Bon, après, c'est assez classique, c'est genre, ça va être surtout du costume de base, quoi, mais, oui, mais, après, c'est mais pas, assez classe. C'est pas grave, mais en vrai, moi, j'avais un rêve pour le faire, c'était surtout Archer dans Fate Stay Night. Okay. Enfin, dans la version Unlimited Blade Works, ouais, du coup. Il a la même tenue dans l'original, mais... Il a la même tenue dans l'original. Oui, mais c'était vraiment lui, mon kiff. Ouais. Après, je voulais faire Kratos aussi, mais le problème de Kratos, c'est que, bon, je suis un peu svelte quand même. Oui, non, mais après, voilà, c'est... Il y a toujours la question de est-ce qu'on doit ressembler absolument au cosplay pour cosplayer un personnage. On en reparlera, mais c'est la différence entre accurate et fan service. Voilà, c'est toujours fan le... Et oui, je veux dire. Plein de dérivés. Et moi, mon cosplay. Alors, je vais faire aussi, du coup, parce que j'ai fait très peu de cosplay. Et j'ai fait quoi, 4 cosplays, 5? C'est quand il était bébé, ça. C'était il y a longtemps. Bah, le dernier que j'ai fait, c'était mon Bob Lennon. Et c'était en 2012, je crois. 2014. C'est mon Minecraft. J'étais entièrement carton. C'est le tout dernier que j'ai fait. Ah oui. Et c'était il y a 7 ans. Donc, c'était en 2013. T'avais fait un skin Bob Lennon Minecraft? J'ai fait le skin Bob Lennon Minecraft devant Bob Lennon, parce qu'il était venu à cette année-là, exprès. Incroyable. Donc, je pense, du coup, c'est mon préféré Après, du coup, c'était pour tout le prisme qu'il y a eu autour du cosplay, puisque la tag, parce que Apporter, c'était un infâme, était entièrement carton. Ah bah oui. Je l'ai fini le matin même avant de partir, encore une fois, au Digital Triton, donc j'ai passé la nuit dessus, à peindre chaque petit pixel à la main. Ah, le rush cosplay. C'était infâme. donc ça, vous connaissez, hein, vous, les rush cosplay, vous ah, deux. Mais ça, c'est 99% oui, bah oui. Cosplay. Alors, moi, je ne connais pas. Je finis toujours une semaine avant la convention. Ça, c'est la pète, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, voilà, moi, j'ai en cosplay, du coup, j'avais fait très peu. J'en ai fait 4-5. J'ai fait, du coup, Hayato Kokudera. J'ai fait Elisabeth de Gintama. Donc, c'est un canard géant entièrement. À portée, c'était horrible parce que je voyais rien, c'est littéralement. C'est mon préféré. En fait. Bah alors, c'est mon rendu préféré parce qu'il est littéralement seamless. Parce que du coup, c'est littéralement, on ne me voit pas dedans, donc trop bien, quoi. Mmh. Et aux proportions, avec les gros yeux et tout, je suis baladé, j'ai porté 3-4 fois quand même. J'ai gagné un prix coup de cœur avec. Sans jugement des conventions, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Et... Il y a du jugement là-dedans. Bon, après, je dis ça, moi, je l'ai organisé l'année d'après cette convention. Je donc, comprends ce qu'il dit. Mais voilà, enfin bref. Mais. C'était des conventions et tout, mais enfin voilà, c'était un travail qui était valorisé, qui a bien plu et que je suis amusé à porter de ouf parce que c'est un personnage qui parle pas, c'est un personnage très loufoque. Moi, ce que j'aime dans le cosplay, parce que du coup, ça j'en ai pas beaucoup parlé, c'est bon, déjà, quand c'est des cosplays très humanoïdes, humains, c'est vraiment le porté pour l'attrait du personnage que j'aime. Parce que donc, comme du coup, Hayato de Reborn, et j'ai fait le mec à lunettes de Gintama encore une fois, avec son sabre, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Bref, et voilà, eux c'était plus pour le côté personnage en tant que tel que j'aimais incarner. Et après, pour tous les cosplays, on me voit pas en dessous. Si j'avais continué, j'aurais fait que ça, je pense. Parce que c'est le côté vraiment déjà défi du craft que j'avais aimé. Et le côté vraiment improbable. Parce que moi j'aime les énormes pièces énormes qui prennent de la place partout. Parce que j'étais vraiment entièrement recouvert de carton pour Bob Lennon. Donc Skin Minecraft entièrement carré. Et Elisabeth, j'étais vraiment entièrement retourné. C'était de la mousse un peu isolante, recouverte de tissu, et les yeux, c'était de la mousseline et tout. Enfin, c'était infernal. Et il y avait une armature en fer dedans pour que ça tienne en temps, pour que ce soit rond. T'étais vraiment trop mignon avec tes petites ailes et tout là. Et voilà, j'avais une petite patte et tout. Je pouvais pas voir parce que j'avais pas de trou. Et en fait, pour voir, fallait que je soulève un œil exprès et que je mette mes doigts pour voir pour marcher. C'était infâme. C'était vraiment infâme, mais c'était vraiment génial. C'est un peu creepy quand même. Hein. Oui, c'était creepy de ouf. Et voilà, moi j'aimais bien ce côté un peu over the top du cosplay, c'est ça qui me faisait kiffer. Du coup voilà, moi j'ai préféré porter du coup Bob Lennon parce que du coup voilà, c'est porter en plus devant la personne en tant que telle, donc il y a un peu un côté reward cool parce que du coup bah, j'ai gagné le prix coup de cœur du jury, très facile hein, je cosplay un mec, il me donne le prix, let's go quoi, enfin c'était gagné d'avance, hein, je suis désolé mais c'était facile à gagner quoi. Donc parce qu'il a fait plein de problèmes hein, du coup, en plus mon cosplay, mais bon j'ai kiffé le faire. Et du coup maintenant il est dédicacé par Bob Lennon en plus, donc stylé quoi. Incroyable. C'était voilà, c'est eBay. Si tu nous écoutes, let's go. Hein. Et voilà, donc voilà, ça m'a permis de beaucoup rencontrer le bonhomme en question et tout. Bref. Et sinon, si je devais cosplayer, en tout cas, moi, je ferais que du Power Ranger, je pense, ou du Super Sentai de façon générale. Moi, mon rêve, c'est d'avoir vraiment un costume entier. J'ai juste un casque à la maison, donc du White Ranger Mighty Morphin, donc le tigre blanc. Mais j'avoue que ouais, ça coûte. Je le crafterai pas parce que je sais que j'ai pas la compétence. Et du coup, je l'achèterai. Il y a Annie Cosplay, par exemple, qui est le numéro 1, qui fait même qui fournit maintenant des fois la série en tant que telle. Donc, c'est même plus des cosplayers techniquement, c'est même des props makers. Enfin, ils font tout seamless, c'est impressionnant. Et j'avoue qu'un petit cosplay de Kaizuku Ranger Red ou un petit Zero One là, de Kamen Rider, mais j'ai pas 1 500 euros quoi. Clairement, j'ai pas 1 500 balles sur moi, donc bon, un jour peut-être. Hein. On connaît le cadeau de Noël, c'est bon. Hein. Ouais. Puis après, pareil, il faut quand même les porter hein, parce qu'il faut le remplir le lycra quoi. Bon, donc. Viens un peu à la salle. Ouais, faudrait. Hein. Faudrait qu'elle soit ouverte déjà. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais voilà, moi j'avoue que si je devais cosplayer quelque chose, ce serait vraiment du Super Sentai, Power Ranger, Kamen Rider, tout ça quoi, du Toku, pour me faire kiffer quoi. Voilà. Du coup, on va revenir un peu sur la progression. Donc, vous êtes entré dans le monde du cosplay, donc là vous êtes tombé amoureux, donc vous continuez. Et puis il y a eu un peu un boom du cosplay quand même, on va dire 2012-13, partir un peu plus même. 2012, ouais. Donc, avec évidemment le même boom qu'a eu les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, moins Twitter, j'ai l'impression. Après, je suis de loin, mais moins. Après, c'est moins accès photo, donc je pense que ça a un lien. Mais. Comment vous, parce que du coup, vous êtes, enfin toi, du coup, t'es arrivé un peu pendant. Comment vous avez un peu perçu ce boom? Comment vous, en tant que cosplayer, en milieu de tout ça, vous vous êtes senti? Bien, alors, Pour ma part, tout est allé très vite. Ouais. Vraiment très vite. Ça a principalement commencé sur Facebook, au niveau des réseaux sociaux, commencé à se faire connaître, et les forums. Alors les forums, c'était le début, c'était la fin aussi. Il n'y a vraiment pas eu de... Bah, les forums, ça a commencé à mourir avec les réseaux. Du coup, forcément, il y avait les forums de cosplay. Finalement, c'est beaucoup de cosplayers ont commencé via des forums, les forums RP, etc. C'est ça, beaucoup de partages sur les forums. C'était peut-être plus intéressant parce que c'était par... catégorie, donc les gens quand ils cherchaient des patrons et tout, ça pouvait être plus simple. Après, maintenant avec Internet, Instagram, Pinterest, etc., c'est beaucoup plus simple en fait de retrouver des patrons ou même rien que YouTube avec les DIY. Clairement, il y a 10 ans en arrière, c'était pas possible de trouver un tuto que tu trouves aujourd'hui. C'était impensable. C'est Internet à n'importe évoluer, qui. Hein. Je pense que n'importe qui aujourd'hui, s'il veut vraiment faire un costume de A à Z, évidemment selon le costume, mais si on prend le classique uniforme, c'est faisable avec tout ce qu'on trouve sur Internet. C'est ça. Je fais un peu de motivation, un peu de patience et c'est parti. Bah, c'est ça, c'est que c'est pareil pour tous les domaines que vous voulez apprendre. Évidemment, vous n'allez pas prendre la chirurgie avec YouTube, mais... pourquoi pas ? On fait bien l'épilation aussi hein, sur YouTube. Oui, après, l'épilation, c'est... On ne vend pas des gens. Mais franchement, c'est... si vous êtes un minimum motivé et un petit peu passionné dans ce que vous voulez apprendre, grâce à Internet, vous pouvez tout faire. C'est payant, gratuit, faites comme vous voulez. Vidéo, texte, photo, coach, pourquoi pas, ça se loue des coachs, c'est horrible à dire, mais des séances de coach. Bah, peu importe le domaine que vous voulez faire, le dessin, la musique, le chant, le DIY, le développement, bref, bah, formez-vous. En fait, si vous voulez y aller, tentez. En fait, ça vous coûte souvent rien et ça coûte rien de tenter, à part du temps. Donc franchement, tant que vous avez le temps, faites-le, enfin, c'est important. Quoi. Bref. Du coup, l'évolution du cosplay. Oui, toujours. Ouais, le boom des réseaux sociaux, etc. Le boom au niveau des réseaux sociaux, alors il y a eu... Pour moi, au début, c'était bien. Et après, il y a eu le mal parce que bah, c'est vrai qu'Instagram est arrivé. Et quand tu ne connais pas trop Instagram, c'est compliqué. Il y avait la lumière. Puis il y a eu les ténèbres. C'est ça. ensuite, il y a surtout tous ces cosplays un peu putaclic. On ne va pas se le cacher. Genre Jessica Negri Non, elle fait délirer. C'est pas pareil. Elle, c'est vraiment finalement, un délire. Ou... C'est vraiment clean. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je dirais pas défenseur parce que je vais pas non plus voir les haters dire vous êtes des fils de pute. Mais Jessica Negri, c'est quand même, je trouve, un pilier du cosplay quand même dans le monde entier maintenant. C'est une Nigérie. Je trouve qu'elle a beaucoup démocratisé la chose. Oui, il y en a d'autres, mais c'est peut-être la plus mainstream des cosplayeuses comme ça. Sachant, c'est avec surtout son cosplay du coup de Lollipop Chainsaw qui l'a fait découvrir finalement. Et elle a eu un boom tout de suite. Après, bon, évidemment, c'est une demoiselle plantureuse. Après, c'est pas aussi le même pays. Hein. L'impact n'est pas le même. On va pas se le cacher qu'en France, si tu parles pas un peu anglais ou quoi que ce soit, tu peux pas popper comme les Américains ou même des fois les Allemands hip-hop. C'est pas possible. Oh, bah, tu sais, le podcast, le format, à part des connards parisiens qui nous écoutent, là, il n'y a pas grand monde. Trop de cruauté. Bonjour, les gars. Non, c'est vrai, c'est enfin voilà, on dirige son podcast, mais voilà, c'est un format très nouveau, très américain encore. Là, c'est pour le coup, on arrive à être un peu précurseur dans le thème, donc on est assez content. Mais c'est pareil pour le cosplay, c'est que au tout début, c'était très américain. Enfin, quand on a commencé, moi, je voyais pas de Français faire du cosplay, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, la première, hein, je ne savais pas ce que c'était cosplay. Oui, toi qui m'as appris. Je fais, d'accord, c'est comme le manga, je ne savais pas ce que c'était du manga. Moi, j'étais trop émo et je parlais qu'anglais à l'époque, donc c'était terrible. C'était terrible ce qui se passait. Oui, on peut le juger, je pense. Oui, on peut, allez-y. Donc, voilà, donc comment c'est. Déjà, quand on va s'adapter, après, du coup, toi, tu es arrivé en plein milieu en plus. Mais est-ce que vous avez déjà comme but, finalement, de vraiment faire connaître, entre guillemets, pas forcément la célébrité, mais vraiment faire connaître votre travail, ou c'était vraiment plus en mode je partage au pif parce que ça me coûte pas plus de temps ou autre Dans un moment, moi, c'était vraiment la course au like. Hein. Ouais. Mais plus sur Facebook, c'était beaucoup moins sur Instagram. C'est revenu un petit peu parce que j'avais envie de peut-être pouvoir en faire mon métier, mais clairement, c'est trop compliqué, c'est mort. Mmh. Donc, ça restera un divertissement, principalement. Est-ce que c'est pas mieux, du coup C'est moins de stress. Oui. Clairement, c'est beaucoup moins de stress parce que je pense que les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils passent toute leur semaine, toutes leurs heures, toutes leurs minutes, toutes leurs secondes à penser que à ça et à travailler que là-dessus. Et je pense que c'est pas vivable pour moi. Bah, c'est pas possible. Vivre dans l'hypocrisie parce que voilà. Du coup, il y a beaucoup de l'excuse, faut être gentil, faut être beau, faut être tout propre. C'est Instagram quoi. pour le coup, c'est Instagram. C'est triste, on peut pas donner une opinion en disant que moi je préfère faire comme ça et l'autre il va dire oui mais non, c'est pas comme ça. Oui mais alors moi j'aime comme ça, c'est pas grave. T'aimes pas, c'est OK. Donc tu peux pas, enfin après là c'est internet en général, c'est l'extrême l'un ou l'autre. Et forcément, c'est que il n'y a pas de juste milieu. En fait, il n'y a pas de débat positif. C'est toujours dans le débat. Il n'y a pas de débat tout court. C'est dans le négatif. Et c'est triste. Le problème d'Internet maintenant, en tout cas, enfin, c'était moins qu'à l'époque. Mais le problème d'Internet maintenant, c'est que c'est pas des débats. C'est chacun impose sa façon de voir et écoute pas les autres. Point. Vous trouverez toujours des cas isolés où c'est dedans. Il y a des contre-arguments et heureusement. Sinon, mais c'est surtout quand la communauté est plus resserrée, c'est le cas. Mais Twitter, c'est la jungle, par exemple. Instagram, c'est la jungle. Facebook, c'est la jungle. Mais voilà, c'est dommage, quoi. Arrêtons Internet. Non, mais Internet apporte beaucoup de bonnes choses. Sans Internet, je ne connaîtrais aucun d'entre vous ici, hein, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Je ne te connaîtrais pas. Oh, c'est mon Dieu. Littéralement pour le coup. Donc, dire que c'est ma faute, en plus, qu'on ne se connaît pas. Oui, que ça, c'est terrible. Enfin, sa faute. T'as trouvé par hasard. Ou grâce à toi, on va dire. Peut-être voilà. C'est un peu plus joyeux. Grâce à moi. Mais enfin, Internet apporte des bonnes choses, mais faut quand même voir qu'il y a beaucoup de négatifs sur Internet, quoi. Et que c'est dur de s'en détacher. Mais on fera un podcast spécial Internet où on sera tous déprimés. De toute façon, les mots-clés de la minute, c'est pas de fact-checking, la dépression et 1h30 pour ne rien dire. C'est le but de l'émission. Hein. Et surtout pas de fact-checking. Surtout pas de fact-checking. C'est très important. C'est qu'un éditeur, déjà. Ouais, c'est pas grave. Bref, Kurokawa. Donc, Pour en revenir aux réseaux sociaux, maintenant ça se frite aux réseaux sociaux au niveau du cosplay et tout. Tout le monde se bave dessus, réseaux sociaux. Que nous, avant, c'était drama en live. Ah, ça. Et quand je dis en live, moi je me suis vue recevoir des appels à m'insulter parce que j'ai fait un événement pour mon anniversaire et que la personne n'était pas invitée et c'était un truc spécial cosplay. T'as une anecdote plus précise là-dessus ou... Bah c'est cette anecdote-là. Oui, mais est-ce que tu peux en parler plus ou... Sans citer de nom, évidemment, parce que j'ai pas là pour été ça, prise mais... dans deux gros dramas depuis. Je parle de nouveau avec ces personnes-là. Hein. Voilà, on est. Ça, c'était avec les deux groupes cosplay de Dijon. Non, c'était pas moi, il y avait un avec un groupe cosplay Dijon, effectivement. Okay. Le deuxième, moi, j'y ai jamais pris part. Okay. Ça m'intéressait pas, clairement. Et l'autre, c'était avec une cosplayeuse qui commençait. Et effectivement, un jour, sur Facebook, je crée un événement pour mon anniversaire cosplay et j'oublie de le mettre en privé. Donc, juste après, classique, je le mets. Classique en... Facebook, ça. Voilà. Ça, c'est le classique shit. À l'époque, c'était tout de la fête. Non, mais c'est ça. Du coup, j'oublie, donc je le remets en privé et j'ai supprimé une personne que je voulais pas inviter. Et je ne sais pas comment cette personne a eu mon numéro. Elle m'appelle. On a connu et c'est la fête. Donc ah ouais, genre menace, insulte. Bah vraiment insulté et puis engueulé, t'as pas le droit de décider qui t'invite à des événements cosplay, mais en fait c'est pour mon anniversaire. Comment te dire ? Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis pour le deuxième drama, en vrai je m'en souviens même plus parce que quand j'ai vu qu'il y avait 3-4 pavés de je sais pas combien de lignes, j'ai fait supprimer, je ne lis pas, ça m'intéresse pas, on verra plus tard. Donc, c'est terrible ce qui se passe. Mais maintenant, les gens, j'ai l'impression que c'est moins face à face. Bon, lui pourra mieux vous en parler que moi. Les dramas. On veut du drama là. Vas-y. Alors, je prends la suite. Hein. Oui, du coup, avec plaisir. La chance ou la malchance, du coup, d'avoir fait partie d'une communauté qui était bordelaise. Ouais. Et qui, malheureusement, comme la communauté parisienne, est extrêmement virulente. Que ce soit de manière extérieure ou intérieure. C'est-à-dire qu'envers d'autres communautés. Enfin, envers d'autres communautés. Ou envers sa propre communauté. Ah, bonheur. Donc il y a énormément de rivalité. Et moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, dans l'évolution du cosplay, si je dois donner mon avis, c'est qu'au départ... T'es là pour ça. sinon je peux m'en aller, si tu veux. Non, c'est bon. C'est qu'au départ, comme je le disais, je suis venu pour me faire kiffer et faire kiffer les autres. Normal. Sauf qu'il y a eu énormément de monde qui, c'est comme ce que tu disais du coup, qui sont partis à la course like et la course de je veux être le meilleur. Bon, ça c'est normal, ça peut arriver, je comprends l'esprit de compétition, mais surtout je veux montrer par tous les moyens que je suis le meilleur. Ouais. Et donc du coup par extension, je veux montrer que ce que tu fais c'est de la merde. Voilà. Donc ça a été un déboire qu'il y a eu, mais ça a été un moment où en fait tout est monté et tout est allé tellement rapidement. Pour beaucoup de monde, vu qu'il y en a plein qui avaient du talent, on ne va pas se le cacher, mais qui en ont beaucoup joué. Et en fait, le succès leur est monté à la tête quasi instantanément. Ah oui, d'accord. Et du coup, ils se sont plus sentis pétés, si on peut utiliser comme ça. Mmh. Et du coup, ils ont dit, bah, ouais, t'as pas plus de 3K sur ton Insta, je vois pas pourquoi je te parlerai, en fait. Ah, ok. Voilà. Genre, c'est débile, en fait. C'est terrible. C'est les fameux, comme dirait notre magnifique confrère Gigi. Le bon Gigi. Le bon Gigi. PTDR, la calvasse, tu vois, voilà, la calvasse, exactement, comme on l'appelle. Donc c'est les famosas PTDR Teki, tu vois. D'ailleurs, si vous demandez à quoi je ressemble en vrai, je suis Jiraya sans la calvitie. Alors bientôt, avec oui, moins une calvasse, mais en non algérien, c'est littéralement ça. Et du coup, ouais, ça a été un des bons. Après, c'est vraiment pas la majorité des cosplayers, mais il faut savoir oui, que. Oui, non, mais le problème aujourd'hui, c'est la majorité visible. Voilà, ceux qui ont plus de visibilité, voilà, ont ce comportement-là. Malheureusement. Non. Après, il y en a beaucoup qui sont cos positifs. Oui, et bah heureusement. Et beaucoup, même si malheureusement, du coup, c'est ceux qu'on entend le moins, parce que c'est ceux qui font le moins de bruit, qui pour autant font un travail extrêmement qualitatif et qui sont là pour aider les autres et les accompagner, débutants ou pas, à donner des conseils. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement une communauté qui est très, exclusive dans le sens où si tu fais pas partie de leur communauté, si t'as pas une certaine renommée, jamais tu rentres. Ouais, et jamais ils te parlent. Ouais, et ils s'en foutent. C'est l'un des trucs qui m'a fait rater le cosplay à l'époque, déjà. C'est que, de l'extérieur, parce que j'avais fait une petite pause que j'avais eu avec mes études, etc. Mais du coup, vu de l'extérieur, ça semblait ultra sectarisé, vraiment, en mode, si d'un coup, t'as pas... dès qu'un média se démocratise, si t'es pas qualitatif directement, on va juste te chier à la gueule et te dire d'entrer chez toi. Et... c'est que même si toi tu viens juste pour t'amuser, de prendre des réflexions gratos, ça fait toujours chier, quoi. Ouais. C'est Yannick peut l'avoir en ce moment où il stream, ou même toi Marie, vous streamez beaucoup, vous faites ça surtout pour vous faire kiffer, mais se prendre quand même des réflexions en mode tu sers à rien, tu passeras jamais, même si c'est pas ton but, ça fait quand même chier. Parce que c'est quand même un jugement de valeur qui casse les couilles. Au bout d'un moment, tu passes au-dessus. Mais Il faut savoir, du coup, quand on fait du cosplay, comme je le disais dans les présentations des aspects de notre personnalité, ouais, c'est que en tout cas pour certaines personnes et pour moi notamment, quand tu critiques du coup ton cosplay ou ta façon d'interpréter un personnage, au final c'est pas ta façon d'interpréter un personnage, c'est toi qu'on visite, et du coup tu le prends personnellement, même si ton but c'est de donner du plaisir aux gens et que derrière t'as des gens qui t'insultent pour ça, évidemment, ça fait un peu chier. Après il y a des façons de le faire, il y a des gens qui en abusent clairement, évidemment, et voilà, il y en a qui utilisent ce mécanisme là pour justement monter par le drama, tu vois. Le drama fait marcher. Hein. Voilà. Il y en a qui n'ont pas trouvé d'autres moyens que de monter par le drama, ce qui est dommage. Mais je comprends la manœuvre marketing, tu vois. Ah bah, évidemment. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est est-ce que vous pensez que du coup, grâce ou à cause des réseaux sociaux, et que, alors, du coup, le cosplay, on va dire, est devenu mainstream, mais devenu populaire, en tout cas, il y a vraiment une hausse de popularité. Je pense que j'ai jamais vu autant de cosplayers, enfin, de toute façon, c'est facile à dire, parce que forcément, il y en a de plus en plus. Mais avec les réseaux sociaux, etc., c'est devenu quand même ultra bankable. Et qu'il y en a beaucoup qui ont fait entièrement leur marché là-dessus, ou rien que le principe de cosplayer professionnel. Oui. Moi, c'est quelque chose où c'est quand ça a commencé à arriver, où j'ai vu semi-pro, c'est je me suis dit comment, parce qu'en fait, j'en sais rien du tout, c'est comment tu deviens cosplayer professionnel en fait. C'est qu'est-ce qui te fait vivre en tant que cosplayer professionnel, et comment tu passes de cosplayer pas professionnel à cosplayer professionnel en fait. Moi, ça me paraît tellement pas aberrant, mais ça me paraît tellement... Tu peux comparer ça au monde du théâtre, au monde du spectacle, tu vois. Mais du coup, entre guillemets, tu payes pas des tickets pour aller voir un mec cosplayer. Enfin, peut-être que si, ça se trouve... Quand t'as des cosplayers qui sont pros, ils vendent pas uniquement leur travail, mais ils vendent leur image, c'est-à-dire c'est qu'ils vendent leur notoriété. Donc, c'est des influenceurs, techniquement, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, donc finalement, c'est juste des influenceurs comme ça pourrait être des youtubeurs, sauf que leur média à eux, c'est le cosplay. Ouais, c'est ça. En gros, leur moyen de communication, c'est le cosplay. Donc en fait, c'est juste un jour, ils ont eu 10K. Ils ont gagné des cours cosplay, je sais pas, peut-être à 1000 balles ou à 2000 balles. Je sais pas si ça existe. Oui, c'est pif. Ça m'étonne pas plus que ça. Mm. Et du coup, avec de la visibilité, c'est quoi? Ils ont des partenariats avec des marques, des du genre. Mais tu vois, t'en parlais tout à l'heure avec Riot Games. Ouais. T'as une grosse partie des. Ah oui, qui sont officiels Riot. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Qui sont partenaires officiels Riot. Et du coup, qui s'occupent de faire des reproductions et qui bossent pour Riot Games, des studios de production. Ok. Soit en tant qu'eux-mêmes, du coup, en fabriquant pour eux et en portant ces costumes. Donc soit en étant eux-mêmes et en portant uniquement leur costume. Ou en faisant des props pour d'autres. Ou en faisant des props pour d'autres. Ah, ok. Ça, c'est vraiment apparu d'un coup, le terme de... C'est ça. cosplayer professionnel. Après, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quand ils vont se... S'ils se mettent en entreprise et tout, ils sont obligés oui, de bah, passer ils sont influenceurs. Par d'autres. Donc, c'est vrai. C'est, oui, c'est, même influenceur, je ne sais même pas si ça en existe fait, c'est vraiment c'est en pas terme. Un statut, c'est un statut créateur. Non, voilà, enfin, après, t'es auto-entrepreneur dans tous les cas. Enfin, après, derrière ce que tu fais, ils s'en foutent au final. Mais, Donc, c'est, pour moi, ça reste un cosplayer pro. Je ne vais pas le considérer. Je vais pas dire, oh, t'es cosplayer professionnel. Je vais dire, t'es un créateur. Bon, oui, non, mais j'entends. T'es créateur. C'est eux beaucoup qui se revendiquaient. Voilà, c'est ça. Moi, je suis professionnel. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. Je trouve qu'on voit du cosplayer pro. Ouais, ça après, fait 5-6 ans. En France, en tout cas. Oui, après, en France, c'est sûr. Sinon, Jessica Nigri, elle a quasiment directement été cosplayer pro parce que son premier était rémunéré par. Je sais plus qui est le dev de Ripple Chainsaw, mais c'était bien un concours à la base pour eux. Elle est devenue égérie du jeu, quoi. Après, vivre de ça, c'est très compliqué parce que faut gérer ses réseaux sociaux H24, faut montrer que t'es toujours présent. Comme un youtubeur, comme un streamer, voilà, etc. En fait. Et bien, on revient au fait que c'est quand même ultra stressant et que du jour au lendemain, si ça passe de tendance, s'il y a quelque chose de nouveau et que t'arrives pas à suivre, t'es dans le caca, clairement. Tu fais plus rien, il faut que tu trouves autre chose. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, vas-y, Rémi, je vois que tu voulais dire quelque chose. Ah non, du tout. On peut comparer ça. Enfin, aujourd'hui, on peut comparer ça un peu à l'industrie de la musique. C'est-à-dire que. Ah oui, mais clairement. Si tu montes pas, t'es présent, les gens t'oublient et c'est ciao, en fait. Bah, puis même, il y a les vagues de mode. C'est pour rester dans la musique. En années 2000, la mode, c'était le rock, etc. Là, maintenant, la mode, c'est clairement le rap. Et le rock se vend très peu. Enfin, c'est pareil. C'est des modes, pas forcément, mais c'est des tendances, c'est des envies des gens. Mm-hmm. Et ce que veut nous faire vendre aussi, malgré tout, les grands marketeurs de ce monde, évidemment. Le classique, Radio Gauche, ici présent, évidemment. On a changé de radio, là. Terrible. Après, il y a eu énormément de. Comment dire. Il y a eu énormément d'aspects qui ont conflué pour développer le cosplay comme il est actuellement. Ouais. C'est-à-dire que les gens. Déjà, il y a eu une énorme popularisation des jeux vidéo. Oui, bah évidemment, oui. C'est la popularisation. De l'univers fantastique avec Netflix. C'est ça, en fait, c'est Amazon devenu Prime. Simple d'accès, en fait. Mm-hmm. C'est que, du coup, les médias sont. Parce que tout le monde peut s'identifier à ça, en fait. Vu que tout le monde a l'accès, tout le monde s'identifie. À l'époque, on était des weirdos, parce qu'on. Mais en fait, c'était pas forcément parce qu'on consommait, mais parce qu'on les connaissait. Mais parce qu'on a cherché à les connaître, on est tombé dessus par hasard. Bah, disons que tu vas pas trouver des cosplayers de Willa Brocante, quoi. Alors, je suis sûr que je peux en trouver. Je pense que ça va exister. Mais tu peux en trouver, je pense. Mais non, outre ça, c'est que même 2009, déjà à l'époque, c'était pas du tout facile d'accès de consommer même du jeu vidéo et tout ça. C'est que déjà, il y en avait moins, de façon générale. Encore moins en France. Les animes, des animes licenciés officiellement, alors là, ça se comptait sur les données de main, hein, vraiment. Et encore des récents, encore plus. Et du coup, encore le cosplay, c'est un truc de niche. Du coup, forcément. Mais c'est grâce à Internet, maintenant, on a accès à la culture et à l'information tellement facilement que forcément, c'est de fil en aiguille, ce qui est de niche ne l'est plus. Et du coup, les niches de niche deviennent des niches moins de niche, etc. Enfin, c'est la boule de neige. Donc forcément, dès qu'on a accès au monde entier facilement, on a accès à tous ces genres de culture et à ces pratiques, quoi. Ouais, puis après, l'accessibilité du cosplay fait qu'aujourd'hui, n'importe qui a 150 balles peut s'acheter un truc pas trop dégueulasse. Et faire du cosplay s'il kiffe. Parce que le cosplay, c'est pas uniquement fabriquer, porter, incarner. Ça peut très bien être acheter, porter, incarner juste parce que tu kiffes. C'est le message, c'est bon. Tant que tu te fais kiffer, c'est l'important. Ouais. Ça a changé. Ça a beaucoup changé avec le temps, je pense, cette mentalité. Avant, c'était beaucoup c'est pas toi qui l'as fait, tu l'as acheté. Non, déjà, tu passes pas en concours cosplay. Oui. Maintenant, ça se fait un peu moins. Il y a des catégories. Ça passe mieux. On va parler des concours, justement. Avant, si t'achetais ton costume, mais c'était mort. Valait mieux que tu sortes un costume pas fini, avec des bouts de fil, etc., que fallait que t'achètes ton cosplay. C'était pas possible. C'était impensable. Pour parler des concours, du coup, dans le cosplay, comme en fait, quasiment maintenant, tout partout, il y a des concours pour tout, il y a des gros cosplays. Donc, gros cosplay, pour résumer, en gros, alors ceux que j'ai fait en tout cas, je sais pas si ça marche tous pareil, mais c'est donc on vient cosplayer, c'est mieux. On passe sur une scène devant un jury et souvent un public et on doit faire une prestation. Donc, il y a la prestation, etc. Et après, on pose vite fait pour qu'on voit tous les angles du truc, et tout. On part, tout le monde passe à la fin, délibération. Et en général, tu as le prix cosplay, le prix prestation, etc. Ce que j'ai fait. Arrêtez-moi si je me trompe, je sais pas si dans tous les concours à peu près c'est comme ça, même les gros, est-ce que c'est toujours des prestations à faire, est-ce qu'il y a toujours ça, etc. Oui, le dernier que j'ai fait c'était aussi une prestation trop courte, je trouve, c'est très compliqué de proposer quelque chose. Les temps de prestation en moyenne, on va dire plutôt pour les gros concours, c'est très court, ça c'est combien à peu près Là moi je devais faire une 30 maximum. grand maximum et j'ai dû me dépêcher à faire ma prestation parce que j'avais 15 secondes en trop. Ouais. Donc c'est quand même très compliqué de présenter un personnage que tu as fait seulement en 1 minute 30. Donc, Pareil, je crois qu'en Japan Expo, c'est quoi? C'est 30 secondes et le passage même pas, je crois. Ouais. Alors, après, il faut nuancer parce que les temps de passage sont vraiment différents en fonction des pays où t'es. Oui, évidemment. En France, c'est ultra court. Ouais. Mais j'ai eu la chance de faire une convention en Angleterre, ouais. À la MCM Comic Con à Birmingham. Ouais. Et qui aurait pu pas se passer par des erreurs logistiques. Terrible. Toujours. Logistique de type on n'est pas arrivé à l'avion dans la bonne ville. Mais c'est pas grave. Ah, c'est dommage quand même. Un peu embêtant. Mais on y reviendra si la personne qui est concernée traîne un jour sur ce podcast. Et bah, avec plaisir. N'est-ce pas, Yacine Finity Cosplay. Ça balance les blazes. Terrible. Ça balance. Hein. Et, on l'embrasse. Hein. Et du coup, en fait, en Angleterre, en tout cas à la MCM Comic Con, oui. Tu donnes en fait ta presta. Par exemple, moi j'ai refait une scène du Joker, ouais. La scène où il arrive, où le Joker arrive devant la pègre, okay. Et fait tout son speech devant toute la pègre, voilà. Donc j'ai refait toute cette scène-là de début à la fin, ouais. De son arrivée à sa sortie. Et la scène, elle dure 2 minutes 38, tu okay. vois. En France, impossible de le faire. Impossible. En Angleterre, j'ai dit voilà, je veux faire ça. Tous les moments où on verra le Joker, ben, moi je vais couper la vidéo et en fait ce sera pour que les gens me regardent moi sur scène, oui, bah sur oui. ma presta. Et tous les moments où en fait il y aura d'autres protagonistes, ben, l'écran se rallumera avec ouais, les protagonistes qui s'affichent à l'écran. Et c'était ultra chaud et donc on se fait ben, ok go, t'as besoin de combien de temps? Je fais j'ai besoin de 2 minutes 38 pile le temps de la presta. Il me fait ok, c'est parti. Voilà. Ils n'ont pas discuté, tu vois. Ouais, alors qu'en France, après je comprends parce qu'en France on a beaucoup aussi de danse. La danse cosplay. Je vois Marie en train de suer à porte-gouttes. Je suis désolé, mais ça me fait trigger. C'est ultra mignon, il faut arrêter. La danse cosplay, c'est génial. Mais pas toute la prestation, j'avoue que j'en ai fait une comme ça. Après, on avait coupé par moment et tout, donc c'est vrai que ça pouvait être intéressant. Mais c'est vrai que j'ai vu des prestations où les filles, elles dansaient toute la danse et c'est pas intéressant, en fait. Alors, du coup, je voulais venir sur où. Moi, les concours cosplay, je comprends qu'on note... Le cosplay, parce que c'est le but. Mais j'ai toujours eu ce petit problème des prestations. Après, c'est mon avis extérieur. Après, j'en ai fait quelques-uns, mais bon, je peux pas non plus dire que je suis un vétéran, je suis cosplayer professionnel. Loin de là du tout. C'est finalement... Toi, t'as incarné le Joker, t'as fait une scène de Joker, je comprends complètement. Mais finalement, c'est ce genre de prestation où du coup, t'es pas du tout dans le personnage. J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça vient faire dans ces concours, sans jugement de valeur, tout. C'est est-ce que, et je sais pas si les jurys notent comme ça et tout, moi j'ai été juré une seule fois, mais moi j'ai pas eu à noter la prestation du coup. Moi j'ai noté que la tenue. Et est-ce que du coup la prestation doit forcément être en rapport avec le personnage? Ou est-ce que finalement tout est accepté et finalement tout peut gagner, entre guillemets, quoi? Bah, alors pour moi, cette vision-là, il faut quand même qu'il y ait un rapport dans la prestation. C'est si tu viens à faire jouer le Joker et puis à jouer une scène de la Reine des Neiges, il y aura un problème. À moins qu'il y ait un rapport, je ne sais ouais, pas. Ouais, si t'arrives à lier le truc vraiment... à peu près, quoi. Voilà, philosophique, troll, voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis un peu freinée sur les prestations parce que je préférais qu'on juge mon costume sur comment je l'ai réalisé avec les petites finitions par-ci par-là que par ma prestation. Parce que bah, clairement, je suis à chier en prestation. Pour la preuve, mon dernier concours, j'ai gagné la prestation, pas le costume. Je suis trop déçue. J'ai travaillé comme une folle. J'ai fait des finitions de fou. Eh ben non. Voilà. Donc en vrai, j'ai plutôt déçue. Oui, parce que finalement, en fait, quand tu fais un gros cosplay, est-ce que t'as pas, tu préfères pas gagner pour ton costume plutôt que ta prestation finalement? Après, c'est pour ces personnes-là chacun évidemment. Mais... Ouais, c'est complètement l'inverse. Enfin, ouais. Je suis vraiment à 70-40 sur la presta. Ok. Pour moi, après, c'est vrai que toi, tu craftes pas toi-même en plus. C'est peut-être ça qui joue aussi, je non? Je crafte pas moi-même déjà. Ouais. De 1. Après, je pourrais le faire, mais il faudrait juste que j'investisse le temps. Tu vois. Oui, non, mais c'est pas un jeu en du tout. Hein, En fait, j'ai juste pas envie d'investir le temps parce que j'ai la flemme. C'est chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est pas une justification, c'est juste un fait, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Et moi, tu vois, par exemple, en tout cas pour moi, quand je juge une prestation, ou si je devais juger une prestation parce que j'en ai jamais fait, ouais. Donc, je peux pas vraiment me permettre parce que j'ai pas d'expérience là-dedans, mais. Pour moi, c'est vraiment du 50-50, c'est-à-dire que dans cosplay, t'as cos et play. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord, hein, y a pas de souci. Donc, c'est vraiment 50-50 du mot, donc faut pas différencier. Ok, la partie costume, c'est une partie qui est essentielle, parce que c'est ce qui demande le plus de temps, c'est ce qui demande le plus d'investissement financier, très largement. Mais la partie play, enfin, je sais pas, enfin si tu moi je rejoins mon aspect du Joker. Si tu prends le Joker et si tu prends un Joker qui fait que rigoler ou se taper des barres enfin ou être joyeux, tu vois, je fais ouais. Mais non, c'est pas le personnage. Ouais, j'entends, il y a pas de problème. Hein. Mais moi je joue vraiment en 50-50. Après je comprends que les créateurs veulent mettre en avant plus un 80-20 oui. Ou un 90-10, mais c'est une partie qui est inhérente et obligatoire dans le cosplay, c'est qu'il y a du roleplay derrière. Mmh. Oui, bah c'est un déguisement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Parce que justement, moi, c'était une des questions que j'avais sur quand je suis revenu du taf pour le podcast. C'est sur le trajet, je me disais, c'est à quel point la théâtralisation du personnage est importante ou pas, quoi. Est-ce que c'est selon le cosplay, enfin selon la personne, les envies ou... Bah après, c'est selon l'appréciation de chacun, j'ai envie de te dire. Mmh. Parce que comme je te dis, pour moi, la théâtralisation va être beaucoup plus importante que les fignolages du costume. Enfin, à la limite, si t'as pas fait ton ourlet correctement, moi je m'en fous complètement. Si tu veux, j'y connais rien et c'est pas ça que je vais regarder. Mais ça dépend complètement des gens, c'est complètement subjectif en fait. Tu vois, par exemple, j'en reviendrai avec Chris, Gats Cosplay, si, pour ceux qui le connaissent, qui est sur Bordeaux. Il a souvent, très souvent été juge quand il était invité en convention, notamment à l'international, mais aussi en France. Et il me disait, moi, il y a plein de fois où j'ai eu des costumes qui étaient dégueulasses, mais la presta était tellement bonne que je mettais des points bonus sur le costume, parce qu'il y avait pas la jouait bien, le personnage. Oui, parce que le personnage était tellement bien incarné, la prestation était tellement bien choisie, il n'y avait rien à redire, quoi. Et du coup, ils sont obligés de mettre ça en exergue. Et donc, t'es pas obligé d'avoir un costume parfait pour gagner des concours, c'est faux. Faudrait faire des équipes en fait dans les concours à ce moment-là. Celui qui fait la presta, celui qui fait le costume, parce que c'est vrai que moi dans mon cas, les presta c'est pas possible. Après j'ai du coup, c'est énormément ça. De mal déjà à trouver des idées. La dernière prestation, j'ai eu du mal à trouver des idées et au final, j'avais une amie qui était dans le jury et elle m'a dit mais je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Donc c'est vrai que aussi surprendre, mais faut trouver d'idées quoi. C'est terrible. Ça, est-ce que finalement il faudrait pas deux types de concours, un vraiment incarner le cosplay? On accepte tout type de costume acheté, prêté, fait maison, loué, bat les couilles. On juge vraiment uniquement l'incarnation du personnage. Et un type où on y va un peu plus en mode, faites juste un peu pose, mannequinat, mais oui. Vraiment costume, fond en comble, limite, pourquoi pas des questions, comment tu l'as fait, machin et tout, en mode très, très crafter, quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs prix généralement dans un concours cosplay. Oui, t'es quand même obligé de tout faire. Donc, c'est le problème, quoi. Ouais, parce que oui, c'est vrai que... C'est que t'es obligé de faire ton truc toi-même ou te le faire acheter un truc. Enfin, en gros, t'es obligé d'être un minimum talentueux dans les deux catégories pour un peu vouloir pas trop te faire chier. Être cosplayer, c'est être multicasquette, hein, de toute façon. Oui, non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de réparer ton cosplay si on te le casse. Oui, oui, oui. Il faut que tu sois capable, justement, d'incarner ton personnage. Donc, du coup, il faut que tu saches faire du montage si tu dois faire quelque chose de visuel. Oui, mais par exemple, Marie qui aime pas trop, du coup, le côté, pas trop incarné, mais qui peut pas aller au point de faire une prestation, bah, du coup, elle est un peu bridée sur les concours parce qu'elle est obligée de se taper une prestation, quoi. Dans ce sens-là, c'est ça que je veux dire. Oui, après, c'est pour ça qu'il y a des prejudging aussi. Oui. Voilà. Faut savoir que dans les concours cosplay, en général, même si le concours commence qu'à 18h dans une convention, en général, les cosplayers ont rendez-vous à 14h, oui, c'est ça, ouais. 13h pour commencer à passer au prejudging. C'est-à-dire que vous retrouvez dans un coin particulier où en fait les juges analysent vraiment. Ok, ça, je connaissais pas du coup cet aspect du tout. Okay. C'est, ouais. Donc en gros, c'est tu viens avant et t'es genre dans une petite pièce un peu casting dégueulasse. C'est ça. Et ils sont en mode, ils regardent chaque ourlet, chaque fille qui dépasse, voilà. Et ils jugent quoi. Et c'est là où ils jugent vraiment le cosplayer. Okay. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans cette phase de prejudging qu'ils vont juger ce que t'as fait. Je vois. Et sur scène, ils vont juger ta presta. Ouais, ok, je vois. C'était pour. Parce que, effectivement, sinon, c'est compliqué, quoi. Ta presta était décor. Parce que, oui, coup, bah oui, évidemment. Scène, oui. Décor. Évidemment. Ok. Tu peux rajouter quelque chose? Non, mais je voulais dire qu'effectivement, avec Arthur, on n'a pas trop connu ça, le prejudging sur les costumes. Moi, j'ai jamais fait des gros costumes. Après, on a fait qu'une seule et même convention pour les concours, donc ils passaient vite fait, etc. Mais pour le dernier que j'ai fait, ils regardaient quand même. Un petit peu au point qu'il y a un des jurys qui m'a fait c'est bien, tu t'es fait les sourcils. Je fais alors non, c'est mes sourcils naturels. Donc il regarde à ce point-là en fait le détail, ouais. Donc c'est presque gênant en fait. Ouais, après, donc, malheureusement, c'est le jeu par contre pour le coup. C'est... Ouais. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir aussi une sorte de voyeurisme un peu malsain dans les concours, tout ça? Dans le public, je pense que oui. Dans les jurys, le public, oui, c'est indéniable, ça arrivera. Mais du coup, dans le jury, est-ce que des fois, il peut y avoir. Il y en a qui ont le recul nécessaire ou tu vois. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, hein, si jamais. C'est terrible ce qui se passe. Qui ont le recul nécessaire. En général, sur le jury, c'est pas n'importe qui juge. En général. Enfin, dans... Ouais, mais là, on parle... Enfin... Dans les gros concours, oui, les je gros... pense que c'est OK. Dans les gros concours, j'espère que dans les gros concours c'est impossible que t'aies un random dans le jury. Déjà. Oui. Après, malheureusement, des fois, il y a des non-randoms qui sont vraiment là, juste en mode... Après, il y a des mecs qui sont non-randoms et qui connaissent rien et qui sont là quand même, tu vois. Oui, oui, oui, oui. Oui. Mais... Non, en général, c'est rare quand il y a quand il y a des sous-entendus ou des trucs comme ça qui sont assez cringe sur des gros concours. Après, sur des conventions plus indépendantes, ça peut arriver. Et bah justement, c'est bah moi du coup j'étais jury cosplay du coup en 2000. C'était quoi il y a 3 ans, 2017, 2016, donc Dijon Sayton. Donc c'est l'année où ils ont fait des concours cosplay spécifiques. Donc il y avait un concours cosplay jeux vidéo, un concours cosplay série, un concours cosplay général. C'est celui qui a duré super longtemps, ça. Bah non, oui, c'est du coup, pas oui. L'année où... Il y en avait 25 000, en fait. En fait, il y avait genre quasiment horrible. Que ça toute la journée, quoi. Oh, mon Dieu. Et donc, c'est l'époque où j'étais encore président d'association typée dans le jeu vidéo. Et ils avaient invoqué, évidemment. Ils avaient invité... Invocation. Du coup, bah, les trois présidents des associations de jeux vidéo présents pour être, en gros, ceux qui donnaient le coup de cœur du jury, en gros. Et donc, on était trois à y aller. Et du coup, devant une ou trois, j'étais le seul, j'étais le plus jeune, on va se mentir, j'étais le plus jeune, et le seul qui avait fait un peu de cosplay, qui était un peu aguerri, enfin aguerri, je suis encore avec des grosses guillemets, connaissances. En gros, qui s'intéressait un peu plus près que juste mater des meufs sur Instagram en cosplay, quoi, en gros. Ouais, okay. En gros, voilà, pour poser le décor. Oui, après, voilà, on y viendra après, vous inquiétez pas, le sujet qui fâche. Pas trop en parler. Hein. Voilà. Et donc, du coup, avec nous, heureusement, il y avait quand même un vrai jury, heureusement, il n'y avait pas que nous, hein, donc on était quand même, ça faisait quand même beaucoup de jurés, hein, presque 8 jurés, hein, ça fait beau. Après, nous, du coup, on n'avait pas, intervenait vraiment zéro dans le décision de cosplay, vraiment bon cosplay et prestations, donc c'est vraiment le coup de cœur du jury, donc en vrai, ça aurait pu être full random, quoi. Et du coup, bon, tout le monde passe, machin et tout. Mais par contre, il y a eu un niveau d'indécence et de beaufitude dans mes compagnons jurés avec moi. Donc, je ne dirais pas les assos, je ne dirais pas les noms, parce que bon, je ne suis pas là pour balancer. Mais c'était vraiment en mode, déjà, les mecs, ils ne les ont pas regardés. C'était vraiment niveau zéro. C'était... Enfin, il y a des prestations et tout. Hein. Il y avait eu des super prestations, notamment Vincent, qu'on connaît, qui avait fait son Guitar Hero 3 à l'époque. Grosse prestation, ultra lourde. Bah, il a gagné du coup le prix prestation. Donc, très très fort. Enfin, voilà, il y avait déjà du gros level à l'époque. Tu vois, 2017, c'était l'époque où, même Dijon, le level est stratosphérique, quoi. C'était hallucinant. Il y avait zéro amateur. Quoi. Vraiment, c'était que des cosplays de ouf, quoi. Et donc, voilà, tout le monde passe. Mais voilà, déjà, donc les mecs, eux, ils les regardaient pas. Donc, déjà, premièrement, en même temps, sans faire de préjugés rien, c'était vraiment le gamer dans son stéréotype cringe, quoi. Vraiment pas cool, quoi. Donc voilà, et donc moi je leur dis ouais mais machin et tout, mais toi ils m'écoutaient pas, ils s'en foutaient. Ensuite les meufs, si elle était pas filiforme, ils la regardaient pas. Donc voilà, donc on est vraiment sur tout ce qui n'est pas normal, c'est vraiment du jugement au physique, du jugement de valeur. Voilà, en gros ce qu'ils ont regardé c'est est-ce que la meuf était un peu jolie et est-ce que son cosplay était un petit peu suggestif, quoi. Okay. Parce que pareil, il y avait une Nikali de League of Legends. Je dis peut-être de la merde sur les persos. C'est là pareil. Akali, lance les fauves et tout. Nidalee, excusez-moi. Nidalee. Je suis vraiment pas aguerri dans League of Legends. Oh, t'inquiète. Pareil, cosplay de ouf, crafter la lance, on aurait une vraie et tout. Enfin, cosplay de ouf. Et donc, du coup, on a quand même réussi à trouver une gagnante. On était tous d'accord quand même. Pour le coup, où c'est, du coup, on la connaît, c'est Tinou avec son cosplay de Fire Emblem de Azura. Magnifique. Et que ce soit prestation, que ce soit tout, elle était full dedans. Là, il y avait rien à redire. Mais j'ai dû un peu leur forcer la main parce que eux, ils voulaient quelqu'un d'autre qui était un peu plus déshabillé, on va dire, un peu plus rincer l'œil, quoi. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de petites conventions où c'est en face, du coup, ils le disent pas en face, évidemment. Mais que je pense que par derrière, sans parler du public, bah malheureusement, bon, le public, on ne peut pas l'éduquer, il y en a beaucoup à cause des réseaux sociaux, des petits etc., sont là pour en se rincer l'œil. C'est ça que je pense que si le cosplay masculin est moins représenté au grand public, en tout cas. Il est moins visible, mais en vrai, en proportion. Ah oui, non, mais on en parlera justement. Mais il y a une énorme proportion de cosplayers. J'en doute pas du tout, hein, et c'est normal. Si en même temps, on les c'est voit normal. Pas, parce, oui. que, parce qu'ils sont pas poils. Bah, enfin, si, ils n'ont pas de boobs à montrer, voilà, quoi, déjà. C'est ça le problème. Mais on y reviendra. Et du coup, voilà, moi, j'étais ultra choqué de mes camarades jurés et présidents d'associations de jeux vidéo parce que vraiment ils étaient en mode main dans le, enfin ils étaient pas, mais c'était comme si c'était main dans le falzar en Marseille avec une Heineken à la main, quoi, il y a pas de souci. Alors que moi, enfin alors que après je veux pas me mettre en mode je suis un génie cosplay, mais avant de juger du coup, bah par exemple bah pour Tinou, elle a fait elle-même le médaillon du coup d'Azura. Et je lui avais demandé si c'était possible que de voir au moins le médaillon, comment elle l'avait fait. Et c'était impressionnant parce que même de près, bah pour moi, c'était un bijou. Alors que c'était... Enfin, je ne connaissais pas le matériel. Elle est très, très perfectionniste. C'est impressionnant. Costumes, c'est dommage. Elle a arrêté là. Du coup, peut-être qu'elle reprendra un de ses quatre. Parce qu'elle me dit, je la vois souvent. Hein, ouais. Elle a des costumes qui sont en cours, qui ne sont pas finis. Mais c'est vrai qu'elle n'en a pas fait beaucoup. Mais elle a fait vraiment des perles. Ils sont vraiment propres. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui mérite de gagner. Après, tout le monde mérite de gagner, hein. C'est pas le problème, hein. c'est pas ça. Mais voilà, c'est que j'espère que c'était un cas isolé. C'est tout ce que j'espère. Malheureusement, non. Je pense que non. Non, clairement, mais... c'est souvent ça, on va pas mais se cacher. Mais dans les petites conventions, je pense. Quoi. Ouais, et puis entre les jurys qui connaissent telle personne qui passe, etc. Alors maintenant, ah bah ça, les problèmes de copinage, normalement, quoi. Ils disent on prend plus en note quand c'est des copains qui passent, etc. Ouais, mais c'est facile mais à dire. Entre ce qu'ils disent et ce qui est vrai... C'est facile voilà. À dire. Moi, j'ai eu, en tant que participant, du coup, à la fameuse convention où j'ai eu le prix coup de cœur, j'ai eu le prix, mais j'ai pas eu le lot qui allait avec le prix. Ils l'avaient filé à leurs potes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su le lendemain, par exemple. Mon Dieu. Et voilà, c'est. Après, je m'en fous du prix, moi. Je n'étais pas là pour les lots. Enfin, vraiment, je m'en branlais. Mais ça fait chier pour de les ça. Les lots, surtout. Donc, là-bas, c'était pas des choses vraiment intéressantes pour. Bah, justement, si, là, pour le coup, c'est... je me suis assis sur une figurine à 200 balles quand même. Hein. Ah vraiment, ouais, d'accord, ok. Mais c'est encore super, une fois, c'est. Sympa. C'est. Je m'en foutais du lot, tu vois, c'était ça le problème. Limite, on m'a averti, genre, on préfère le filet machin et tout. Je m'en fous, mais c'est plus en mode, bah, c'est notre pote, du coup. On a fait ça de façon loose day pour la filer à quelqu'un d'autre, c'est pas cool quoi, c'est pas cool. C'est après le copinage dans tous les domaines pareil, c'est ça le problème. Du coup, pour en revenir un petit peu au cosplay pur et dur, donc il y a eu toute l'explosion du cosplay. Est-ce que maintenant le cosplay, c'est pas un petit peu retombé par rapport à une certaine époque où il y a eu énormément de monde? Bah, déjà Covid. Oui. Mais même avant 2020, je parle. Même dans les deux dernières années, enfin moi c'est ma vision où j'ai l'impression que c'est un petit peu retombé. Après, c'est ma vision un peu d'extérieur, évidemment. Alors, c'est pas retombé, c'est juste que ça devient... C'est pas aussi populaire que ça l'était avant. Okay. D'une part, parce que ça s'est démocratisé, et du coup, les algos des réseaux sociaux font que c'est devenu complètement banal. Évidemment. Donc, du coup, ça a plus l'aspect exceptionnel et putaclic que ça pouvait avoir avant. Mmh. Du coup, c'est moins visible qu'avant. Mais pour autant, c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Mais ça enlève en rien le fait qu'effectivement, c'est moins populaire dans le sens où c'est moins visible. Ouais. Mais c'est... populaire dans le sens où il y a énormément de monde qui s'y intéresse et s'y mette, ouais. Mine de rien. Ouais. Et du coup, est-ce que finalement, le fait que ce soit un peu moins médiatisé, mis en avant, la communauté n'est pas un petit peu plus saine? Parce qu'il y a moins un petit peu de jeux... Oula ah, oula. On voit les gros yeux. Oula. Je vais la boîte de Pandore, je crois. Je crois que t'as ouvert un... Il y a quelque Attends, chose qui ne va pas ouvrir. Avant de continuer, oui. On va revenir un peu sur ce qu'il disait avant. Alors... Moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait où ça soit encore aussi populaire qu'avant, le cosplay. Tout simplement parce que notre génération qui a vieilli, hein, les personnes qui ont commencé comme moi en 2009, comme nous, voilà, eh bien, c'est des personnes qui vont commencer à faire d'autres costumes qui ne sont pas liés aux mangas, aux animés. Parce qu'il faut savoir que clairement, moi, toutes les personnes que je rencontre, ils disent « Oh, tu te déguises comme les mangas ben, ». C'est comme les mangas. Les gens, dans leur tête, c'est cosplay, c'est manga. C'est non, ancré rien, dans non, leur cerveau, la phrase en va pas, fait. Vraiment, voilà. Non, mais voilà. Base, hein. c'est... Moi, on me dit ça, clairement. « Oh, t'as une tête de manga, tu dois faire du cosplay. » Mais en fait, tête de manga, non, ça va. Génial, t'as une tête super. De manga. Toi, t'as une tête de manga là. Et Pikachu. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait que notre génération à nous, alors on n'a pas beaucoup d'années d'écart hein, pourtant, mais ça se oui, ressent non, quand même. Les années, dans... c'est les enfants des années 90, quoi. Voilà. Et nous, on s'oriente plus sur des costumes de série, beaucoup plus appliqués, avec bah, des photoshootings, etc. Que pour avoir côtoyé ceux qui sont un peu de la nouvelle génération dans mon association. On avait une qui en fait et qui a quand même 10 ans de moins que moi, donc ça fait quand même voilà, une grosse voilà, différence. 30 ans, quoi. Hein, voilà, de moins. Oui, oui. Super, c'est terrible. Gentil. Et on voit que eux, c'est plus manga, ils vont faire des petites photos, bah, comme on faisait avant dans notre chambre, etc. Et eux, ouais. Ils vont quand même popper, mais pas comme nous, en fait, on a pu popper. Je pense que le cosplay, c'est en descente totale actuellement pour moi. Mais après, c'est, en mode, c'est... Tu parles de ça en mode directement, ils sont médiatisés, entre guillemets, parce que du coup, ils ont les réseaux à portée de main, non? Ouais, et puis ils partagent tous, ils parlent avec tout le monde, ils sont super sociables, hein, les jeunes. Ouais, mais non. Parce qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux dans les mains. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, on est des sauvages, en fait. On a encore la CB dans le garage et tout, nous, vous ne savez pas. A, mais... En moyenne, on a 24 ans ici, pour faire la moyenne, en gros. Bah, oui, on a... Enfin, c'est pas pour faire le vieux con ou le boomer, ou etc. C'est que, bah... Ok, boomer. Ok, boomer. Non, mais moi, je suis pas du contre l'évolution, au contraire. Moi, je suis pour l'évolution, c'est qu'il y a des plateformes que je comprends pas encore, et c'est là où je suis senti vieux. Par exemple, TikTok, je passe à côté. Pareil. Mais j'ai pas le jugement de valeur dessus, c'est que je sais qu'il y a des très bonnes choses sur TikTok, c'est juste que bah, c'est une plateforme sur laquelle je passe à côté sur l'utilisation en tant que telle, plutôt sur le contenu, parce que le contenu, c'est pas la plateforme qui le fait, c'est les gens qui l'utilisent. Alors, c'est marrant parce que moi j'ai le même problème avec Instagram, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Mais pareil, Instagram, c'est pas une plateforme que j'utilise. Moi je suis un vieux, moi j'utilise quasiment plus Reddit parce que ça ressemble à des forums. Moi je suis resté là-dessus, les gars. Reddit, ça existe encore ça? Bah, bien sûr que ça existe encore. C'est l'une des plateformes numéro 1 réseau social, donc Reddit, trop bien. Enfin bref, on a tous nos affinités, etc. C'est les plateformes, c'est les gens qui en font ce qu'elles font. Après, c'est utopiste de dire ça parce que c'est pas la vérité, mais j'aimerais bien que ce soit ça. Mais. Les plus jeunes, en tout cas, ont grandi avec des réseaux sociaux. On en pense ce qu'on veut, bien ou mal, etc. J'ai pas d'enfant, donc j'étais pas à moi de juger les gens qui ont éduqué des parents, etc. Donc voilà, si tout le monde est heureux comme ils sont et en sécurité, c'est l'important, bref. Mais du coup, voilà, forcément, ils ont l'accessibilité, déjà, bah, du coup, à le faire plus tôt, à le faire peut-être mieux d'un coup, pourquoi pas. Et surtout, bah, c'est que, bah, ils ont été souvent, je pense, ils ont peut-être pas eu le même déclic que nous, ou moi, j'ai voulu faire du cosplay, en tout cas, parce que je voulais vraiment me déguiser comme un personnage d'anime. Moi, j'ai même pas vu de vrai cosplayer, je pense, en faire du cosplay. J'étais vraiment en mode, bah en fait, j'aimerais bien me déguiser comme cette personne, juste comme ça. Et après, moi, j'étais embarqué, etc. Donc, tu vois, c'était un peu dans ce délire-là. Alors que je pense que, en majorité, maintenant, c'est plus, ils suivent des cosplayers qui existent. Et à ce côté, un peu influence, en mode, je veux faire comme les gens que je suis, peut-être. Hein, je pense que c'est par groupe, comme nous. Ouais. Et par groupe. Donc, il y a ceux qui font parce qu'ils ont envie de se cosplayer. Oui, bah, évidemment. Pour le même personnage d'animé, de manga. Et il y en a d'autres qui disent, putain, les gens, ils gagnent des sous avec ça, je vais faire pareil. Ah, voilà. Bah, ça, c'est toujours le problème. Donc, est-ce que je peux rentabiliser mes passions? C'est exactement ça. C'est comme, Internet. J'ai une réponse, c'est que si vous commencez pour l'argent, il y a très peu de chances pour que vous le fassiez soit bien, vous pouvez réussir, hein, tout le mal que je vous souhaite. Il n'y a aucune mauvaise chose à vouloir financer ses passions. Si un jour Animinute devient un truc qui rapporte de l'argent, je vais pas cracher dessus. Hein. Je vais exporter le modèle, hein. Et je vais racheter c'est des terrible. Milliers. C'est après bon. Oh là, et attention. Un Big Mac. Je vais contrôler le monde. Le jour où le podcast sera rentable en France, ce sera un miracle, hein, vraiment. Déjà qu'en Amérique, c'est de la coprécaire. Enfin bref, j'ai rarement fait des choses pour que ce soit les guides faire de l'argent. Enfin, pour preuve, j'ai créé deux jeux de société que j'ai juste filé gratos sur Internet. J'ai écrit un bouquin entier qui s'est juste transformé, que j'ai filé et créé en podcast gratuit sur Internet. Enfin, moi, j'ai des choses que j'ai juste envie de faire comme ça. Mais encore une fois, si je suis pas là pour juger les gens qui font de l'argent, c'est normal de vouloir vivre de sa passion. Mais il y a le mot passion dans vivre de sa passion. Donc, si passion devient travail, c'est plus vraiment une passion. Moi, c'est mon point de vue. Je suis moyen d'accord. Je suis moyen d'accord aussi. Moi, en fait, si tu veux, par exemple, je vais partir du principe, tu vois, je fais de la photo. Je m'y suis mis récemment. Et pour moi, c'est vraiment une passion, tu vois. Et j'ai beaucoup de gens avec qui je discute pour apprendre déjà la photo qui me disent, bah, tu vois, en ayant fait mon activité principale, je perds ce côté passion, tu vois. Ouais. Dans le sens où je dépends vraiment de ça. Et le fait de dépendre de ça, bah, je prends plus de plaisir à le faire. Ah oui, mais ça, du coup, c'est quelque chose de très personnel parce que moi, j'entends, c'est que bah, avec Yannick, on a été très longtemps sur un site de jeux vidéo en tant que rédacteur, journaliste, etc. Certes, pas payé. Je dis pas le contraire, on n'était pas payé, c'était bénévole, mais on a quand même. On avait énormément de jeux. On était rémunéré en jeu, quoi. Pas vraiment, entre guillemets. On va pas se mentir, on a passé vraiment 6-7 ans à ne pas acheter de jeux quasiment. Mais tu es rétribué, quoi. Donc, oui, voilà. Oui, après, c'est. Voilà, donc on pouvait pas non plus trop se plaindre, on était en études à côté, c'est pas comme si on dépendait de ça. Mais il y avait quand même ce côté, le travail d'une passion. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait beaucoup dégoûté. Après, c'était peut-être plus de la façon de faire et du média, mais c'est vrai que le travail devenait une passion. Mais là, actuellement, je travaille dans ma passion. Bon, là, je me reconvertis encore d'autres choses. Mais c'est jamais le fait de travailler dans ma passion qui m'a dérangé, c'était plus le cadre autour. Tu vois, c'est au contraire, c'est que je ne vois pas travailler dans autre chose, quelque chose qui ne me passionne pas, au contraire. Mais après, je comprends le point de vue. C'est que, par exemple, je pense qu'il y a une certaine limite dans quelle passion qu'il y a. C'est par exemple, je ne pourrais pas devenir vraiment salarié en tant que testeur de jeux vidéo. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose que je pourrais pas, du coup. Et après, peut-être parce que, du coup, après, parce que juste, je suis pas juste payé à jouer aux jeux vidéo. Moi, je pense que streamer, littéralement être payé aux jeux vidéo, si après, outre les problèmes psychologiques de l'instabilité financière et tout, que je supporterais pas, et bah, si j'avais un CDI signé avec 1500 euros par mois à jouer aux jeux vidéo, juste ça, sans rédaction à côté, bah, c'est con, mais par contre, je le ferais. Oui, mais je comprends complètement. Voilà. Mais ça, c'est des choses très personnelles, tu vois. C'est... Mais c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de très personnel de voir. Le travail dans sa passion, c'est qu'il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça, c'est autre chose. C'est plus la façon de débuter pour moi qui, je pense, est universelle, où si tu commences avec forcément comment je rends rentable ce que je fais, et bah c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Tu peux espérer que ça se devienne rentable, mais pas forcément tout faire des déclencheurs pour... En fait, il faut pas tout faire en sorte que ce soit rentable. Exactement. Il faut faire en sorte que les gens aiment. Et si les gens aiment, après, effectivement, tu pourras faire... Faut pas faire en sorte que les gens aiment ton contenu, faut faire ton contenu et attendre que les gens viennent pour le voir ce qu'il y a en tant que tel, quoi, en gros. Faut pas se prostituer, bref. C'est ça, c'est... Voilà, c'est... Soyez vous-même quand vous faites quelque chose. Vendez pas vos fesses. Ça, c'est... Soyez vous-même. et dans tous les cas, bah... C'est... Quand ça marchera, ça marchera. C'est... Rien ne viendra en 2 mois. Soyez patient. C'est tout pareil. C'est... Si vous êtes passionné, moi, j'ai un credo qui dit que les gens passionnants interagissent les gens passionnés. Donc, il vous aura forcément des gens qui viendront vous voir si vous êtes passionné. Et juste, ça prendra peut-être... Vous aurez peut-être la chance de le faire en 2 semaines. Il y en a qui percent en 2 semaines. Bravo à vous, ça arrive. Il y en a qui percent en 6 ans, il y en a qui percent pas en 10 ans. Mais tant que vous faites plaisir, c'est important, quoi. C'est tout. C'est, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est, de loin, mais je pense que c'est par exemple pour cosplay. Si vous lancez dans le cosplay ou si vous en faites encore, si un jour c'est un fardeau pour vous, arrêtez. C'est aussi bête que ça, quoi. Peu importe la raison. Bah, de toute façon, quelle que soit la passion, du moment où il y a un aspect où il faut faire une balance, en fait, un équilibre. Oui, c'est ça. Du moment où cette passion vous rapporte plus de mal que de bien, stop, arrêtez, ça sert à rien. Prenez soin de vous, les gars, c'est tout. C'est hyper important. Et du coup, voilà, c'est, bah, vous êtes en pause slash arrêt de cosplay, tous les deux, enfin voilà, c'est assuré, quoi. C'est, en tout cas, vous êtes beaucoup moins dans le domaine qu'avant. Enfin, dans le domaine de vous-même. Vous avez toujours plein de contacts dedans, vous participez peut-être beaucoup quand même à des choses comme ça. On est toujours dans la communauté de près. Ça, j'en doute pas. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait un peu freiner, en tout cas lever la pédale sur le cosplay ? Est-ce que ça vient de la communauté de problèmes ou plus de votre évolution de vie avec votre rythme de vie, l'argent, moins de passion ? Est-ce qu'il y a vraiment un facteur ou est-ce que c'est venu naturellement ou un peu vous avez fait le tour du cosplay ? Qu'est-ce qui vous fait freiner quoi, le cosplay quoi ? Alors, tu veux... En ce moment, en tout cas, parce que ça se trouve, vous allez reprendre à balle dans 2 ans, on ne sait pas, mais en ce moment, en tout cas. Alors, dans mon cas, c'est plus un peu une pause slash arrêt, je ne sais pas trop. Après, actuellement, c'est plus niveau financier, motivation aussi. Alors, financier, parce que ça coûte quand même d'acheter du tissu, des perruques, etc. C'est vrai que ça fait quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, que je recycle beaucoup mes perruques, des costumes que j'avais déjà. Mais bon, au bout d'un moment, c'est plus possible. Quand tu fais que recycler, après, il n'y a plus de matière. Tu ne sais plus quoi faire, clairement. Et puis aussi parce qu'il n'y a plus de personnages qui m'intéressent. Je ne suis pas les nouvelles sagas que vous pouvez regarder, comme la série que vous parliez tout à l'heure, le My Hero Academia. Je regarde beaucoup de vieilles séries que les personnes ne vont pas connaître, en plus de ça. Et non, je suis moins intéressée et je suis devenue plus perfectionniste. Du coup, je travaille plus longtemps mes costumes, je prends plus le temps, je les imagine énormément plus avant de les commencer. Donc, ça joue quand même beaucoup sur ma production. Ouais, après, du coup, t'en fais moins, mais des plus. T'es plus fier en tout cas. C'est quoi. Ça. Puis la communauté, si tu sors pas un costume toutes les semaines, ça t'arrête. C'est la fin du monde pour eux. C'est de la merde, ça n'existe plus. Oh là là, ta jupe, elle est trop longue. Mais vous faites chier en fait. T'es pas content, Internet, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. La régulation sur Internet, c'est abusé quoi. Ça devient toxique. Et après, c'est vrai que ça peut devenir maladif de se dire oh merde, il y a une nouvelle convention, il faut que je sorte un nouveau costume. Mais attends, meuf, t'as fait 3 costumes, t'en as mis que 2. Pourquoi tu ne mets pas le 3e ? Maintenant, il est trop vieux, je l'ai fait il y a 3 mois. voilà, donc. Non, mais c'est pareil avec les jeux vidéo en stream par exemple. C'est que, là par exemple, pour ce moment, la mode c'est Among Us, Fall Guys, etc. Pour les gars, c'est con, mais là, déjà en ce moment, même Among Us, c'est déjà retombé, c'était il y a 3 semaines. Hein. Et c'est le problème d'Internet, c'est que Internet, la date de péremption, elle est ultra courte, quoi. Donc, Le cosplay vit un peu à travers Internet aussi, malgré tout. C'est ça, tout à fait. Et puis, vu qu'il n'y a plus énormément de. Je trouve qu'il n'y a plus de nouveautés qui tapent comme il y a eu comme Attaque des Titans, la période Naruto, et c'est pas la même chose niveau cosplay, je parle, hein, personnes vont produire, pas au niveau animé. C'est vrai que les gens ils vont kiffer les regarder et tout, mais il va y avoir moins de personnes qui vont dire bah tiens, je vais faire le costume de ce nouveau personnage ou ce personnage. On en voit beaucoup moins en fait. C'est... Est-ce que c'est parce que la communauté c'est pas un peu plus tassée, où il y a peut-être moins de nouveaux arrivants, ou je sais pas. Bah, et puis. Parce que les animes ils marchent comme à balle. Les animes c'est comme la mode partout, il y a de plus en plus de gens qui regardent des animes. My Hero Academia, c'est un succès interplanétaire, après, par exemple. Après, faut se dire que les nouveaux animes qui sortent un épisode par semaine, je pense que ça doit se faire, hein, certains. Tous. Mais les, voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout, en fait. Tous. Je suis totalement à l'ouest. Mais et ben, les gens, ils vont, y en a beaucoup qui achètent leurs costumes et ils vont attendre que les costumes soient produits pour pouvoir les acheter aussi. Donc, ça fait énormément. Donc, chez... Non, toxique. Okay. Toxique. Donc, la communauté a quand même beaucoup joué un peu dans ta décision, malgré tout. Ouais, moi, c'est... En vrai, c'est ma communauté à moi, non. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, oui. Et en fait, c'est fatigant parce que j'ai plein d'autres hobbies à côté. T'as pas besoin de ça pour te... Voilà, j'aime bien streamer un peu, jouer aux jeux vidéo. Des fois, je vais avoir des périodes où je vais jouer. Dès que je rentre du travail, je vais jouer H24. Il y aura que ça. Puis il y a des périodes où je vais pas aller sur le PC, je vais coudre un peu. J'ai pas envie de me faire un emploi du temps de hobby. C'est impossible. Je fais ce que je veux. Faites-vous kiffer. Enfin, c'est toujours les hobbies, c'est là pour se faire kiffer, c'est tout, quoi. Et toi, Rémi, du coup ? Et moi, de mon côté, ce qui m'a fait arrêter le cosplay, c'est pas... En fait, je l'ai pas vraiment arrêté dans le sens, c'est que j'ai arrêté d'être cosplayer. Oui, non, mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment de se déguiser soi-même, quoi. Voilà, c'est ça, vraiment, ma question. Ce qui m'a fait arrêter ça, c'est pas un manque d'envie, de motivation, c'est juste que je me suis focalisé sur autre chose. C'est la photo, ouais. C'est un manque de temps, et je me suis remis à la photo. Serious Pic sur Instagram, si vous me cherchez. T'inquiète pas, les pubs, c'est à la fin, il y a tout ce qu'il faut. Et en gros, ouais, je me suis concentré sur la photo. D'une part, pourquoi ? Je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Et je me suis rendu compte en fait qu'en tant que cosplayer, en fait, les gens aimaient mon personnage, mais pas forcément moi, au final. Oui, j'entends. Ouais. Contrairement à ce que je suis moi, c'est que j'aime bien me mettre en avant les autres. Ouais. Et du coup, être moi cosplayer, c'est me mettre en avant moi par rapport à d'autres, ce qui au final correspondait pas à ma personnalité. Mmh. Même si j'aime bien le faire. Ah oui, non, mais j'entends. Montrer toujours les phases de ma personnalité là-dessus, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux rester dans le monde du cosplay, me faire kiffer, parce que je suis un technophile averti depuis des années maintenant. Et en plus de ça, mettre en avant les autres, parce que j'adore mettre en avant les autres à ma façon, en tout cas. Oui, bah oui. Ben, je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est la photo. Ah, c'est tout le cosplay, Et du coup, je me suis donc passionné par la photo. Et j'ai trouvé énormément d'avantages là-dedans. D'une part, déjà, j'ai plus à subir, je dis subir, mais c'est un peu ça au final, subir les actes toxiques que peuvent avoir une communauté ou une communauté d'un autre cosplayer qui par le fait que tu te sois fait bâcher par ce cosplayer, viennent te spam. Et il y a beaucoup de cosplayers qui étaient cosplayers avant, qui sont passés photographes, parce qu'ils n'en pouvaient plus de cosplayer, qui voulaient rester comme ça. Ouais, ils veulent rester dans l'univers, mais plutôt pour... C'est à la base, c'est censé être ça. C'est pour ça que qu'il y a eu des communautés de cosplay, c'est pour l'aspect communautaire. C'est intéressant aussi. Pas le but. Mais du coup, tu vois, en me mettant sur la photo, par exemple, j'ai enlevé complètement cet aspect-là de trash talk et juste à mettre en avant les autres. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Et c'est ça qui me fait kiffer quand je fais des photos. Pour le moment, je ne fais pas payer parce que j'estime pas avoir le niveau encore pour estimer. Oui, après, ça, c'est quelque chose c'est au choix personnel, de toute façon. Mais après, effectivement, c'est quelque chose. Ce qui me paye, c'est le plaisir que les gens ont à voir à quel point ils sont beaux. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma photo, c'est pas de rendre les gens beaux, c'est de montrer aux gens qu'ils sont beaux. Oui, c'est ça. Bah, c'est le principe de la photo, normalement. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je la perçois aussi, la photo. C'est ça. Mon but, c'est pas d'arriver, de passer les trucs sur Photoshop et les déformer complètement pour les rendre beaux. Les gens sont beaux, mais il faut juste montrer comment ils sont beaux. Voilà. C'est ça qui me passionne, en fait. Ok. C'est juste par. C'est pas une volonté d'arrêter le cosplay, c'est une volonté de faire autre chose. Ok. Alors, on va terminer la partie de ce podcast, en général, la partie cosplay, sur une petite question qui me trotte un petit peu. On va faire court, hein, parce que c'est un sujet très à débat et un peu compliqué. C'est la montée, un peu, du coup, de la sexualisation des cosplays. Donc ça c'est très touchy. Là on va parler de tout l'aspect OnlyFans, etc. Exactement, c'est là où je veux en venir, c'est que alors moi Alors, j'allais dire, j'adore Odin Fan. Oula. Moi, je suis abonné. Moi, je suis plat de tir à 10 personnes. Mais après, encore une fois, c'est que moi, je suis pas consommateur du tout de cette plateforme. Mais je suis quelqu'un qui défend, par contre, beaucoup les TDS, donc les travailleuses du sexe et tout, etc. Où tant que c'est choisi, voulu, compris, encadré, en tout cas, enfin, fait en connaissance de cause et de volonté, chacun fait ce qu'il veut. Et s'il le rémunère, tant mieux. C'est une façon de voir les choses. J'ai fini, Marie, parce que je te vois charger ta barre de super. Charge, fais des chopes d'argent pour charger ta barre de super et je te reprends après. J'espère ce smash là. Pas forcément chez les femmes, hein, je parle vraiment chez toute personne, masculine, féminine, chez toute personne, de toute orientation, de tout genre, il n'y a aucun problème. C'est, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il est conscient de ce qu'il fait et qu'il le fait sous aucune pression. Parce qu'évidemment, après, sinon, il y a toutes les dérives, etc. Mais si quelqu'un fait de lui-même un OnlyFans, imaginons demain, je veux, d'un coup, je me dis, moi, ce que je veux faire, c'est un OnlyFans. Là, on parle vraiment d'OnlyFans vraiment dans le terme sexuel, dans le terme érotique en tout cas. Parce que les OnlyFans, faut pas oublier que OnlyFans à la base, c'est pas forcément pour ça. Il y a également des créateurs qui, tout autour du contenu, c'est un système de créateurs comme Tipeee. Mais là, on va parler du coup de la majorité émergente d'OnlyFans, de l'érotisme, du sexe en fait, en gros. Imaginons, moi demain, en fait, je me découvre que j'aime poster des photos de moi en dénudé sur internet et tout. Et ça peut arriver, on sait jamais. Et je me dis, plutôt que de le faire un peu gratos sur Twitter, pourquoi pas le faire sur OnlyFans où de 1, je suis rémunéré ou non, mais surtout où c'est un peu plus contrôlé, privé, etc. Je mets au courant toutes les personnes que je dois mettre au courant pour que ça ne blesse personne. Un peu mon entourage, ma copine, pourquoi pas mes parents, et encore, c'est tout à qui ça pourrait, entre guillemets, porter préjudice, parce que, évidemment, certes, c'est mon corps, mais je suis quand même lié à des personnes où, malgré tout, ça peut porter préjudice à d'autres personnes, et ce qui est normal. Je me cours en tout le monde me dit ok, vas-y. Donc, tout le monde est en connaissance de cause, je suis en connaissance de cause, j'ai voté pour elle contre, je fais, ça marche, je fais de l'argent, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? C'est une question que je pose. J'ai fait tout ce que je voulais de moi-même, j'ai mis au courant tout le monde, et je sais ce que je veux. Je peux me mettre du jour au lendemain, je ne dois rien à personne, et puis let's go. Et donne ton avis. Voilà, là Marie, tu peux y aller. C'est bon, je peux parler. C'est okay, de la super. Merde. Tu sors. Pardon, il fallait que ce soit court. Hein. Non, il n'y a rien de mal dedans. Oui. Clairement, pour moi, il n'y a rien de mal. Moi, ce que je trouve mal, c'est qu'il y a des personnes qui vont l'utiliser et à qui ça ne gêne pas de montrer leur corps parce qu'ils sont pas... Voilà, ça, ils s'en foutent, clairement. Oui, bah oui, et qui vont gagner de l'argent alors qu'il y a des personnes qui font de magnifiques photos de nus, etc. et qui travaillent. Et à côté, eux, ils vont gagner moins que ces personnes qui vont prendre un simple selfie avec un ring et hop, c'est fini, quoi. Ouais, mais le problème, du coup, c'est les gens qui proposent de contenu ou c'est les gens qui l'achètent? Parce que finalement, le problème, c'est plutôt les gens qui consomment le OnlyFans puisque les gens qui en postent dessus. Dans ce cas-là. Après, OnlyFans, pour moi, c'est, ça passe énormément par Instagram au niveau de la pub. On ne va pas se le cacher avec les cosplayers, évidemment. C'est terrible. C'est Twitter, très... Voilà. Enfin, je vous conseille une excellente vidéo du YouTuber qui s'appelle Incréatif, qui a fait une vidéo sur OnlyFans et qui a dit... Et en gros, cette vidéo, c'est comment fonctionner sur OnlyFans, en fait, avec des témoignages de consommateurs, de créateurs, créatrices. Et lui, c'est pas du tout un consommateur ou même, enfin, il parle pas du contenu à produire dessus, mais plus comment amener des gens vers son OnlyFans. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment sa vidéo. Donc, c'est incrédible sur YouTube. C'est très très qualitatif pour le coup. Du coup, je sais plus ce que je disais. Tu disais OnlyFans, les photos professionnelles propres. Oui, voilà. Donc, et donc à côté, t'as des selfies à ring avec un pauvre ring, et les personnes vont gagner plus que les personnes qui vont travailler la photo. Tout ça parce qu'ils passent par Instagram et qu'ils mettent quelques photos censurées. Les gens, quand ils voient ça, ils vont tout de suite y aller. Et puis, on va pas se le cacher. Instagram, qui est pour moi le premier à faire de la pub pour OnlyFans, toutes les personnes qui font de la pub là-dessus, t'as des lolicons, clairement, t'as des, oui, t'as des oui. pervers, etc. Oui, donc, c'est... je dirais pas que c'est devenu de la pornographie, mais des fois c'est vachement limite. Si, des fois, non, mais quand c'est... même. Alors sur Instagram, non. Parce j'aime pas. Sur Instagram, sur OnlyFans. Sur OnlyFans. Mais c'est de la pornographie sur OnlyFans. C'est le cas. Enfin, c'est... Ouais, c'est limite, a... quoi. Non, il y en a. Il y a vraiment de la pure pornographie à 100% dessus. Il n'y a pas de problème. Il y a eu débat d'ailleurs il n'y a pas longtemps là-dessus, je crois, non? C'est pas qu'il y a eu débat, c'est qu'il y a eu... Non, mais en fait, c'est le débat qui est sur Twitter il y a quelques mois, il était touchy, déjà parce que c'était sur Twitter, donc le débat Twitter, forcément, ouais, Twitter, c'est... En fait, le problème, c'était... le débat de base, c'était... Débat. La personne se plaignait que son copain n'accepte pas qu'elle fasse un OnlyFans. En gros, le débat, c'était ça de base, et c'est parti de ça en mode « Ouais, mais c'est son corps, ça sait faire ce qu'elle veut ». Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, si je venais à faire un OnlyFans, je mettrais au courant les gens, je ne demanderais pas leur avis. C'est, je te mettrais au courant, et si vraiment, c'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, qui est important dans ma vie, et que ma conjointe ou mon conjoint me disait « Non, moi, je ne veux pas », et bah, c'est que si quelque chose qui est aussi important dans ma vie, il ne le comprend pas, il l'accepte pas, c'est que de base, il y a quelque chose qui allait se passer. Et du coup, c'est « D'accord, je veux le faire, et donc là, tant pis, mon compromis, c'est de te quitter, dans ce cas-là. » C'est... Et du coup, c'est juste que, d'accord, c'est donné mon avis. Moi, ça ne me convient pas que t'en fasses un. Moi, j'en fais un. Les chemins se séparent, point. C'est chacun à son point de vue, chacun a fait machin et tout. Et après, c'est que si tu demandes ton avis à ton copain ou autre, et qu'il est en mode je veux pas, mais que du coup, c'est pas très important que t'en fais pas, bah, c'est toi qui as pris la décision finale. Le seul truc, c'est tu demandes de l'avis, mais tu mets au courant les gens qui peuvent être impliqués là-dedans. Pour moi, les débats étaient débiles, stériles de base. C'était en mode oh non, mon copain veut pas que je fasse un OnlyFans, mon corps, mon truc. Bah oui, c'est normal, oui, c'est ton corps, oui, tu fais ce que tu veux, mais s'il veut pas, il a pas à t'en empêcher. Mais par contre, s'il veut se casser, il a le droit. Parce que le problème, c'est le débat, c'est il m'a quitté parce que j'ai fait un OnlyFans. Bah c'est son droit de quitter. C'est son droit de le quitter. C'est également son droit de quitter. C'est plutôt que il a préféré te quitter plutôt que de dire le fais pas et on reste ensemble. Limite, je vais pas défendre personne dans l'histoire. Au moins, c'est pas égoïste. Mais au moins, c'est. Au contraire, c'est. Pour le coup, moi, personnellement, attention. C'est elle qui est un peu plus égoïste en mode, elle voulait un peu le beurre, l'argent du beurre. Elle voulait ouvrir un OnlyFans et garder quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Contre son gré, bon, en soi. Oui, un peu contre son gré. Donc voilà, après c'est touchy, on va pas entrer dans le débat là-dedans. Mais voilà, c'est que tant que tout le monde est en bonne connaissance de cause, etc., comme je disais tout à l'heure, faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour revenir au cosplay, c'est que du coup, il y a une grosse, on va appeler ça dérive, qu'on soit positif ou pas. Oui. Mais voilà, il y avait déjà avant les cosplays très exhaustifs, hein, des cosplays un peu très, très sexualisés. En mode beaucoup y a des après voilà c'est quand c'est avec les trucs classiques les Nami de One Piece et tout de base très dénudés puis après c'est sexualiser n'importe quel personnage point c'est du rôle 34 pur et dur c'est vraiment on sexualise tout ce qui peut être sexualisé et moi j'ai mon avis là-dessus je pense qu'on a tous un peu notre avis là-dessus j'aimerais bien savoir vous et un peu dans la communauté je sais pas si vous avez des retours là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des gens, parce que du coup, les gens qui font ça, en général, c'est des gens qui font ça pour l'argent, on va pas se mentir, hein, c'est souvent le cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de dérive? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui risque d'être de plus en plus présent, de moins en moins présent, ou... Enfin, voilà, c'est, j'ouvre un peu la porte ouverte, là. De plus en plus présent, non. Mais en fait, c'est... Enfin, si, ça va être plus présent, parce que des gens, mine de rien, ont besoin d'argent. Oui, bah évidemment. Et que c'est un modèle économique qui marche, fonctionne. Ah bah, le sexe est bankable, hein. Donc, Internet est là pour ça, hein, rappelle. Après, ça va dépendre des points de vue de chacun. Oui, évidemment. Il y en a qui en ont rien à foutre que des gens peuvent se toucher devant ces photos. Bah ouais, c'est même pas les consommateurs parce que je peux pas blâmer quelqu'un qui consomme. Parce que tu proposes un contenu. Voilà. Donc, moi, je parle vraiment des créateurs pour le coup. Oui, bah après, moi ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, je reviens à mon pote Chris qui a son OnlyFans et qui en tire un revenu qui est quand même assez intéressant. Oui, bah, j'entends. Mais je comprends complètement sa démarche, puisque ça fonctionne. Non, mais il a raison. Après, je suis issu du monde du commerce, hein, moi, donc tu trouves un modèle qui fonctionne, tu gagnes ta vie avec, tu te fais kiffer, t'embêtes personne. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, continue, tu veux que je te dise quoi? Je vais pas dire, bah non, arrête, c'est de la merde. Je fais, bah non, ça marche, continue. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je vois que Marie l'est pas, mais... Ouais, Marie, vas-y. Mais voilà, après, il y a plein de femmes qui abusent de leur forme et qui abusent un petit peu de la crédulité des gens. Oui, après, ça. Voilà, c'est le débat de la mendicité sexuelle, comme on l'appelle. Ouais. Ça, c'est compliqué. On n'est peut-être pas les mieux passés pour en parler, évidemment. Non, donc, c'est voilà, sûr. Ça, on va pas entrer sur ce débat-là. Mais encore une fois, c'est que je blâmerai jamais quelqu'un d'aller consommer quelque chose. C'est évidemment, tant qu'il est en toute conscience, encore une fois, c'est toujours le même problème, utopie, hein, c'est que évidemment après c'est on peut limite ce qui est le plus moins problématique, c'est plus le tout le gros teasing sur les plateformes plus mainstream qui peut commencer à être plus compliqué sur des audiences déjà plus jeunes, etc., ou c'est plus complexe. Alors ouais. Après moi ce qui y a encore, ça, moi ça me dérange pas. Oui. Mais il y a une dérive qui me fait peur. Ouais. C'est dans le sens où c'est déjà arrivé à des potes à moi qui font du cosplay. Ouais. Et qui se fassent démarcher par des gens random. Je demander vois. Est-ce que t'as un OnlyFans? Je vois. Et du coup tu te sens un peu obligé, un peu pris au piège. Voilà. Sinon, tu te fais bâcher ouais. parce que t'as pas d'OnlyFans. Ouais, non, ça, c'est le problème. C'est... Ça, c'est des dérives qui commencent à apparaître, ouais. malheureusement, de plus en plus. Mmh, ça, et effectivement, ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Mais non, en fait, c'est encore une fois, il faut avoir envie. C'est, si t'as pas envie, c'est comme si t'étais l'époque des Mac. Enfin, ouais. l'époque, ça existe encore, malheureusement. Il y a malheureusement des consommateurs ouais. qui, mine de rien, sont addicts à ce contenu-là. Ah bah oui. Et qui harcèlent. Genre, fais-en un. Voilà. Mais oui, j'en vois. Combien tu veux, tu vois, par exemple? Oui, ça, le problème, c'est que ça c'est allonge. C'est un peu comme la prostitution, tu vois. Ah, mais bah, c'est. Alors, oui, voilà, c'est des grands mots et c'est pas la même chose, évidemment, mais c'est une sorte de prostitution, en tout cas. Oui, c'est, je dis pas que c'est la prostitution. Évidemment. C'est une sorte de prostitution. Oui. C'est. Tu payes la possibilité d'avoir la vision d'un bien corporel. Tu payes, quelqu'un tu payes un contenu forcément... pornographique, voilà, en tout cas. Qui n'est pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Oui, voilà, ça peut se sentir obligé de le problème, c'est que. Obliger quelqu'un, que ce soit de la physique, photo ou autre, non, ça n'existe, enfin ça devrait pas exister. Mais c'est la différence qu'il y a du coup entre OnlyFans, où là c'est volontaire, et Instagram avec des gens qui quémandent ça. Oui, exactement, je vois ce que tu veux. Là ça devient du harcèlement, ouais, tu vois. J'entends. Et la dérive dont j'ai peur, c'est de ce harcèlement. Ok, ouais, donc là pour le coup c'est vraiment plus les consommateurs qui ont un problème, plus que les créateurs. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que du coup ça va habituer les consommateurs, entre guillemets, oui. à accéder à un contenu qui n'est pas forcément volontaire de la part d'une personne, juste en payant. Surtout, c'est que s'il y en a un ou une qui craque, bah, ils vont se dire pourquoi pas une autre. Bah, si ça a marché pour elle, pourquoi ça ne marcherait pas sur une autre? C'est ça. Et qui vont essayer, mais pas uniquement sur des personnes comme nous. Oui. Marie, elle est en âge de dire non. Oui, mais le problème, c'est tu mets une pression psychologique à des filles de 16 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. Tu vois, 14 ans. Ouais, des gamins de 14 ans, gamins, gamines. Parce aujourd'hui, c'est 14 ans hein, pour être sur les réseaux sociaux, sur Twitch, un peu partout, tu vois. Moins. 13-14. 13. Ouais, 13, mais bon, 13, c'est pour officiellement, encore une oui, fois. Oui, après, tu peux toujours dire problème. Mais t'imagines? Ah non, mais moi je suis d'accord. C'est dans notre situation, dans notre cas de conscience, on comprend, on sait ce qu'il faut faire si jamais ça arrive. Mais une fille de 13 ans qui se fait cyberharceler par un mec, mais imagine, c'est des communautés de gars. Comme la pédophilie au final. Ah oui, non, mais il y a eu le problème sur Pornhub cette année. Pornhub avait certifié du contenu d'une créatrice qui en fait avait 15 ans et ça faisait un an qu'elle était portée disparue. Incroyable. Donc voilà. Et Pornhub, qui vérifie zéro, avait certifié ça. Et du coup, mettait en avant, etc. Donc, ah non, mais c'est infâme. Enfin, voilà, là, on dérive beaucoup du coup sur les bas-fonds d'internet et c'est pas trop le message. Hein, oui, mais c'est. Mais voilà, c'est des choses qui existent. La monétisation de ces dérives-là me dérange pas du moment qu'elle est consentie. Exactement. Mais elle me dérange du moment qu'elle est subie. Oui. Si on devait résumer le propos. Oui, c'est ça. Mais au final, parce que du coup, vis-à-vis du harcèlement, en fait, même pour des personnes de 25 ans, enfin, comme nous, je pense que ça dépend aussi de la notoriété que tu as. Parce que puis du psyché que t'as aussi hein. Et du psyché aussi que t'as parce que par exemple enfin c'est tout récent mais Marvel Fitcast Marvel Fitness c'est compliqué ça c'est un débat que connaît plus Marie ouais. Mais tu vois par exemple le cas de Aline Dessine et de Marvel Fitness c'est Aline Dessine c'est quoi c'est une personne qui a notre âge je crois dans la vingtaine peut-être un peu plus jeune, plus vieux, je sais pas, mais voilà, c'est une personne qui n'a pas pu gérer alors qu'elle a fait comme elle a pu pour atténuer les trucs, mais qui a jamais pu gérer tout l'harcèlement subi parce que bah, enfin, les communautés sont tellement énormes à plus haute échelle que finalement arrive un moment où tu peux mais plus. Là, dans ce cas-là, c'est encore autre chose parce que elle s'est défendue parce que elle voulait aussi se protéger par rapport à son métier. Ouais, tout à fait. Donc, tout à fait. Quand tu n'as pas un métier à côté que tu partages, au pire, bon, voilà, c'est tu prends sur toi ou voilà, tu essaies de te soigner comme tu peux. Je ne sais pas trop comment le dire, mais quand tu vis de ça, tu as un métier derrière et que derrière, tu as toute une communauté qui vient et qui va jusqu'à voir tes partenaires pour arrêter des partenariats, etc. Mais c'est compliqué ensuite pour la personne parce que du coup, c'est comme... C'est horrible, c'était pas possible. Tu coupes toute source de revenus, en fait. C'est ça. Les personnes qui harcèlent coupent toute source de revenus et c'est ingérable, quoi. C'est ça. Donc après, il y a eu beaucoup le fait qu'ils disaient que non, c'est pas cette personne-là, c'est la communauté, etc. Donc là, on peut en revenir aussi par rapport à OnlyFans, où les gens, ils demandent, est-ce que t'as un OnlyFans ? Du coup, il y en a, ils veulent pas, donc ils vont perdre effectivement des followers. Et d'autres personnes... On va pas leur demander, mais du coup, ils vont se dire « Ah, ben, si je fais un OnlyFans, il y a des gens quand même qui vont venir me suivre. C'est peut-être gagnant, je vais le faire. Je suis pas trop chaud, mais je vais le faire quand même parce que je vais gagner des followers et puis je vais gagner peut-être un peu de thunes. Ouais, » Donc, il y a aussi, Il y a aussi une pression là-dessus de toutes ces personnes qui vont partager ça et qui vont dire « Bah, moi, ça va, je vends quand même plutôt bien avec OnlyFans. » Bah, ok, super, mais à côté d'OnlyFans, t'as plein d'autres plateformes pour pouvoir soutenir des créateurs comme Ko-fi, comme Tipeee, etc. Oui, il y en a plein d'autres, évidemment. Donc, oui. Mais de plus en plus, les gens se retournent chez OnlyFans parce que c'est plus facile et les gens, ils ont la récompense tout de suite. Oui. Donc, puis c'est le côté proche des gens qui marche, quoi. Je me dis que c'est quand même un peu... Il y a des gens, ils le font, ils font ce qu'ils veulent, ils sont contents de le faire, etc. Mais d'autres, je me dis que ça peut être aussi un peu un couteau sous la gorge, lointain, mais il est là quand même. C'est évident. C'est comme ça que je mets vraiment l'accent sur... a vraiment voulu 100%, tout est bonne chose. Enfin voilà, c'est comme tout, quoi. Tout est fait en tout état de conscience. Voilà. Ouais, zéro problème. On va fermer là-dessus quand même parce qu'on a beaucoup dérivé. Alors, Core Media qui sponsorise, qui partenaire où on parle de dépression de gacha et de OnlyFans, ça va être cool. Envoyez des jeux. Envoyez des jeux, Core Media. Ils n'ont pas, c'est bon, ils sont ok. Ils sont okay. Du coup, on va clôturer ce podcast de 3h15 quand même, malgré tout. C'est ta faute. C'est pas le plus long. C'est vraiment pas le plus long. C'est vrai que c'est pas le plus long. C'est pas le plus long du tout. Du coup, on va finir sur les actualités de chacun. Donc, on va faire vos pubs, évidemment. On va commencer par toi, Rémi. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment sur les réseaux, etc. Alors, sur les réseaux, au niveau cosplay, vous verrez plus beaucoup d'activités, donc pas vraiment. Oui, mais c'est pas grave, c'était super photo. Why So Serious, du coup, donc WY sans le H, en gros, comme l'expression. Ça, je l'oublierai pas, par contre, ça sera dans la description, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est ma partie cosplay et ma partie photo qui est Not Serious Peak, en lien, bien entendu, du coup, avec la partie cosplay. Yes. Avec bientôt la création de Not Serious Prod, mais. Voilà, c'est beau ça, c'est beau, ça tease. C'est beau. Pourquoi tu teases Et. j'en profite. Et du coup, sur Not Serious Peak pour suivre toute mon actualité photo, également sur ma page Facebook au même nom. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, parce que plus le temps pour le moment suite à une reprise d'études, sur mon Twitch Not Serious Peak également. Et avec ça, grand plaisir. Wow, t'as plus le micro, ouais. Arrête, c'est pas de la ASMR. Oui. Marie, où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, on me retrouve sur Internet. Sur le monde merveilleux des internets, c'est ça. Ouais, super. Sur l'internet mondial. Donc, on me retrouve principalement sur Instagram au nom de Jishin Sora. Ouais. Tout simplement. Et en fait, on me retrouve facilement avec juste Jishin Sora sur Twitch, Twitter, pas trop, non. Pas du tout, même en fait. Enfin, de temps en temps. Ouais, c'est très rare. Rarement. Voilà, et j'ai repris un petit peu Facebook aussi, mais sinon ce sera principalement actuellement Twitch, Instagram et YouTube, au nom toujours de Jishin Sora. Enfin, on me trouve partout Jishin Sora, voilà. Les gens ils demandent, c'est Jishin Sora. Essayez partout, au cas où. Voilà. Le jour où vous trouvez quelqu'un qui est le même pseudo que moi, c'est un voleur. Alors pas sur OnlyFans du coup. Non, mais j'ai pas ça, non. Alors si, on a étudié l'hypothèse de faire un OnlyFans mais de pied, pour les fétichistes. Voilà. Putain, j'y ai pensé aussi. En vrai, on fait une équipe, le meilleur plan. Team Fit. C'est pas le meilleur plan au final. Team Fit. C'est joli jeu de mots. Mais Team Fit, c'est la team de Team Winchite. Oui, non, c'est c'est la Team Shape, justement. Merde. Terrible ce qui se passe. Merde. On glisse là. Non, mais en vrai, c'est ouf. Parce qu'en vrai, c'est le meilleur plan. Parce que tes pieds, tu branles. Tu vois, du coup, Arthur, où peut-on te retrouver? Alors, moi, je finis toujours par moi, j'avoue. Je vais toujours passer les autres travaux. Où pouvons-nous retrouver Yannick, du coup? Mais c'est bien. On me lance jamais d'habitude. Si, je le fais toujours à la fin. Je parle des invités. C'est vrai. Les invités le font jamais. Alors, qui? Toi ou moi? Yannick, où peut-on te retrouver? Alors, moi, on peut me trouver sur Twitter, Indiana_60. Je tweete un peu de conneries. Beaucoup. Non. Si. Des fois, je programme mes lives, mais c'est des fois. Et sinon, sur Twitch, c'est Indie avec 4 i à la fin. Voilà. C'est vrai que je suis allé voir la dernière fois. Oui, c'est très qualitatif. C'est le meilleur streamer FR. Voilà. Non. Et en face, c'est la meilleure streamer FR. Bon. Si. Moi, d'accord, du coup. Très subjectif. Évidemment. C'est classique. Mon actu principal, ça reste le podcast, hein, 10 minutes, IX. Bientôt, du coup. Du coup, semaine prochaine ou dans deux semaines, hors série sur Kamen Rider Zero One avec Eric, le retour du duo. Également, Podcast of the Grid, le podcast Power Ranger, épisode 2, d'ici deux semaines également sur saison 1 de Mighty Morphin Power Ranger. D'ailleurs, j'en profite ici parce que du coup, on parle pas du tout en off sur le podcast of the Grid. Eric, qui est pas très loin dans la pièce à côté, vous remerciera également avec moi. Merci vraiment de ouf pour les retours. On est vraiment super heureux de comment ça a pris, ça a marché, des retours que vous avez donnés. C'est vraiment top. C'était un gros exercice très difficile. C'est un gros travail de 4 ans qui aboutit. Donc, vraiment, on est vraiment super, super heureux. Nous, on a kiffé le faire. On est parti pour une aventure d'au moins 4 ans. Donc, j'espère que vous serez là jusqu'au bout. Il y a de quoi parler. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. C'était vraiment top. Donc, podcast of the Grid, la légende Power Rangers, dispose sur toutes les plateformes et bientôt sur YouTube quand j'aurai de quoi. Poster tout ça très bientôt. Sinon Twitter évidemment Ninja Soti où je poste très peu de choses, mais là il y a pas mal de choses où je devrais partager. En tout cas il y a les actus des podcasts dessus. Je me suis remis fortement à créer des jeux de société, donc je vais essayer de lâcher des jeux de société quasiment un par mois. Donc comme ça vous pourrez les faire chez vous tranquillement. Ils sont également sur Tabletop Simulator. Donc n'hésitez pas. Puis voilà, moi c'est tranquillement là-dessus. Instagram Ninja Toys of Love pour des photos de jouets de temps en temps. Instagram The Flat Ranger pour des fan art Power Ranger de temps en temps. et se le faire voler surtout, hein, ça, c'est la passion, hein, vraiment. Oui, je me suis fait carotte mes créations Power Ranger par un mec. Des animations, décorations là que t'avais fait. Ouais, mais je faisais des. En gros, c'est pour les covers du podcast à la base, Podcast of the Grid. Je faisais en version flat, je faisais des fan art des Power Rangers. Et je l'ai partagé gentiment. Du coup, moi, c'était vraiment en mode vraiment pur communautarisme. Moi, je suis un mec d'internet du communautarisme. Du coup, j'en avais fait des versions wallpaper mobile, donc propre, utilisable et tout. Et je les ai mis sur un groupe Facebook assez restreint de fans d'International Power Rangers. Et donc les gens étaient trop contents, genre machin et tout et tout. Et après j'ai découvert qu'il y a un mec qui utilisait ça pour ses packagings de figurines non officielles. Et du coup moi j'ai été le voir en mode ouais, et en gros il m'a cassé les couilles grâce à une communauté Discord de ce qu'elle en a avec Kenny, qu'on a essayé de le faire plier et tout. Mais en fait Instagram fait rien pour ça, parce que c'est surtout sur Instagram que ça se passe. Instagram s'en fout, et vu qu'il est en Angleterre j'ai aucun moyen légal de le faire arrêter. Du coup pour l'instant j'ai juste un peu stoppé et j'attends de voir comment essayer de casser tout ça quoi. Donc voilà, les bonnes ambiances, c'est comme quoi quand on veut bien faire, on se fait vite baiser. Enfin bref, voilà. Toujours que du positif dans ce podcast. Merci bien entendu, notre sponsor. Et merci beaucoup, Core Media pour les jeux. Que du positif dans ce podcast. Enfin bref, en tout cas, merci à tous, merci à vous trois d'être là toujours. Merci Rémi et Marie. Merci, vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir. J'ai déjà un autre thème pour vous de toute façon. On revient demain. Demain ça matin. Va être non mais voilà c'est vous revenez il est 21h passé. Ah, 21h couvre-feu pour chez vous, désolé les gars. enfin bref voilà, donc en tout cas portez-vous bien, faites attention à vous en ce moment tout ça. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. On se retrouve d'ici 6 à X semaines comme d'habitude pour un nouveau podcast. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à tout autour de vous, et je vous fais des gros bisous. On vous laisse évidemment en musique, je la lance derrière, c'est incroyable ce qui se passe. Et en tout cas des zoubis et à tout bientôt. Salut à tous, ciao. りしたり気取り誇りやかし探し場取り話し言葉巧み飾り一人二人踊りのろし引けしリアルフェイク語り錆びた鎖幻なぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜきなぜき